Jul qui est là tous les soirs de la semaine. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Et toi, Tiffaine, tu as envie d'avoir des places pour Rihanna. Je le sens. C'est ça. Je le c'est sens, ça, je le ça. Vois. Tu es prête, on lance la roulette, c'est parti. Je suis prête, oui. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Roulette qui tourne, Tiffaine. Ah, la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben, c'est Riri. Ah, c'est ça qui est bon. Et bah, bon concert avec Skyrock. Deux places pour aller voir. Il y a quatre stades, quatre villes en France avec Rihanna, avec Skyrock. C'est pour toi. Il y a deux places qui t'attendent, Tiffaine. Merci beaucoup. Je te fais un bisou, Tiffaine. Merci, bisous. Bisous, bisous. Merci. Merci à toi, Jules. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Fred. Merci à tout Skyrock. Et encore une grosse dédicace à Apple, à Billy. Oui, Apple, musical. Qu'on salue. Parce que je crois qu'on peut précommander tout de suite sur Apple. Non, c'est ouais, ça. Il y a un truc ça. Particulier sur Apple. Hein. C'est ça. On commande direct sur Apple. Pour avoir l'album, donc allez cliquer Apple Music. Cliquez. Merci à toi, Jules. Et demain, on fêtera la sortie de l'album avec un gros live de prévu. Entre 20h et 21h, est-ce que Difool est arrivé? Mais oui. Ouais. Hein, tu es là, Difool? Je suis en courance. Je sais, il paraît. Le quartier était bloqué, donc j'ai fini en courant. Que se passe-t-il? Eh ben, je sais pas, une émeute à cause de toi, Jou. Eh ben ouais, il y a trop de monde, Jou. Circule plus dans le quartier, là. Je vais sortir en dehors. Oui, on se prend à sortir par la santé de secours, si tu veux. Bon, et tu sors pas tout de suite, Jou, on t'attend. Non, il va rester, il va rester. J'arrive, là. Bon, bah écoute, fais tes trucs. Il paraît que vous avez des surprises pour Jou. Parce que nous, on a des petites surprises pour toi. Ah, ok. J'espère qu'elle est bien, là, surtout. Oh putain, il fout la pression déjà. Je crois même qu'il y en a plusieurs de surprises. Ça va, elle va me faire plaisir. Bah, je crois que ça va te faire plaisir. On verra, quoique. Reste avec nous, Jul, on te retrouve dans la radio libre. Vous toutes dans la radio libre également. Et puis demain soir, c'est demain. Le feu finale. D'artifice, tu peux le dire. C'est le feu d'artifice, c'est le 14 juillet. Exactement, le 14 juillet. Avant l'heure. Le 24 alors, hein, pour le oui, c'est ça, 24 juin. Sorti dans les bacs de Jul. Et puis le dernier Planet Rap de la semaine avec toi, Jul. Merci à tous ceux qui sont venus, qui ont une pêche d'enfer. Ça fait plaisir à écouter. C'est cool. Du bien. Hein. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est un truc de fou à vivre, en tout cas, dans le studio. Eh bien, on vivra ça demain, 20h-21h. Ouais. Et dans un instant, donc, Jul, vous voulez lui parler. Vous avez des trucs à dire. Vous faites hashtag Jul sur Skyrock. Le 41-759. On nous laissez vos messages. Le skyrock.fm. Ça marche, l'appli Skyrock. Enfin, il y a moyen de joindre Jul dans la soirée, profitez-en. Et puis Jul, on t'attend là d'ici minuit de toute façon, hein. On est là jusqu'à minuit, nous. On profite. Bon ben vas-y, j'arrive. Eh ben c'est très bien. Merci Jul, merci Fredo. Et nous on arrive tout de suite à Radio Libre dans 2 minutes, là c'est parti, il est 20h57. À tous, c'est Radio Libre en direct. En juin et en juillet, Skyrock t'en met plein la vue. Ah c'est cool. Tous les matins, le Crédit Agricole t'envoie sur les 8e, quart, demi et finale de l'Euro 2016. Avec tes places en tribune déjà réservées. Merci beaucoup. Et toute la journée, Skyrock t'envoie sur les 4 stades de Rihanna à Nice, Lyon, Lille et Paris. 200 places pour l'Euro 2016, 400 places de concert pour Rihanna. This is Rihanna. Écoute Skyrock et gagne-les à tout moment. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock, premier sur le foot, premier sur Rihanna. Justin Timberlake. Justin Timberlake revient avec un nouveau tube. Can't Stop the Feeling. Can't Stop the Feeling. Maintenant disponible. Beau mec à 500 mètres. Va tout droit. Tourne à droite dans 50 mètres. Beau mec en vue. Tu es arrivé à destination. Smax, l'appli de rencontre qui te guide vers de belles rencontres. Télécharge Smax, S-M-A-X, Smax, et active ta destination vers de nouvelles rencontres. C'est déjà le milieu de l'année, l'heure des premiers bilans. Moment, au 71-777. Nos astrologues vous guident dans vos démarches futures. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Des réponses précises sur ce que les astres vous réservent pour la suite de l'année. Moment, au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice, le 19 au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les premières places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Et Rihanna a gagné avant minuit dans la radio libre. On va tourner la roulette. Vos places pour Rihanna, pour tous les grands concerts Skyrock de Rihanna, c'est pour vous. C'est parti. Romano. Oh, j'ai une haleine. Et tu lui parles de chacal. Tiens, sans. Difool. Je n'ai pas de problème d'odeur. De la bouche. Cédric. Tu vas me faire l'amour un petit peu dans les fesses. Marie. Non mais ça rend les dents blanches, mais c'est dégueulasse, c'est salé. Samy. Samy from the south of France. Hi from Jamaica mais in France. Momo. Salikoum salem. J'aime bien les chiots, ouais, c'est ça. Et Karim. Et là tu piques, Karim. Ah, ta race. 10 full radio libre tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Et 21h pile, putain, quel professionnalisme, décidément, c'est la folie. Mais zéro, c'est ça. 21h00, on est là jusqu'à minuit. Nickel. Bienvenue à vous. Heureusement que je suis professeur de radio et que je me remets de l'ordre dans tout ça. Exactement. Ouais, c'est sûr. Romano, le professeur de radio. Tu sais qu'il y a plein de questions qu'on nous pose sur comment faire de la radio. Est-ce que tu demandez-moi, je peux vous donner des cours particuliers. Gratuits pour les auditeurs. Préférentiel, bien sûr. Ah, bien sûr, je me disais aussi. Hein. Bon, bonjour Romano, comment ça va? Ben, ça va bien. Bon, t'as vu, il y a Jules qui vient ce soir. Ouais, et il fait très chaud. Et il fait très très chaud. Ah, c'est vrai. Putain, j'ai mal dormi, moi, cet après-midi. On se rendait presque à Marseille, les gars. Presque à Marseille, ça sans le Mistral et sans la mer. Hein. C'est ça, et sans la mer. Ouais, ouais. Franchement, ça va, j'ai une clim. Ah, wow. L'autre, avec sa clim. J'ai une clim pour le chien. Non, mais l'année dernière, le chien avait très chaud, donc j'avais acheté une clim, mais me sert bien cette année. Tu dois être le seul mec qui achète une clim pour un chien. Bah, ouais, mais franchement, il était vraiment pas bien. Il avait fait, il était déshydraté et tout. Et voilà. Bah, donc tu en profites également. Bien joué. Bah, ouais, bah. Bien acheté, je m'en sers un peu aussi. Exactement. La propriétaire du chien, ta meuf, a acheté la clim et Romano s'en l'utilise. Mais qu'il est fort, il fait même des conseils pas chers chez lui. Ah là, sur le coup, c'est moi qui l'ai payé. Exceptionnel. Je vais te dire, je le crois prix pas. 365 euros. Je te crois pas. Oh putain, il s'en souvient. Non, mais si, parce que je me souviens, l'année dernière, là, quand il y a eu la canicule, c'était à peu près à la même période. Hein, ouais. Sur toute la France, là. À Paris, mais genre, on tapait du 35 degrés, mais c'était infernal. Mais genre, sur une semaine. Et il y avait rupture de stock de clim partout. Et Romano était parti à la recherche d'une clim. Vous avez demandé votre aide d'ailleurs à l'antenne. Ouais. J'avais fait tout, les magasins, boulanger, Darty, Conforama. Et j'en avais trouvé une chez Darty à l'autre bout de Paris. Bon, j'y étais, j'avais eu ma clim. Et maintenant, je suis sous clim. Ah, voilà. En permanence, nous aussi, à la radio, on est sous clim. Donc, ça va à peu près dans le studio. On est à peu près bien ce soir. Bon, si vous avez chaud, la soirée sera chaude. Vous êtes déjà dans l'ambiance ce soir. Profitez-en. Vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20, le 41 759, l'appli Skyrock. Tout marche pour nous laisser des messages. Vous profitez bien de cette soirée. Skyrock en direct jusqu'à minuit. Bon, Romano est là. Vous avez entendu la Marie. Bonjour, ouais, Marie. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal. Sauf que je suis dans mon premier jour de mes trucs, là. Donc, très bien. Parfait. Je risque de courir à des moments là, c'est un peu le bordel, mais sexy bon. Sexy baby, donc sinon tout va bien. Tout va bien, la Marie. Bon, bonsoir Samy, comment salut, ça va? Salut, bonsoir tout le monde, écoute, ça roule tranquille. Tranquille, on fera le journal des Bleus, même s'il n'y a pas eu de match. Il n'y aura pas de match aujourd'hui, pas de match aujourd'hui, ni demain, ils refont les pelouses à Lille, entretien. Ouais. Bonsoir Karim, comment ça va? Travaux pendant les le coup, j'ai faim, j'ai soif, j'en peux plus. Ah ouais, Ah bah voilà. Faut te retenir un peu, Rouya. Et oui, tu te retiens une heure, et dans une heure, c'est bon. Bon, voyez que toute l'équipe est là, vous n'avez pas entendu Cédric, mais il est avec Jules, il traîne dans les couloirs. Cédric arrive. Je sais pas, j'ai vu passer sa grosse tête. Il est là. Ah non, mais il y a son corps entier. Ah bah tiens, le gros corps entier. Salut Cédric. Là. Oh. Bon, tu nous ramènes Jules d'ici un petit quart d'heure. Ouais, dans un petit quart d'heure. Le temps qu'il accompagne tous ceux qui étaient dans Planète Rap, parce qu'il y avait du monde encore ce soir. Gros Planète Rap, loupez pas le rendez-vous demain, c'est le dernier de la semaine, 20h-21h, Planète Rap, c'est en direct sur Skyrock, c'est avec Jules tout au long de la semaine. Et ce soir, c'est en direct sur Skyrock, et c'est avec Jules aussi. Et avant minuit sur Sky, on s'occupe de tout ça. Bon, vous profitez de cette soirée, vous nous. Bonjour les filles. Ah ouais, bah bonjour, disons. Comment ça va les filles? Ça va. Ah mais les fans sont là quoi. Et ouais. Les fans de toi, on m'a pas prévenu qu'il y avait une belle surprise comme ça. Comment ça va la plus belle? Ça va. Je dis à tout ensemble. Ouais, c'est ça. Quand je dis la plus belle, j'en ai regardé une, j'ai regardé les quatre autres derrière. T'es pas con, c'est une bonne technique. Ouais, ça va plus belle. Bon, bah bienvenue à vous. Bon, vous pouvez débarquer ici sur Skyrock, c'est au 01 53 40 30 20. Je vous le disais, on salue Sourisette qui est déjà là. Bonjour à Nicolas, bonjour à Dracwalls, bonjour à Mokhtar, bonjour à Cortez, à Steven qui est là aussi, bonjour à Orient. Bonjour Orient du 96. Gros orage en ce moment en Belgique, rue inondée en 20 minutes. Salut à toi, ami belge. Bonjour, vous avez vu, on nous écoute même en Belgique maintenant, c'est un truc de fou dans le monde entier. Eh bien, bonsoir. Eh oui, bonsoir la Belgique. Bonsoir la Belgique, bien bonsoir. Le bonsoir. Et toutes nos forces. Et toutes nos forces, exactement, oui. Que la Belgique est là, que c'est marrant, hein, on aura Jules de Marseille, la Belgique, vous tous de toute la France. Voyage, hein. Du monde entier, regardez, il fait super chaud à Évreux, on nous dit là sur le 41759. Théo de Pau qui est prêt pour une soirée de folie. Hashtag Radio Libre de Difool, hashtag Radio Libre, hashtag. Skyrock FM, hashtag Skyrock. Bah, toi, tu hashtag dans tous les sens. C'est le roi du hashtag, Théo de Pau, là, après ce que je vois. Bon, je voudrais parler à Jules, team du Nord, qui nous laisse un message. Vous voulez parler à Jules, laissez bien vos messages. Hein, il arrive. Jules sera là avec nous sur Skyrock. Et on est bien content qu'il vienne nous rejoindre. Ah ouais, ça fait plaisir. En plus, on lui a prévu des petits cadeaux ce soir, des petites surprises. Et ouais, il va être content. J'envoie des sons, venisons la mort. Je me vois partir sous le sun, nager dans l'eau. Oui, c'est Emotions, le son de Jules. Je sens trop Mano. Je suis pas radeau, il dit. Je votre mano. Joule qu'on va retrouver, Joule sur Skyrock ce soir. Ça passe un titre en disant ça dedans. Ouais. On va lui demander un petit live à Joule. Ouais, mais il le fera tout seul, je crois, maintenant, le live. Parce que je sens qu'avec la chaleur, tout ça, t'es pas prêt. Non, j'aimerais même faire un bout de Wesh Chaleur, quoi. Wesh Chaleur, je l'ai là si tu veux. Wesh Chaleur. Wesh Chaleur. Oh putain. Wesh Chaleur. Wesh Chaleur. Wesh Chaleur. Wesh Chaleur. Donc Joule arrive avec nous sur Skyrock, on va passer un bon moment avec lui. Content de le retrouver, je veux parler à Joule, nous dit Yasmine. Je veux parler à Joule pour Didi, passez-moi Joule pour Nico Ro. Bonjour Nico Ro. Bon, vous laissez vos messages, envoyez le numéro de Joule. Ah bah à partir de maintenant c'est 41 759 et 01 53 40 30 20. Si vous voulez parler à Joule ce soir. Et autrement il y a le numéro de Planète Rap, vous pourrez l'appeler demain entre 20h et 21h. Bon, vous êtes prêts pour une grosse grosse soirée? Ouais, on est prêts, chaud. Attention, chaud patate. Ah mais toi tu m'aimes bien, toi aujourd'hui la chaleur t'as monté à la tête, non? Ouais, je vous... Ah mais elle fait une chaleur à crever. On est toujours en train de se plaindre, mais là c'est insupportable. Non mais il y a une semaine c'était le même type qui nous disait ouais il pleut tout le temps, il y a un printemps de merde, j'en ai marre, beuillant. Non mais c'est un temps de merde, voilà. C'est pas un temps, non mais c'est... Allez, c'est le mec est jamais content, c'est quand même un truc. Attends, tu vas dire que t'es content? Oui, je suis heureux. À crever comme ça là. Moi je suis heureux. C'est insupportable dans Paris, moi je fais des crises d'asthme avec cette chaleur. Non mais sérieux, moi ça m'étouffe. Tu nous as fait une petite cette semaine pour montrer à Joule comment tu fais une crise d'asthme. Non mais non, pas ce soir, mais allez. Non mais là ça va, on est sous clim, mais dehors je te jure, mais ça m'étouffe moi. Ah bah ouais. Ah, bah, c'est normal. Moi je suis sous bière moi. Ouais. Je suis sous tease. Ah mais une bonne bière fraîche là, avec cette chaleur, ça passe bien. Hein. Ah, j'en ai bu une ce midi. Ouais, c'est ça. D'habitude je bois pas la semaine, mais là je me suis dit 4 forces majeures. Joli chant, je suis parano, vous chantez je suis alcoolo. Ah pas mal, ouais. Bah oui, pas mal Marie. Bon allez, on vous accueille en direct tout au long de la soirée, vous nous passez un coup de fil, vous débarquez ici, on a Crazy de Saint-Etienne avec nous pour démarrer cette soirée dans un instant. Le double appel. Ah oui, on va faire un double appel avant l'arrivée de Joule. Eh ben ouais. Double appel avant l'arrivée de Joule. Le problème du mois tout à l'heure, parce qu'on est jeudi. Aussi, ouais. Ce sera juste aussi, après, ouais. Juste après que Joule soit passé nous voir. Pas de problème. Et puis, bah, vous tous et vous toutes. Alors, vous, c'est vraiment quand vous voulez. Hein. Vous avez pas d'horaire. Aussi, en gros, c'est 21h minuit. C'est tous les soirs. C'est Skyrock. Et c'est Radio Libre. Et c'est donc Crazy de Saint-Etienne qui nous appelle. Bonjour, Crazy. Bonjour, l'équipe. Hi, man. Salut. Hello, Crazy. Hello, Crazy. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Il fait beau, et vous? Bah, écoute, ça va bien. Il fait chaud. Ah, il fait trop chaud, nous. À Saint-Etienne ouais, aussi. Peu, ouais. À Saint-Etienne, il fait grave chaud, hein. J'ai eu des. C'est pas là-bas, ouais. C'est une cuvette de chiottes, là. C'est pas. Non, c'est à Grenoble que c'est une cuvette de chiottes, Romano. Mais à Saint-Etienne, il fait chaud tout le temps aussi. Ouais, quoi, tout le temps, ouais, tout ça le va, temps, c'est ouais. Pas non plus. Si, c'est la canicule. Tiens, autant de 10 foules, machin, c'est l'Espagne, quoi. C'est l'Espagne. Ouais. Si Saint-Etienne, Espagne, même combat. Combien il y a fait aujourd'hui à Saint-Etienne chez toi? Dites-nous, tiens, les températures qu'il y a fait chez vous, là, tiens. Il a dû faire 35 degrés, un truc du genre, je crois. Ouais, 40. Et non, mais c'est vrai, il a raison. 35. Ouais, il faisait 34 à Lyon, à Saint-Etienne, il fait toujours un petit peu plus chaud. Ouais. Ou un petit peu plus froid l'hiver. Donc, Non, mais surtout, tu sais, les températures. Attends, on vit à la dure à Saint-Etienne. Ah, hein. Oh, bah, à l'ombre. Ouais, c'est toujours les températures à l'ombre. Ouais, c'est pas le ressenti. En fait, au soleil, il fait beaucoup plus chaud. Attends. Ah, c'est les températures à l'ombre? Ouais, c'est sous abri, en fait. Ouais, c'est pas ressenti, ouais. Eh ben, Karim, t'auras appris un truc. Karim, je savais pas. Putain, j'adore t'apprendre des choses. Putain, mais oula. Appelle-moi monsieur le professeur. Rouilla professeur. Rouilla professeur. C'est un truc de ouf, je savais pas gros. C'est-à-dire qu'à la météo, quand tu regardes Paris, quand t'es par exemple à 10-25 degrés, c'est à l'ombre. Ouais. Bah oui. Ouais. Toujours. Putain, en fait, c'est sous abri. Karim, il a lu. En fait, c'est sous abri. En fait, t'as jamais vu, tu sais, il y a des petites boîtes blanches des fois au bord de la route. C'est ça qui mesure. Et dedans, il y a un thermomètre en fait. Et il y a un mec qui va relever. Oh là, le thermomètre, mais c'est pas pour mes fesses. Ah non. Parce que je me suis assis sur une boîte blanche. Non, rien à voir. Non, mais c'était pour savoir quelle était ma température. Non, mais c'est pas un thermomètre, tu te mets dans le cul. Oh c'est un truc un peu plus élaboré. Oh, je me disais, ça faisait mal. Parce que c'est carré, c'est ça. Ouais, c'est pas. C'est vrai que tu t'es foutu un truc carré dans le cul, mais ça va pas, dis donc. Ah non. Tiens, il faisait 25 à l'ombre aujourd'hui. Ah bah, il faisait pas très chaud. C'est chez Steven qui nous dit ça. À Brionne, en Haute-Normandie. Oui, c'est vrai que la Haute-Normandie, l'ouest, c'est pas l'endroit où il faisait le plus chaud. 36 à Arcachon. Oh là là là. Tu as dit foule où tu vas en vacances? Je suis allé à la plage, c'est Shawir qui dit ça. Qu'est-ce qu'il y a mes vacances? En Italie, là. Ouais. Non, mais il fait. Tu sais que l'eau, elle a 27 degrés. Non, mais je sais, il fait 37 aujourd'hui. Ouais, 27 degrés l'eau. Ouais, putain, moi où je vais, l'eau, elle a 30 degrés. Ouais, quoi. C'est un truc de je suis dégoûté de paillettes. Ah, moi aussi. Pareil. Bah, sans dire qu'on n'est pas bien ici. Ah mais non, bon. On est content d'être avec vous. Hein. On est quand même mieux là-bas. Mais je crois qu'on va décentraliser les studios ouais. Bientôt. Ouais. À moment une donné, plage. Ouais. En vacances, et l'eau, elle est froide. On va partir au soleil. Non, impossible. Non, mais impossible. Jamais, jamais. Jamais, gros. Non, mais au pire, elle sera quoi? 23, 24, tu vois. Ce sera toujours bien, ouais. Eh ouais, ouais, toujours bien. Bon, alors, Saint-Etienne, tu es allé au lac Grandjean pour te baigner aujourd'hui, crazy? Non, je travaille, donc j'ai pas vraiment le temps. Tu vas me dire, ça t'a évité de te choper une maladie, parce que tu te baignes, c'est un lac artificiel, hein, c'est un espèce de barrage. Tu te baignes dedans, comme dans tous les barrages. Ah, c'est l'eau. Tu chopes la lèpre. L'eau est pas super, ouais. Non, mais il y a fait chaud, j'aurais d'aller les messages. 37 en Alsace, nous dit Fadi Sangoku. Salut à toi, Fadi Sangoku. Dans le 02, il y a fait 31 degrés. Merci à toi. Tiens, c'est un autre Joule qui nous laisse un message. 37 degrés du côté de Bordeaux. Waouh. 21 à Rennes. Ah bah oui, c'était tranquille en fait. Hein. Grenoble, on dirait la chaleur de l'Italie, nous dit ça va de chaud là. Ouais, Grenoble, il fait toujours très très chaud. 24 degrés du côté de Rouen. 30 degrés à Suresnes, en région parisienne. 32 degrés, on nous dit, du côté de Créteil. Et il a fait chaud hein, aujourd'hui. 37 là. Dans mon cul. 37 dans le cul de la Marie. Oui, merci pour cette info, la Marie. 32 degrés à Dole, dans le Jura. 30 à Orléans. Avignon, il est 21h10 et il fait 30 degrés, nous dit Babtou. Salut Babtou d'Avignon. 40 à Nice. Là, il fait 30 dans le 91 pour Django. Et dans ma voiture, j'avais 29 moi tout à l'heure. Chez Hayette, il faisait 40 degrés aujourd'hui en Franche-Comté. Mais ça, c'est des coins où il fait très froid l'hiver. Et quand il y a des chaleurs, c'est, il fait une chaleur à crever. Très froid l'hiver et il fait très chaud l'été. Très, très chaud l'été. Non, mais j'ai pas beaucoup dormi. Puis la chaleur, ça m'a tapé sur les nerfs. Sur le système. Alors, je vais avoir du mal à parler. Bon, alors, on a parlé soleil, on attend Joule et on va s'occuper de toi. Crazy, qu'est-ce qui t'arrive? Explique-nous. Ben, crazy. Du coup, je suis sur Saint-Etienne et on va dire que... C'est la mort. Il y a rien à faire. Arrêtez de chier sur ma ville. Saint-Etienne. Et allez. C'est la mort. Non, c'est pas la mort. À Saint-Etienne, il y a l'euro, les amis. Ouais, bah, il y a l'euro aussi. Il y a l'euro. Mais savez, vous avez plus de matchs en plus. Là. Si, il reste des matchs à Saint-Etienne. Là, je crois pas, non. Eh, si. Il reste des matchs à Saint-Etienne. Il y en a demain. Ah bah oui. À la télé, demain, il n'y a pas de match. Non, il y en a un samedi. Ah ouais samedi, ouais, pardon. Et c'est quoi samedi, le match ouais. Là, c'est au stade, là? Mais c'est le dernier, hein. Ouais, je crois. Ouais. C'est, tu connais le match, c'est Crazy? C'est la Pologne, je crois. Le match Pologne de la Pologne, Suisse. Il me semble. Ah, Pologne-Suisse à Saint-Étienne, ok. Pologne-Suisse, bah, beau match, dis donc. En plus, les Suisses sont pas très loin. Ah, c'est Samy a son petit guide de l'euro. Ouais, oui, je suis en train de vérifier parce que comme tout bon footix. Oui, oui. C'est clair, mais c'est bien utile ce calendrier. Non, mais c'est sympa les supporters qui viennent dans la ville, tout ça. Moi, je trouve ça super sympa. Bah ouais, c'est sympa. Ça fait du monde à Saint-Étienne, quoi. Surtout qu'à Saint-Étienne, c'est pas forcément une ville touristique où tu vois des touristes tout le temps, Crazy. Ah ouais. Ouais, ça va, ouais, ça change ouais, un ça peu. Mais il n'y a rien à voir, de toute façon, au niveau touristique dans ce pays. Si, il y a des crassiers, le lac Grandjean. Ah bah super, des crassiers, j'en ai à tous les soirs en face de moi, c'est vrai. Non, un crassier, c'est un monticule. Oh les cons, moi je suis un crasseux, moi. C'est une espèce de montagne. Ouais, mais de je sais, à Autun, il y en a aussi. Ouais. Ça s'appelle d'ailleurs les corons aussi, dans le nord. Et il y a, non, mais il y a des trucs à voir, regardez, c'est super. Ça, c'est sympa. Ça, c'est à chier, à Autun, il y en a aussi, c'est pourri. En fait, c'est toute la merde qui est sortie de la mine. Ils en ont fait une montagne. Ouais, c'est ça. Bon, alors, Crazy, après avoir découvert Saint-Etienne. Ouais, ça fait rêver en tout cas. Et les touristes et tout ça. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe Crazy? Pourquoi tu nous appelles? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Dis-nous tout. Eh bien, je cherche une nouvelle relation avec des femmes, donc pas relation habituelle ou c'est câlin, tout ça. J'aimerais essayer le BDSM. Histoire de découvrir de nouvelles choses. Tu aimerais essayer le BDSM. Alors BDSM, c'est quoi? C'est pas le bondage? Alors B, ça doit être bondage. Voilà, c'est ça, ouais. SM, c'est sadomaso. Mais D, c'est quoi? Difool? Domination. Domination. Ouais. Bondage, domination, sadomasochisme. Bondage, domination, sadomasochisme. Eh bien, quel beau programme. Bondage. Ça donne envie. Bondage, c'est bon, hein. Bon B-O-N, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bondage. Bondage. Alors bondage. C'est le fait d'être se faire attacher, ça. Ça, c'est quand on t'attache comme un rôti. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu te fais ligoter ou tu te fais attacher les mains, les pieds. Ouais. Domination, bon, bah, c'est clair, c'est domination. Oui. Sado, c'est se faire faire mal. Et non, sado, c'est faire mal et enfin faire maso, mal. Ouais. Et maso, c'est aimer avoir mal. Aimer voilà, avoir mal, aimer ouais, avoir mal. C'est par exemple, si on vous donne des fessées très très fortes, vous êtes maso. Si, toi, vous, envie si vous donnez des fessées très très fortes, vous êtes sado. En gros, toi, t'as envie de te faire marave et de marave. Et de te faire attacher en plus. Ouais, exactement, très marave quoi. Et te faire dominer. On peut dire ça. Ah ouais. Bah dis donc. Mais tu veux te faire dominer Ah bah dis donc. Ou t'as envie de dominer toi? Bah je cherche du switch. Du switch. Alors du attends, switch. Non, mais on n'est pas des spécialistes de BDSM. Quoi, ça qu'est-ce que c'est que le switch? Il y a Géraldine switch, qui est catastrophée, qui dit il est taré cet auditeur. Juste en dessous Zara, mais il est louche lui. C'est quoi le switch? Switch, ça veut dire échanger. Ouais les deux. Voilà, moi j'ai un switch shirt. C'est pas pareil. C'est bien. Voilà. Les villas. Je mets les sales. Alors le switch c'est échanger. Ah ouais, genre, voilà, oui c'est vrai. Genre, je te domine après tu me domines après je te redomine et tu me redomines. C'est ah ça c'est ça. Non, c'est ça, ouais. Ah d'accord, donc tu as alternativement Sado, Mazo, alternativement du MDFC, alternativement t'apprends. Mais à Saint-Etienne, the place to be. Oui, exactement. Il n'y a pas un club de BDSM Switch Party? Non, mais il n'y a pas des clubs. Non, il n'y a pas ça à Saint-Etienne, je crois pas. Il n'y a pas, ouais. Ah, il n'y a pas, même, je sais pas, aux alentours, dans les bleds autour. Il n'y a pas un club un peu glauque. Ah, bah, pour te dire, s'il n'y a pas à Saint-Etienne, dans les bleds autour, il n'y a pas. Non, mais des fois, tu sais, ils se mettent dans des bleds parce qu'ils sont plus tranquilles. Ouais, parce que les gens, justement, tu sais, il y a des gens, ils ont un peu honte de faire ça. Admettons, je sais pas si c'est le Toubib. Oui, bonjour. Docteur du cul. Je suis le docteur du cul et je préfère venir dans un endroit caché. Et que le mec, le. Je suis BDSM. Et que le mec, le samedi soir, tu le croises habillé en Batman dans la rue. Tu vois, il est en train de rentrer au club BDSM, ce que tu parlais. Ouais, c'est un peu bizarre. Tu sais, ça peut, il peut perdre un peu de clientèle. Donc, souvent, ils se mettent dans des endroits un peu perdus, comme ça, ah ouais, tu sais, comme les gens, ils viennent en bagnole et c'est discret, quoi. C'est vrai, ouais. Alors, vous aimez bien les trucs de domination, de. Ah, moi, me faire attacher, je déteste. Ah, moi, déjà, je me ferais jamais attacher. Moi, j'attache si tu veux. Toi, t'attaches. Ouais, moi, j'aime bien ça. J'attache la meuf, y a pas de problème, mais je me fais pas attacher, moi. Non, mais attacher, tu sais, je l'attache. Genre, c'est menottes, tu vois. Non, j'ai jamais fait ça. Non, jamais. Ah, si, moi, j'ai déjà fait, ouais. Ah, non, mais jamais. Plus loin, tu sais, je l'attache pas non plus avec une chaîne de vélo et tout. Oui, bah écoute, c'est mieux. Ça va, non. Et t'as dit, chez moi, j'ai pas. Y a, genre, comment ça s'appelle les croix de Saint-André, là, ouais, c'est ça, pour ouais. attacher les mecs, là. Ouais. Tu connais ça, les croix de Saint-André, Crazy? Ouais, j'ai vu ça sur internet, mais on va dire que ça me tente pas trop, ça, par contre. Explique un peu ce que c'est pour ceux qui savent. En gros, la croix de Saint-André, c'est, voyez le signe multiplication. Oui. C'est la même chose. C'est c'est le signe avec, avec les deux tirets l'un sur l'autre. Ah, ça, c'est non, égal. Ça, c'est égal. Merde. Ah, alors, c'est la croix comme ça, là. Non, la croix comme ça, ça, c'est plus. Ah, t'es ben, ça, c'est une addition. Ah, c'est pas ça, alors. Exactement. Voilà, donc c'est pas le tiret non plus à l'horizontale. C'est la c'est les deux points. Non, ça c'est deux points. Division. Division, c'est pas slash là. Si, c'est deux points ou slash, ouais. Ah, c'est pareil. Ouais, donc la croix de Saint-André, donc c'est une multiplication. Ouais, et en fait c'est une croix géante et en gros vous faites attacher dessus quoi. Mais il y a aussi, tu sais, le truc comme t'as les cowboys, t'as avant, tu sais, où tu mets ta tête et tes deux mains. T'as les cowboys, t'as avant. Ah oui, les trucs de torture là, ouais. Voilà, tu mets ta tête, tes deux mains, il y a que ta tête et tes deux mains qui sortent, et t'es penché, donc tu peux lui mettre des fessées aussi. Non, un truc moi que j'avais trouvé sympa quand on avait été au sex shop, c'était la boule. La boule, c'est-à-dire la boule. Tiens, en fait, en fait c'est une boule, une espèce de boule en ferraille quoi. Ouais. Comme ça, dit comme ça, c'est pas super excitant. C'est pas terrible. Et en fait, il y a une espèce de siège et t'as les mains et les pieds attachés. Ouais, t'as des et en fait, partout, en gros, ouais. Celui qui te baise, bah, il te met dans tous les sens. Ah, il te fait baldinguer. Et il peut te niquer dans tous les sens, t'es accroché dans la boule, quoi. C'est ça, ouais, tu l'avais testé. Ouais, dis fou le baiser. Ouais, baisé, ouais. J'avais fait un petit test avec Romano. Ouais, tu vois, en fait, je te disais que j'étais pas BDSM Crazy. Ben, je le suis un petit peu. Il a quel âge ce garçon, on nous dit? Il a 22 ans, Crazy. C'est ça, hein? Tout à fait, ouais. 22 ans, ça te dit. T'as pas de meuf actuellement? Non, il doit s'éclater, il est fort le mec. Hashtag chelou, c'est le message de Théo là sur SMS. Il pratique le BDSM dans des caves avec des hommes, ils font la chenille. Je te donne cette info sur Cédric Mathieu Duc 59 qui vient de nous laisser le message. Mais toi, Crazy, tu veux le faire qu'avec des meufs ou avec des mecs? Ouais, avec des femmes. Ouais, avec des femmes. Ah, en fait, ouais, t'aimerais trouver genre une maîtresse dominatrice, quoi. T'as trop regardé 51 degrés, nous dit Zara. Ouais. Ah, je l'ai pas du tout vu, pourtant. Moi non plus, j'ai pas vu 51 degrés, j'ai pas eu envie d'aller le voir. Il y a les trucs de domination un peu comme ça, ouais. Ouais, mais c'est gentillet, quoi. Ouais, gentillet soft, ouais. Bon, toi, tu veux faire soft ou un peu plus. On va dire qu'avec une ancienne conquête, j'avais débuté le soft avec elle. T'avais fait quoi? Vas-y. J'ai donc attaché avec les menottes. Vas-y, raconte-nous. Ouais. Oh là, ça dérange pas si je me masturbe. Vas-y, Cédric, masturbe-toi. Elle avait utilisé une cravache, je me souviens. Ouais. Ouais. Une cravache? Mais un truc de cheval. Ouais, bah c'est une cravache. Ça t'a excité, ouais, voilà. Mais elle t'en a mis des coups sur le cul? Ouais, juste là, ouais. Et puis moi, j'avais fait pareil. Ah oui, c'est bon. C'est et bon. Après, j'ai fait le cheval. Ah oui, marave-moi. Oui. Vas-y Cédric, on le fait avec toi, fais le cheval. Ouais, oui. Non, ça c'est l'âne. Ce con, il fait le bourrico. Ouais, je vais te montrer le bourrico. Donc, petit coup de cravache. Et là, t'as envie d'aller jusqu'où? On va dire, pourquoi pas explorer avec des sextoys. Ah ouais, ce que j'allais te demander. Ah, tu serais pas contre te faire éventuellement goder l'anus? Peut-être pas, juste plug ou boule de geisha, peut-être. Ah bah c'est godé la nuit. Oui, après, gros, ton cul devient un placard. T'appelles ça comme tu veux, mais ça reste du godage. Et qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi? Pour savoir s'il y avait des dominatrices, par exemple, qui écoutent la radio, on ne sait jamais. Absolument, ouais. Absolument, oui. Mais une question, ça t'a pris comment? Oui. C'est, comment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer là-dedans? Je vais devenir BDSMer. Et switcher. Et switcher, oui. En fait, au début, je commençais à regarder bon, les vidéos. Et j'avais pour habitude de regarder des vidéos que je faisais pas forcément en couple. Des trucs différents, histoire de connaître. Mmh. Vas-y. Non, mais c'est vrai qu'on regarde plein de vidéos, il y a des trucs qu'on fera jamais dedans, hein, ça je peux vous le dire. Ouais. Ah, bah ça, ouais. Oui, vaut mieux. Ça. Et puis du coup, j'avais proposé à mon ex d'essayer, et puis. Elle s'est barrée, bon bah écoute, super. Donc, maintenant j'en cherche d'autres, c'est pour ça que je vous appelle à Skyrock ce soir. Mais il y a un message. Non, ça va. Il y a un message. Non, il y a Sourisette qui demande Crazy, il paye. Oh non, mais dis donc, Sourisette, c'est pas une boîte à pute ici, dis donc. Bon, merci du message, Sourisette. Bon, reste avec nous, Crazy. Donc, amis BDSMer, BDSMeuse, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Oh, ouais, vas-y. On vous retrouve. On vous retrouve tout de suite. Mets-moi les fesses toutes rouges. Ne t'inquiète. Oh ouais, je recommence. Oh oui. Oh, ah, t'aimes ça. Salut les filles. Bon, allez, on y revient tout de suite. On en reparle dans un instant. Il y a Jules qui arrive. Ah, il arrive à 9h30, c'est ça? Ouais, ouais, il est posé à côté là. Ah bah, il va venir vite. Alors, on fait le double appel. Je vois qu'il y a des familles qui sont prêtes. Là, je vois que les numéros sont prêts. On va y aller. Are you ready? Oui, yes. We are ready. Double appel et vos messages pour Crazy, pour tout le reste aussi. Hein, si vous voulez passer ici, vous nous dites et puis vous nous dites ce que vous pensez du BDSM, même si vous avez jamais essayé. Il y a une catégorie comme ça dans les sites de cul. Oui, je te le confirme. Ah, mais il y a du SM, ouais. C'est Rafi Raffo qui nous laisse le message. Oui, BDSM, ça existe dans les. C'est comme ça que j'ai découvert. Mais on a découvert donc B, bondage pour attaché des dominations S, Sado, M, Mazo. Et allons-y, double appel. Non, c'est vous qui nous appelez, monsieur. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ouais, bah moi je t'emmerde. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Bah, et moi, alors, c'est pif au cul, hein. Eh bah, c'est gentil comme tout. Bah, voilà. Merci, ma bonne dame. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et attention, attention, c'est donc parti pour le double appel partout, dans toute la France. On peut appeler, on appelle. Vas-y, prépare. Moi, j'ai des sons de Cédric, j'ai des sons de la Marée. Tiens, j'ai des sons de la Marée, on a sorti. Salut les filles. Salut les filles. Des sons de Cédric, des sons de Patrick. Est-ce que Patrick est dans le coin? Romano, tu l'as avec toi ou pas du tout? Ah, c'est bon. C'est bon, absolument, oui. Ah, très bien. Patrick est là. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Bon, bah écoutez, c'est parti. Où c'est qu'on va ce soir, Samy? Allez, on Samy. Va dans le 62 et dans le 30. Dans le 62 et dans le 30. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Avec les numéros que vous nous laissez, vous pouvez laisser vos numéros pour le double appel toutes les soirs entre 21h et 18h. Alain et Jean-Claude. Vous marquez double appel, vous dites qui c'est qu'on appelle. Et là, on essaye Alain et Jean-Claude. Ouais. C'est bon. Allô? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui? Allô? Allô? Oui? Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Allô? Vous demandez qui? Vous demandez qui? Personne. Ah bah, faut pas appeler alors. Comment? Faut pas appeler alors. Bah oui. Non. Ouais, non, c'est encore les trucs de radio. C'est allô? J'ai une bonne bite là. Non, c'est pas un truc de radio, c'est un truc de Skyrock. Ouais, quand même. C'est quand même, attends, quand même pas la même chose. Cruel. C'est quand même pas du tout pareil. Et ce n'est pas n'importe quelle radio. Petite mise en contact, mais rapide. Oui, mais bon, petite mise en contact quand même. Ce qui fait quand même toujours plaisir. Allez, il faut bien le dire. Alors, chez qui qu'on va? On va chez Jean-Jacques. Et Jean-Jacques. Et chez Jeanne. Et Jeanne. Oh, Jeanne et Jean-Jacques. Jeanne et Jean-Jacques. Attention, attention, le double appel, vous le savez, c'est sans filet, c'est sur Skyrock. Attention, attention. Allô? Allô? Oui? C'est bon. Bonjour. Bonjour. Oui? Patrick. Patrick. Allô? Qui c'est, Patrick? Qu'est-ce que tu veux? C'est... Rien. Et pourquoi tu m'appelles, alors? Oui, oui, ben, je vous écoute. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez, là. T'es avec ton copain, là? Mon mari, mais c'est Patrick qui, Patrick? Patrick. C'est Cédric. C'est Patrick ou c'est Cédric? Patrick. Patrick, c'est votre nom. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu commences à me casser les couilles, mais t'as fait trois fois, tu m'appelles. Oui, mais c'est de la... c'est pourquoi? Moi, je t'appelle pas. Oh. Bah, je peux quand même savoir pourquoi. Et je voulais entrer dans le Guinness Book des records. Super, Cédric. Bon, n'importe quoi. Bon, allez, les bêtises... Ça suffit comme ça. Allô? Oui? Oui. Ils sont occupés de toi, là, pendant ton anniversaire. Tu vas te faire éculer, connard. On aimerait bien te toucher. Oui, c'est ça. Va te faire éculer, connasse. Connasse, allez, hop là. Et un pour Cédric. Et un pour la Marie. Magnifique. Un connard. Tout le monde est servi. Tout le monde est servi. C'est ça la parité sur Skyrock. C'est vrai. Pourquoi il n'y a que Cédric qui se fera insulter? Tu vois, Marie, on a bien fait sortir des sons de toi. Ouais, c'est sympa. Ah ben, t'as autant de succès que Cédric. Est-ce que tu es fier? Non, mais c'est vrai que j'ai senti que ça se passait mal quand Cédric est arrivé. Je me suis dit, allez, un son de la Marie pour exciter le bonhomme. Ça n'a pas marché. Un connasse. Du tout. Un connasse. Et voilà, c'était Jean-Jacques. Arrête de faire enculer. Jean-Jacques qu'on a eu au téléphone. On ne lui parle pas comme ça. L'autre, il était énervé dès le début. Jean-Jacques. Et l'autre, elle comprenait rien. Mais Patrick qui? Mais c'est Patrick ou Cédric? C'est Patrick ou Cédric, ouais. Eh ben, c'était les deux, c'est ça qui est merveilleux. Eh bien, merci aux familles de France. Bien sûr, oui. Si on a le temps, on s'en fera un autre avant minuit, restez bien dans le temps. Absolument, oui. Eh oui, Patrick, absolument, absolument. Mais là, il arrive. Jules arrive. Et Panda aussi. Designer. Et dans un instant, vous l'attendez. Eh bien, on le retrouve juste après Designer. On écoute le Panda de Designer et on retrouve Jules. L'album sort demain, il s'appelle Émotion. Et Jules, avec de l'émotion, on le retrouve tout de suite sur Skyrock. Si vous avez un truc à lui dire, hashtag Jules sur Skyrock, hashtag Radio Libre, enfin, tous les hashtags que vous voulez si vous êtes sur Twitter. Et puis si vous n'êtes pas sur Twitter, ça marche aussi, vous envoyez vos messages sur le 41759 avec l'appli Skyrock, c'est sur notre appli. Vous avez tous les messages que vous pouvez envoyer, c'est gratuit. Ouais. Et puis sinon, le skyrock.fm, en tout cas, vous déchirez toute la soirée. Tu as dit 41759. Bah, tu as raison de leur dire, Robin. Voilà, ça c'est les messages. Et puis le 01 53 40 30 20, Jules sur Sky, après Designer et Panda. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Money Show! Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur la Foot Bien sûr! Champion, mon frère! Et j'ai cogité toute la nuit. Black M est de retour. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Découvrez La Nuit Porte Conseil, le premier extrait de son prochain album. Toute la nuit, on dit que la nuit porte conseil. Maintenant disponible. Profitez-en. Cette semaine, les haricots sont à 2,10€ le kilo seulement. Et pour un kilo acheté, le deuxième. Taisez-vous. Vous êtes sur ma fréquence. Conjuring 2, le Caenfield, le retour du film d'horreur le plus marquant de la décennie. La voix sur cet enregistrement est celle d'une petite fille de 11 ans. Les Warren sont de retour et devront affronter le cas le plus traumatisant de leur carrière. Conjuring 2, le Caenfield, le 29 juin au cinéma. Avec Skyrock. Hey Steph, tu connais la différence entre une fille? T'en as pas marre des blagues, sérieux? Bah je m'entraîne, c'est pour le concours Yax. Le concours Yax? Bah ouais, il y a 2 séjours au Maroc à gagner pour le Yax le plus marrant. Sérieux? Non mais je vais télécharger Yax, moi aussi je veux partir au soleil. En plus, vu le niveau de tes blagues. Vas-y, promis, si je gagne, je t'offre le deuxième billet. Télécharge Yax, publie un Yax vraiment drôle et pars en vacances avec Yax, YAX. Breakdown! Cet été, le seul son que vous entendrez sur la plage, c'est ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sur Maître Gims, ma beauté, le tube de l'été. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres exceptionnelles. En direct du match des bonnes affaires chez Micromania avec Fallout 4 à moins 15€ qui passe à The Division à moins 20€. Beau tacle glissé de moins 30€ sur Call of Duty Black Ops 3. Relance de moins 20€ sur Dark Souls 3. Belle remise de moins 35€ sur Naruto Storm 4 qui centre. But de moins 20€ sur FIFA 16. Quelles offres, c'est magnifique! Les bonnes affaires, c'est maintenant et en exclusivité chez Micromania. Du 20 juin au 11 juillet dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr. Concert. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 15 juillet à l'Allianz Riviera de Nice, le 19 au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les premières places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Et Skyrock, c'est reparti. Ouais, ambiance ce soir. Jules arrive dans un instant après Designer et Panda sur Sky. Tous les soirs, Diffoul Radio Libre. 01 53 40 30 20. Bang, bang, bang, bang.

J'ai ma soumise. Ah pardon, j'ai cru que tu faisais ta soumise. Ah ouais, j'ai compris ça aussi, ouais. Parce que j'ai un ami, et parfois il fait sa soumise. Oh ouais, je suis Non, non, c'est plus Cédric. Ah ouais, non, au niveau de la soumise. Mais avec ton crâne chauve, la cire, c'est nickel. Il veut te le faire tomber de la cire sur le crâne. Tout de suite, il te mène, je ne suis pas ta soumise. Mais je t'aime, Romano. Et c'est facile à trouver des meufs pour ça, parce que c'est ce qu'il cherche en fait. Crazy, il cherche des rencontres. Comment tu fais pour trouver des meufs, toi? Non, mais après, t'as plein de lieux, t'as plein de boîtes et échangismes. Oui. T'as un site aussi qui est super bien, si je peux le citer. C'est maravemoilagueule.com, ouais. C'est pas mal. Maravemoilagueule.com et cravache-moi le cul. Au moins, tu sais où tu vas. .com aussi. Oui. C'est quoi les sites? Non, mais t'as Chatland qui est super bien. Chatland. Chatland. Tiens, en parlant de chat, Marie, tu nous amènes ta chatte demain matin? Ouais. Demain matin, c'est la chatte de la Marie qui fera les pronostics pour l'euro. Bah, déjà, elle est sur moi, là. Oui, mais c'est parfait, tu la gardes avec toi. Puis demain, c'est tu nous l'amènes à l'appart. Elle sent la moule. Non. Oui. Ah. T'as bien fait de parler de Chatland, Hitman. Tu vois, j'ai oublié de le dire. Demain matin, dans le morning, à pas louper, la Marie sera là. Si elle se lève. Ouais, non, si moi, je vais venir demain matin, je crois. Tu veux venir aussi? Ouais, je vais venir, ouais. Vous allez faire chier toute la matinée. Viens, Karim, on va les faire chier. Ouais, on va vous faire chier. Dernière du morning demain, la toute dernière du morning, c'est demain. Demain matin, entre 6h et 9h, avec vos places pour la finale de l'Euro à gagner en plus. Et les pronostics pour les 8e de finale avec la chatte de la Marie. Demain matin, une matinée exceptionnelle à ne pas louper entre 6h et 9h, ça se passe évidemment sur Skyrock, comme le dirait Jules. Donc que toi tu lui conseilles Chatland, ok. Et j'avais juste Sandra qui voulait nous parler en direct, Sandra de Paris, et qui voulait aussi te parler à toi. Tu vois, tu as déclenché tous les appels des BDSMEuses et des BDSMEuses. Je pourrais poser une ou deux questions à Hitman. Ah, oui, oula. bien sûr. J'ai intéressé Romain. Alors Sandra, bonjour Sandra. Salut Sandra. Salut. C'est toi qui avais un mec qui était comme crazy et comme hitman, c'est-à-dire qui était dominateur, soumis, tout ça. BDSM. Ouais. Il était comme ça, mais en fait, il ne l'avait pas dit. Il l'avait pas dit directement. Ah, ça peut surprendre, oui. Oui. Non, mais c'est vrai que quand tu dragues une meuf, si t'es BDSM, tu vas lui dire bonjour, salut, c'est Robert, BDSM. Non, en fait, il m'a amené les choses en m'envoyant des photos un peu bizarres et après j'ai compris et après je me suis dit putain, c'est chelou et c'est pas du tout mon délire. Et au bout de combien de temps t'étais avec lui depuis combien de temps quand t'as appris ça ou quand il t'a commencé à te montrer les photos? Essayer de t'expliquer, ouais. Franchement. Le lendemain de notre rencontre. Non, dès le début. En fait, on s'est rencontrés dans un contexte particulier. Mmh. C'est-à-dire, on était dans une période de notre vie où ça allait pas trop. Voilà. D'accord, chacun. Donc vous êtes tombés. Ouais. Ok. Bon, voilà. Vous êtes trouvés au bon moment. Oui, on va dire. C'est ça. Voilà. Et moi, je me suis dit, c'est une nouvelle expérience à prendre. Je vais voir ce que ça va donner. Et en fait, j'ai été dans le délire pendant 6-9 mois, un truc comme ça. Mais t'as été dans le délire, mais jusqu'où, par exemple? Tu le dominais ou il te dominait? C'est-à-dire qu'on est déjà partis ensemble sur Pigalle pour aller acheter un god ceinture, quoi. Ah, tu le godais, donc. Ah oui. Le god ceinture, c'est comme ça que ça marche. Parce que lui, le god, il l'a sur lui, il est naturel, c'est la bite. Il m'avait sorti une panoplie d'objets que moi-même, j'ai pas chez moi. Alors là, c'est un god ceinture. Là, il y a des boules de geisha. Puis là, je te présente un mixeur. Et là, j'ai un blender. Ah ouais. Magnifique, regarde. Je m'assieds sur mon blender. Ah oui, c'est dangereux, madame. C'était presque ça, ouais, c'était presque ça. Et c'est quoi les photos qui t'envoyaient, les trucs de cul, là? J'aimerais bien les voir aussi, s'il te plaît. Comme tu as dit ça, tu as dit. Ah voilà, Samy OM Skyrock. Tu nous les transmets. Déjà, je savais pas que ça existait, mais apparemment, il existe des bijoux pour. Bijoux d'anus. Non, bijoux pour la queue, en fait. Des piercings. Ah oui, non, mais il y a des trucs mais c'est quoi, tu veux dire les trucs qui s'enfilent dans le trou? Tout à fait. Des bijoux d'urètre. Ah ouais, mais t'as pas halluciné quand le mec il t'a montré ça, tu t'es pas dit il est complètement mort, il est complètement fou. Le mec, c'est un ouf. Excuse-moi, chérie, tu as un truc bizarre sur la queue. Dans dedans, même, carrément. Tu as un truc bizarre. Je te le dis, tu es en train de pisser un diamant. Et ben, c'est pas, en fait, il m'a trop bien. Il m'a amené ça. Non, mais là, t'es quand même tombé sur un phénomène. Ouais. T'as aimé au final, t'as aimé cette relation ou pas? Ouais. Bah, en fait, à côté de ça, il était très gentil et il a été là pour moi quand j'avais besoin de quelqu'un. Non, mais lui, c'était son délire sexuel. Non, puis parfois, on fait des trucs dans l'intimité, on fait tous des trucs un peu chelous de temps à autre. Mais il t'a proposé genre des trucs vraiment abusés, tu sais, genre des trucs sales, quoi. Oui. Alors, j'ai envie de faire caca, si tu vois ce que non, je veux non, dire. Non, ouais, parce qu'à mon avis, non, c'est... Non, non, ça, non, c'est scato, non, c'est pas BDSM. Ah, c'est pas le même délire. Et Hitman, il est... Alors, Hitman, je crois que Romano veut te parler. Hitman. Vas-y, Romano. Ouais, genre, mais toi, là, quand tu dis que t'as une soumise à la maison, mais genre, elle fait quoi, par exemple, au jour le jour? Ça va, Jules? C'est ce que j'ai envie de faire. Après, voilà, ce genre de relation, c'est entre deux personnes consentantes. Oui, bah c'est oui, ça. Ouais, non, mais puis il y a comme oui, du respect malgré tout. Oui. Non, non, mais c'est ce qu'on disait. Voilà, sauf dans l'intimité, on peut faire à peu près, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Mais t'as un costume chelou ou pas? Ouais. Est-ce que t'es habillé en Batman, par exemple? Non, même pas. Non, et en Superman même non plus. Bon, bah écoute, tant mieux. Bon, on va vous mettre en contact avec. Bah, tu vois, tu voulais des renseignements là-dessus. On aura peut-être Capucine un peu plus tard tout à l'heure. C'est la Capucine qui a une voix insupportable de Touche pas à mon poste, qui a pas inventé la poudre ou pas? Non, mais elle est pas encore dedans. Hein. Non, ah, d'accord, oui. Pardon, excusez-moi. Elle va être dedans. Parce qu'on m'a dit que Capucine. Ouais, enfin, je sais pas, elle est de voix. Secret Story ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais, c'est ça, la Secret Story. Story. Capucine du 78 qu'on va retrouver dans un instant avec nous. Bon, merci Sandra, on te fait un gros bisou et on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Merci Crazy, on te met en contact. Reste à l'écoute parce qu'on aura Capucine pour toi. Donc tu restes là, tiens. Vas-y, t'as le temps? Ok, pas de problème. De toute façon, il y a Jules, alors faut pas partir. Là. Ah ouais, faut rester là, ouais. Attention, il est venu, là, Jules. On est là ce soir, on est présent. Comment ça va? Ça va et toi? Ah, c'est bon, d'accord. Ça va et vous? Et ça va bien. Ah, ça va bien. Bon, et puis merci à toi, Hitman aussi. Hitman qui venait du sud, lui, il venait de Perpignan. Oh! Eh ben, Hitman, on te remercie. Salut. Dis-toi, je pourrais avoir un t-shirt, s'il te plaît? Oui, mais on vous l'envoie, pas de soucis. Vous passez à l'antenne, vous avez vos t-shirts Skyrock. On en a plein. Merci, nickel. Et c'est merci pas à tout le monde. Et c'est pas en solde, hein, c'est gratuit. C'est gentil. Merci, Hitman. Merci, salut. Sandra. Gros bisous, Sandra. Bonne soirée, bisous. Salut, salut. Et bonjour, Jules. Ah ben ouais, bien bon quoi. Enfin, rebonjour, c'est vrai que tu passes ta semaine à Skyrock, toi. Eh ouais, on est là en ce moment. Eh, hey, est-ce que c'est bien de passer la semaine à Paris, à Skyrock? Ouais, ouais, franchement, c'est Skyrock. C'est la folie après d'être cette semaine. Hein. Franchement, c'est bien. C'est bonne bien. Ambiance. On voit des bonnes équipes de partout. Ça va. Vas-y. Bon, merci, bon, j'assiste. Oh, l'autre, le taxeur. Ouais, si personne en veut, je récupère. C'est mec normal, quoi. Pour Romano. Ah ouais, parce que c'est mon pote. Demain dans les bacs émotion. Alors l'album on dit émotion. Émotion, tu peux dire émotion, emotion. Emotion. Emotions. On peut dire ce qu'on veut. Voilà. Bon, ça nous fait plaisir d'être là. Tu sais qu'on a un nombre de messages pour toi depuis tout à l'heure. Vous pouvez laisser vos messages à Jules hein, sur le 41759 sur l'appli Skyrock. On a une surprise pour toi dans un instant. Je suis sûr que ça va te faire plaisir. Il y a même plusieurs même. Ah ouais. Ouais, y a même c'est plusieurs... vrai que j'ai entendu ça tout à l'heure. Plusieurs surprises. Ouais, ouais. Bon, donc cet album, t'en as parlé toute la semaine dans Planète Rap. Tu en reparleras également demain entre 20h et 21h dans le dernier Planète Rap de la semaine. Mais ça va être encore plus chaud que ce soir, le Planète Rap de demain? Eh ben, on va essayer, normalement, ouais. Ah bah, de plus là, en plus chaud, tu vois. Une demi-heure de freestyle, je crois. Ouais, c'est ça. Ah ouais, puis demain, tu vas filer un album que tu fais pour les auditeurs de Skyrock et pour Planète voilà. Rap. C'est ça. Mais toi, tu. Non, attends, il y a quand même un truc qui me fait halluciner, Jules. Cadeau. Comment tu fais pour produire autant de sons tout le temps, tout le temps? Tout le monde demande ça. C'est... Ouais, c'est vrai que t'arrêtes jamais, ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Je sais pas, c'est comme ça, en fait. C'est depuis toujours. En fait, depuis toujours, je me lève, je fais des sons, j'ai envie de faire des nouveaux sons à chaque fois. C'est un peu comme nous, la radio, quoi. Tester, voilà. Tu vois, on se lève, on va faire le morning. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Voilà, tiens, on va faire le morning. Tu es content quand tu fais ça, tu vois. Ah oui, on ben, moi, pas là, ouais. Eh ben, c'est pareil. Mais tu sais, moi, comment je te vois? Je te vois comme une pizzeria, gros. Un album acheté, un album offert. Tu vois, dans une pizzeria, tu vas acheter une offerte. Jou, c'est pareil. Eh ouais, c'est vrai, je l'ai vu celle-là sur Facebook. Je l'ai vu quelque part. Mais c'est ça, c'est, oula, c'est la même. Alors, je voulais te faire écouter un truc parce qu'on a fait un truc ce matin. Tu dormais, tu t'es réveillé à quelle heure ce matin? Qui, moi? Ouais. C'était pas ce matin. Ouais, je me suis levé à midi. Pas ce matin. Ah, midi du matin. C'est ça. Je me suis levé avant-hier. À midi du matin. Donc, tu as loupé le morning ce matin. Tu étais à l'honneur du morning ce matin, Jules. Ah ouais? C'était toi la star du réveil de soir. Ouais. Tous les matins, une star réveille les familles. Et c'est toi, sans savoir, en dormant, qui a réveillé les familles de France. Je voulais juste te faire écouter un petit truc. Et fort ton truc, copain, là. Non, tu vois. Il est un peu fort, elle est un peu fort, ton cigarette. Elle fait les mollo, moi, je suis. Ah, et ouais, c'est pas pareil ici, hein. Ah ouais, non, mais c'est pas pareil qu'en Marseille, là. Il y a la grosse dose, là. Qu'est-ce qu'il a, le petit joueur, là, qui s'étouffe? Ça décolle les poumons. T'as vu, c'est fait pas une infraction. Non, mais attends, je vais essayer de rester là jusqu'au bout, quand même, ouais. Je peux pas te dire d'où ça provient, parce que je peux pas, jamais. D'accord. Ah, c'est tout ça, mais... ouais. Eh oui, vous avez vu les Parisiens bourguignons, hein, ça, c'est pas seulement ça. Ah, mais j'ai un tout petit corps aussi. C'est vrai, tu as corps d'enfant. Donc le réveil de star de ce matin, tu écoute bien, c'est donc ce matin dans le morning, tu as réveillé la famille d'Eric. Écoute Vas-y. Bien Eric et la famille. Comment tu es reçu par la famille d'Eric? Écoutez, c'est Jules et Eric et la famille. Il y a même la femme de ah, il y a tout le d'Eric, monde. Tu vois. Allô. Allô. Allô. Allô, tu m'entends? Oui, c'est qui? C'est Jules. Jules. Jules. Jules. Je sais pas, mais ça me dit rien du tout. Hein. Jules, un 3-5, c'est genre la pointe. Hein. Oh, vous vous trompez, là. 24 juin, émotion dans les bacs, ça va péter fort. Ouais, émotion dans les bacs, je sais même pas ce que ça veut dire. Fais-le-moi. Mais tant mieux. C'est gentil, frérot. Vas-y, là, tu vois l'heure qu'il est, pauvre connard. Wesh, mon petit, faut apprendre à fermer ta bouche. Oui. Il commence, mais ils n'ont que ça qu'à faire. Hein. Bah, j'ai commencé un peu à écrire sur une série. Pauvre France, où va-t-elle? Devant la mer. Ouais. Bon, vous commencez à nous faire chier, vous savez ça. Du mal à sortir mes émotions. Oui, oui, t'as du mal à sortir tes pressions, qui espèce d'abruti, bon. Je roule en bolide 4 motion. Non. T'as déjà du mal à donner ta numéro de téléphone. Ouais, t'as beau appeler en appel secret. Hein. Voilà la team Joule. Ouais, appel secret. Eh oui, c'est moi. Ouais, bon, débranche ça parce que là, ça va débrancher le tout. C'est pas la peine de rappeler après, on débranche carrément. Ferme ta gueule, je garde pas de travers quand je chauffe rouge. Merde, petit con. Bonheur, bon à rien, bon. Que le vent m'emporte vers les îles. Ouais, ouais. Non, je sais pas. Ils n'ont que ça qu'à fouir. Ouais, débranche. J'ai une date en Corse le 13 juillet. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Au Blue Moon. Au Blue, Blue, Blue, Blue. Qui a de la peine quand tu pleures? Mon cul. Mon cul, allez, tu me fais chier. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, franchement. C'est Jules dans le morning de Diffoul. Eh ben oui. Jules dans le morning. Tu as vu, tu étais bien reçu, Jules. Bien accueilli. La femme d'Eric. Alors, tu vas au Glougloun en Corse. Ouais, au Glougloun. Ouais, le Glougloun, c'est joli. Ah, il doit être dans mon cul. Le Glougloun en Corse. On a fait ça ce matin. On l'a fait avec un autre. Si on a le temps, on se mettra tout à l'heure. Là. Le réveil de star de Jules. Et l'album demain, tu le dis d'ailleurs, hein, le 24 dans les bacs. Vous pouvez y aller dès demain. Vous en avez profité sur Skyrock tout au long de la semaine dans Planète Rap. Et on en profite ce soir en direct. On peut prendre Marwan avant les d'autres. Et on a d'autres surprises pour toi. Ah bah oui. Ah ouais. Ça c'est que le début. C'est que le début de la. C'est que le début des surprises pour toi, Jules. Ouais. On sait recevoir quand même. Ah ouais, j'ai vu. Quand même. Il y a Marwan, on va le prendre là tout de suite. Marwan en direct de Lyon. Salut Marwan. Allô. Salut ouais, Marwan. Allô, ça va. Alors Marwan, il voulait absolument te parler. Ton rêve est exaucé, Marwan. Ouais, merci. Oh, je vous kiffe du. Oh, je vous kiffe Skyrock. C'est gentil, Marwan. Ça fait plaisir. Oh, vous êtes les meilleurs. Alors merci. Marwan. Ça va ou quoi? Alors. Oh Jules, ça va? Bien ou quoi? Elle est émue. Ouais. Alors, Faut que je parle très vite parce que là, je fais le ramadan, c'est le retour à Lyon. Ouais, c'est le retour à Lyon, là. J'ai trop faim, c'est le retour à Lyon. Allez, vas-y, tout le monde. Ouais, c'est pour savoir, en gros, la musique que tu préfères que t'as le fait, et la musique que t'as faite, la meilleure que tu préfères. La meilleure que c'est tu dur, préfères, ça, parce pour que moi, fait... c'est J'oublie tout. J'oublie tout. Ah oui, oh, mais celle-là, je la connais par cœur. Vas-y, fais-nous un bout de J'oublie tout, Marwan. J'oublie tout, cherche mon détour. Ce soir, j'oublie tout. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte. On partira tous un jour, alors je m'en tape. C'est beau discours. Wow, Marwan. Ah, incroyable, ouais, bien joué, Marwan. Chapeau, Marwan. T'inquiète. T'as fait combien de morceaux? T'as compté? Parce que quand il te demande ton morceau préféré, je me dis, il va pas trouver parce qu'il a tellement fait des morceaux. Ouais, non, c'est celui-là, mon préféré que. Et pourquoi c'est ton préféré? Je sais pas, c'est le plus qui me plaît, le plus qui m'envoie loin. C'est genre le son que j'ai entendu dans tous les. Tu as vu, il y a la France et tous les pays d'autour. Ben. Passe partout. Ouais, de là jusqu'en Algérie, jusqu'au Maroc, jusqu'en Tunisie. Les gens, quand ils me voient, en fait, ils me font. Ils te font pas. Non. Non, non, c'est pas ça. C'est pas tout à fait la même chose, mais on est pas loin. Eh, hey, Marwan, vrai fan de Jules, hein. Bien, ouais, bien, Marwan. Comme de vous, j'ai le t-shirt bord platine aussi. Ah, merci, allez, c'est gentil. Ah, t'as vu ça un peu. C'est la team Jules. Tous les albums. Demain, direction la Fnac, on va aller prendre Emotion. Emotion. Merci le sang, bien sûr. Eh ben, merci Marwan et bon retour alors, hein. Merci. Ça vas-y, bon après. Attends, Romano veut te dire quelque chose. Sarastorek. Rouya. T'as oublié Rouya. Sarastorek, Rouya. Et le Rouya, alors. T'inquiète. Putain, c'était clair. Ouais, vas-y, vas-y. Bah, dédicace à Lyon, Collège Jean Perrin. Oui. Dédicace surtout à ma sœur, ma vie, mon sang. Malika, la meilleure. Ah, elle se reconnaîtra, elle est en train d'écouter, là. Voilà. Salut Malika, la meilleure. Salut Marwan, raccroche pas. Ciao Marwan. Salut Marwan. Ciao Marwan. Et après on file à la surprise. T'as dit plusieurs trucs dans Planète Rap parce qu'on a écouté toute la semaine le Planète Rap. T'as dit que t'avais jamais voyagé loin. Non. Parce que t'es bien là. Voilà, je suis tranquille. Ouais, il a dit que t'étais bien en quartier. Ouais. Voilà, t'es bien, t'es tranquille. Je pense que bientôt je vais voyager bientôt. Ouais, on t'a entendu à Bora Bora, t'as dit. Ouais. C'est pas dégueu. C'est pas mal Bora Bora. J'aimerais, mais après, ouais, c'est un délire comme ça que je veux aller. Et t'as dit aussi que tu bossais sur une série, t'es en train de bosser sur une série? Ouais, en fait là pour l'instant j'ai trouvé toutes les idées, tu vois, je me suis enregistré avec le dictaphone, je me suis dit, j'ai tout noté les idées. C'est quel style de série? C'est un style que c'est la vraie vie à Marseille, en gros. La galère. C'est poubelle la vie. C'est un peu ce que j'ai vécu, en fait j'ai envie de bien ressortir, tout, on va dire. Pas tout ce qui se passe à Marseille, mais les bons trucs. Les... Ouais, une photographie de Marseille vue par toi. Vraiment ce que c'est Marseille, vraiment. C'est quoi ta série préférée? Moi, ma série préférée en ce moment, c'est Gomorra. Oh, plus belle la vie. J'adore. Gomorra, bienvenue au club, moi aussi. T'as vu la saison 2? Ouais, la saison 2. J'ai pas vu encore, tu dis rien. Hein. Je l'ai fini, là. Ouais, j'ai pas vu, aussi, hein. Tu dis rien, attention. Et franchement, je te dis la vérité. Je te dis qu'un truc, mais ça va pas. Je suis déçu des Savastano. Voilà. Ah, aussi, donc ça c'est la famille de Don Pietro, ouais. Tout ça. Ouais. Don Pietro, Romano, Don Pietro, c'est il m'a pas c'est le mafieux. Pas déçu. D'accord. Don Pietro, non, c'est moi, j'ai pas vu. C'est le qui m'a déçu. C'est le chef, c'est le parrain, ouais, il est allé en prison dans la première série et son fils avait repris les affaires. Exactement. Mais le daron il sort dans la deuxième. Oui, bah il est même sorti dans la première. À la fin de la première, il sort, il s'est. Non mais puis Cédric ta gueule parce que Cédric sa spécialité, c'est un con, c'est un spoiler. Il arrête pas de spoiler les fans de série, ce connard. C'est vrai, c'est un spoiler. Non mais la fin de la saison, c'est pas abusé. Franchement, ah, non, mais ta gueule, Cédric. Ta gueule, Cédric. Je suis déçu. Bah ouais, laisse tomber. Ah, Jules, tu vas pas t'y mettre non plus. Ah, il commence à avoir des messages. J'ai pas envie de vous dire, mais. Non, mais non, connais rien. Regarde d'ailleurs. Et vous connaissez Viking? C'est quoi Viking? C'est une série? Ah, c'est une méchante série, j'aime bien. C'est rien à voir avec Gomorra. Ouais. Mais c'est. C'est Viking. Il y en a un dedans. Pour moi, Gomorra, c'est une des plus belles séries de tous les temps. Franchement, ouais, c'est. Moi aussi, c'est celle qui m'a fait le plus kiffer avec Mafiosa. Si vous l'avez pas vu, matez-le. Ça passait sur Canal, tout ça, mais c'est vrai que ça déchire, Gomorra. Alors, on va faire un petit test parce que j'ai en face de toi, Jules, un des spécialistes de la télé. C'est Romano lui-même. Ouais. Et on a préparé un quiz série. Ah ouais, non, mais putain, moi, les séries, je suis une burne à ça. Vas-y, en ce moment j'ai vu des séries. Attends, Julie va jouer là. Non mais c'est des séries. C'est des séries. Des séries mais de tout style. Ah oui, j'ai vraiment tout style, ça je peux te dire. Ouais, parce que moi je regarde des trucs pourris, je t'emmerde. J'aime bien nous, par exemple, nos chers voisins. Voilà, t'as vu. Ah, c'est ça. Non mais pourris, non, mais bon. De tous les styles, on va dire, Romano. Bah ouais. Bon, Jules contre Romano. Mais moi, j'ai pas les chaînes payantes, moi, donc. Évidemment. D'après vous, qui sera le meilleur? Jules. Ah, allez, moi aussi. Romano, je suis avec toi, man. Ouais, moi aussi, c'est Romano. Voilà, Cédric pour Romano. Karine, on est dans la merde. Il n'y a pas de Team Jules ce soir. Moi, je suis Team Jules, vas-y. Moi, je suis Team Jules. Moi, je suis Team Jules aussi. Bah, tu vois, Romano, je suis seul pour être avec toi. Ouais. Salut, copain. Là, tiens, Cédric avec toi. Choukran, Rouya. Pas de soucis. Attention, voici la première série. Non, mais fais des trucs faciles, que je marque au moins un point. Bon, attends, tu vas marquer un point là, je suis sûr. Attention, je commence avec un des trucs préférés de Romano, vous êtes prêts? C'est parti. Scène de ménage. T'as vu? Ah, direct. C'est scène de ménage. On t'a dit, c'est des trucs pétés. Ah ouais. Eh ouais, bon, je suis content, j'ai marqué mon point. C'est bien, c'est bien. Ça, bien joué. Allez, une autre. Alors, peut-être plus pour Jules, celle-ci. Ah, facile. Ouais, Gomorra. Ouais, oui. Ah ouais, bah. Quand tu trouves le morceau, là? C'est pas en italien, c'est en napolitain. Là, il y en a une dans la saison 2 de musique. Je l'ai pris. Une nouvelle. Je l'ai pris tout à l'heure où elle tue. Et celle-là, je l'écoute aussi dans la voiture. Ça, si vous allez à Naples, ils parlent comme ça, les napolitains. Ce qui fait que même si vous savez parler italien, vous comprenez rien. C'est ce qui termine Gomorra. Cette musique, tu sais, des fois, je m'endormais avec Gomorra, je l'avais toute la nuit. Pareil. Tu vois, on avait acheté le CD. Il y avait toute cette musique là, oh là là, le macaque. Parfois je regardais l'épisode, il y avait la fin de l'épisode, je restais jusqu'au bout pour écouter la musique et je me remettais la musique juste derrière, mais juste la fin de la fin de la série. Écoutez leur fin, tiens, on va se remettre un petit bout. Hein. Ça leur fin. C'est la série des mafieux. Toi qui l'as jamais entendu, comment tu trouves, Romano? Pas mal, c'est pas mal. Pas mal. J'aime bien le rap italien. Tu connais le rap italien un peu? Ben, j'ai vu que Gennaro, il a fait un son aussi. Ah ouais. Gennaro, c'est le fils de c'est le fils de Don Pietro. Ouais. J'ai vu ça, j'en ai vu d'autres aussi. Ouais. On va se faire des amis à Naples. Faut toujours être ami avec les Napolitains. Je vous le dis, hein, toujours. Dans le doute. Hein. Ouais, ouais. On vous aime, les Napolitains. Skyrock, la seule radio française qui passe des sons en napolitain. Gomorra. Bon, un point pour Jules, un point pour Romano. Ah, vas-y. Attention, attention. On enchaîne. Allez, j'en prends un au hasard. Alors. Game of Thrones. Non. C'est énorme. Tu vas voir. Là, c'est vieux, ça. La cible ou quoi? Non. Attends, merde. Mais c'est quoi ce truc? Facile, les gars. La maison de la prairie. Bonne réponse de Jules et Romano. En même temps, un point chacun, ça fait donc deux partout. La petite maison dans la prairie. Moi, j'avais toujours un peu de peine quand je regardais le générique de la petite maison dans la prairie. Ouais, parce que la petite, elle tombe à tous les épisodes. Ouais. Elle n'a jamais été foutue de courir sans tomber. Elle ne sait pas courir, la petite Laura Ingalls. Elle court et elle tombe à tous les coups. Eh bien, un point pour Jules de plus, un point pour Romano. Ça fait donc deux partout, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Quel match serré. Quel match serré. Allez, j'en ai un autre. Celui-ci, facile. Facile. Les experts. Ouais. Romano. Première note. Tueur, Romano. Vous, Jules, il est dégoûté. Bah. J'avais tout ce qui était F1, Romano. Tout ouais, aidez-moi sur ouais. Péri. Je vois qu'il y a un Péri, là. Alors, oui, il y a un Péri qui est lancé, un peu. Là. Bonjour, Périscope, ça, c'est mes mains. Ça, c'est les miennes. Montre ton nez, dit Foul. Je vais montrer mon nez, je peux montrer mon nez. Tout le monde va se déconnecter, là. C'est mon nez sur Péri. Bon, allez, un autre. Un grand classique. En plus, moi, ça, j'aimais bien. Mais c'est un truc de plus vieux, hein, quand même. Académie. Bonne réponse de Jules et classique. Romano. Ça nous fait 3 pour Jules, 4 pour Romano. Il faut que tu gagnes, Jules. Attends, je vais t'en trouver un bien pour toi. Allez, attention, celle-ci. Game of Thrones, moi je dirais. Enculé, mais comment t'as fait pour trouver? Game of Thrones. En plus, j'ai jamais vu un épisode. Comment t'as fait pour trouver? Bah parce que je savais que t'allais le mettre à Momo. Je me suis dit ouais, ça ressemble à un truc un peu de chevalier, tu vois, ça doit être Game of Thrones. Ouais, il a gagné. Bah ouais, il a gagné. Ah bon, t'abandonnes. Ah bah voilà. La dernière. Starting Hutch. Oui, bon, c'est ok. Ça. Ah, facile. Alors, ça, j'avais prévu ça au cas où Marie joue. Comme ça, elle aura, au moins marqué un point. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que là, il y a le titre dans le morceau. Ah, je pense à Slashy Crunch. Non. C'est pas ça. Tu vois, Jules, je te verrais bien poser sur la musique de K2000. C'était qui l'avait fait, Busta Rhymes? Busta Rhymes avait fait. C'est quoi l'instru? C'est ça. Là, il va te faire un morceau tout de suite, toi. Ouais, Romano, t'as raison. Busta Rhymes avait fait un son. Ouais, il avait fait, ouais. Avec G-Fool, avec Romano. Elle est partie. Ouais, c'est parti. Il va faire un son. Ça va les couilles. C'est la crise au check, mec, en direct. Et là, devant moi, il y a Periscope. Moi, je crois plus en mon horoscope. Ouais, demande à G-Fool. On va réveiller la foule. Oh oui. Qu'à 2000. Tu l'as le Busta? Sur ma vie, que là, je suis à 2000. Joule. C'est Joule. Ouais, c'est Busta Rhymes. Attends, on va trouver l'instru qui avait été fait version hip-hop. Ah ouais, c'est vrai que. On l'a. On doit l'avoir quelque part. Cédric, tu veux pas aller voir, s'il te plaît? Vas-y. Allez, va voir. Petite surprise pour Joule. Bon, on est de retour dans un instant avec une grosse surprise. Ouais. On va sortir du studio. Allez. Ouais, on va t'amener. C'est bon, les prêtres surprise. On va t'amener aux putes. Ouais. C'est vraiment du gros là. Allez, on est de retour tout de suite. Radio Libre 01 53 40 30 20 et tous vos messages. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. 3 semaines avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. You guys ready? Exclusive. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet. Grand Stade de Lyon le 19. Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23. Stade de France à Paris le 30 juillet. This is Rihanna. Rihanna l'anti-world tour. Avec Big Sean en première partie. C'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Skyrock. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Love au 6-20-70. Rencontrez par SMS des centaines de gens qui vous ressemblent. L'amour de toute une vie, votre nouvelle sœur de cœur. De nouveaux amis, Love, L-O-V-E, au 6-20-70. Le service de chat 100% SMS et sans abonnement. Envoyez Love au 6-20-70. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres

va te faire enculer, ouais. Ah, bonjour Karim. Ça va ? 10 full radio libre tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Et quelle soirée encore sur Skyrock. Merci à vous d'être là tous les soirs, 21h minuit, radio libre. C'est avec vous tous, ouais. Vous toutes de toute la France. On salue tous ceux qui sont là, ils sont tous là pour Jules. Regardez la tortue, bonjour à Sab qui vient d'arriver, Saboune aussi est là. Bonjour Greg Lucci, il y a Nena d'or et de platine. Bonjour à Baptiste, bonjour à Clio. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Victor voulait te parler en speed. Bon, on a des surprises pour toi, Jules. Et tu, ouais. Tu as une surprise pour moi. Alors, vous êtes en train de préparer un truc avec Romano, je sais pas. Il y a Romano qui a sorti la truc à 2000. Ça cale les ouais, Jules. Je vais voir si j'ai un petit freestyle, il a vite fait. Toi, tu me dis ça l'a excité. Il me fait. Ah, tu veux pas que il a sorti un texte et tout direct. Tu veux pas que je fasse un texte. Non, mais j'ai entendu. Il a dit amenez-moi mon téléphone. En fait, ouais, hey, parce que j'ai tellement écrit au carré pour. C'est impressionnant ton truc. Tu as 10 000 textes. Mais ton téléphone, il faut pas que tu te fasses voler, quoi. Ouais, non. Imagine, tu le perds et dans 2 mois, tu entends un mec sur un album. C'est tout. Ah, c'est bon, c'est ton sosie là, celui que tu m'as présenté, qui te ressemble là. C'est mon cousin, c'est mon cousin. Le cousin, il sort un album. Il va sortir un album. Il te vole ton portable, il sort un album. Bon, on salue Anthony Bracco. Il vient quand à Lille, il vient quand à Strasbourg. On nous demandait. Oui, tu vas tourner un petit peu pour faire la promo de l'album dans les villes de France. Là, pour l'instant, non. J'ai pas de concert ou quoi. J'ai qu'un showcase là pour l'instant. Mais pour la fin de l'année, normalement, je prévois de faire un concert ou quoi. J'espère le. Mais toi, t'es comme ça. Toi, tu fais des trucs dans ton coin, tu sors tes albums. On te voit pas beaucoup, on t'entend pas beaucoup. Ouais, déjà, j'aime pas trop les caméras et tout, tu vois. Moi non plus. Là, avec vous, je suis à l'aise. C'est pour ça qu'on fait de la radio, nous, t'as vu. Hein. Tu sais, je t'ai vu une fois à la télé dans un truc sur la 2, là. Ouais, j'ai fait ça parce que je me le sentais. Je me le sentais, celui-là. Non, mais ça va, c'était bien. Ouais, on a trouvé ça bien. Ouais, moi, j'avais regardé, tu vois. Ouais, franchement, c'était propre. Et t'es un des seuls mecs qui nous a dit, parce que je sais pas si tu te rappelles, la première fois que t'étais venu dans l'émission, c'est le mec qui nous a dit, on t'avait demandé les concerts, tout ça. Ouais, non, je sais pas faire. Tu vois, t'aurais pu dire, oui, alors je prépare un super truc. Ouais, ben c'est vrai, je me suis pas encore entraîné pour les concerts. Et là, je vais prendre esprit, un coach, tout ça. Ah, tu vas le faire, alors. Ouais, bien sûr, je vais le faire. Bien sûr, je l'ai promis à ma team. Eh, quand il vous promet des trucs, il les tient. Concert, ça, c'est un bon business. Ah oui. Romano veut te coacher, je crois. L'autre, ça y est, c'est parti. Non, mais pas forcément des idées, mais. C'est marrant ça. Non mais je savais pas qu'il y avait des coachs concerts quoi. Bon, on prend Victor en speed. Ouais. On pourra pas tous vous prendre, hein, je vous le dis là, parce que regarde les messages, je déclenche les messages et voilà, tu vois, ça défile. Et merci à tous. Donc on vous prendra pas tous, mais on va prendre Victor. Là, tentez le coup quand même. Hein. Vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20 sur le 41 759 sur l'appli. Vous laissez vos messages, ça arrive directement dans le studio. Jules voit tout. Et Victor, t'as de la chance parce que toi t'es en direct du 62. T'as 17 ans et Jules est là pour toi. Salut Victor. Allô. Oui. Ouais, salut l'équipe, salut Jules, ça va? Salut. Ça va et toi? Ouais, ça va super Jules. Tranquille. Donc j'avais une petite question pour toi. Ouais, vas-y. Bah tu vois, Gradure, il avait fait un featuring avec un rappeur américain, Migos. Ouais. Est-ce que toi t'aurais prévu aussi de faire des featurings avec des rappeurs américains ou quoi pour te développer à l'étranger? Pour l'instant, je te dis la vérité, j'ai pas prévu, mais j'aimerais bien faire une connexion, ouais. Pourquoi pas? J'aimerais parce que bien. Ouais, ça pourrait être pas mal. Tu penses avec qui toi? Il va te coacher, tu vas voir. Ça va être un coach rappeur américain. Ouais, coach, j'aimerais avec qui toi? Bah, moi, je sais pas, je te verrais bien avec Drake. Drake? Ouais, t'as le flow. Ça va, il y a pire, ouais. Ça, ouais, pourquoi pas. Ouais, Drake, non, moi, tu te sentirais pas avec lui. Tu verras avec qui toi? Eminem, ça ferait plaisir. Ouais, bien avec Eminem, ouais. Après, ouais, c'est vrai. Ah, tu vois. Tiens, je veux pas me la raconter, mais j'ai vite fait rapper avec lui, moi. Oui. Il a fait un petit freestyle. Il a fait 20 secondes. Slim Shady? Ouais, c'était pas dans Slim Shady? Non, c'était. Ouais, c'était un autre titre. C'était lequel d'ailleurs? I'm Not Afraid, je crois, non? Ouais, I'm Not Afraid. Voilà, c'est ça, ouais. Il est trop fort. Arrête de me donner ton truc. Ah, tu t'aimes plus. Je sais pas s'il va rester avec nous jusqu'à minuit. Romano là. Et Jules? Oui. T'en penses quoi sinon d'un petit featuring avec Romano? Mais on en a déjà fait ensemble. On a déjà fait, t'as déjà entendu le featuring qu'on a fait? Un grand moment. Ouais, mais encore un autre pour le plaisir. Vous entendez ça? On verra. Là, s'il m'envoie un truc à 2000, là, je leur fais un petit truc vite fait. Si allez, vas-y. Un truc à 2000 alors? Ouais, c'est bon. Allez, vas-y. Je vais voir si ça passe. Non, on voit si ça passe, donc c'est improvisé complètement parce qu'on n'avait pas prévu de parler de K2000. Voilà. Voici l'instru. On regarde. C'est parti, instru K2000. Jules sur l'instru K2000. Écoute bien Victor, tu dis s'il te plaît. Je fais un burn. Ok. Je fais un burn. Dieu. Je fais un burn, interdit aux mecs qui suce des burnes. On a tous connu les temps où ça devait serrer la ceinture. Ouais, j'ai vu que rien n'est sûr, que ça n'y me mentore. Ça aime trop la violence, les bandits en c'est un raptor. Contre l'état, c'est corps à corps. Un 3, c'est trop hardcore. Nargue les flics, fais leur un doigt. Fais la misère à la Ford. On est de la jeunesse excitée, le crocodile collé au cœur. On est acteur à relever le défi, même si on n'est pas à la hauteur. Allez, vas-y, Romano, allez. Je suis Romano de Bourgogne. Vas-y, je te laisse faire. Mais c'est pro. Mais c'est, je suis Romano de Bourgogne. Oui, je suis pas borgne. Je suis pas borgne. Je suis Romano de Bourgogne. Oui, je suis pas borgne. J'ai pas beaucoup de cheveux. Voilà. Voilà. Ah, c'est bruyant. Ah, c'est fou. Hein. Premier freestyle en direct. Et c'est ça, c'est l'effet de Joule. Hein. Merci Victor, tu quittes pas Victor. Ah ouais, Victor, t'as vu Romano, il a pas voulu suivre. Je sais pas ce qu'il a, il veut pas faire le feat. Ouais, bah, voilà, je sais pas. En impro, c'est pas là où je suis le meilleur. Non, c'est vrai, oui. Mais mec, un peu d'entraînement, c'est pas facile non plus. Hein. Ciao Victor, merci à toi. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y, fais péter. Donc, je passe une grosse dédicace à Tim qui est un gros gros fan de Joule. Ouais. Aussi une dédiée à ma sœur Juliette qui écoute. Ouais, ouais, ouais. Salut une Juliette. Une dédiée à mon pote Jason et à tous les mecs du lycée blingue. Et bah, toi voilà. Salut à toi. Et dans Juliette, il y a Joule dedans. C'est fou, hein. Fais une bise à ta sœur. Salut Victor. Ouais, salut. Salut. Ciao, ciao Victor. T'es passionné Joule dans la vie parce qu'il y en a plein qui te découvrent. Enfin, on t'a découvert il y a un petit moment sur Sky, mais encore des gens qui te découvrent. Alors, on a vu ce matin quand on passait le réveil de Star. J'en ai un autre pour toi d'ailleurs. Avant que tu partes, on s'en mettra le deuxième réveil de Star. Allez, vas-y. Donc oui, c'était quoi? C'était passion dans la vie. C'est quoi? Tu le dis dans tes morceaux en plus, hein, pour ceux qui connaissent passion tes morceaux. Ouais. Mais passion dans la vie? Passion dans la vie, ouais. À part le rap, à part écrire des morceaux. Le foot. Le foot, et voilà, moi aussi. Et la moto. La moto. Et la moto aussi, ouais. Eh ben écoute, ça tombe bien. Tu vas être servi. Tu vas être servi parce qu'il y a un cadeau. Un cadeau qui concerne une de tes deux passions. Moto GP, frère. Ah ouais. Une de tes deux passions. J'espère que c'est un T-Max. Mieux que ça, gros. Mieux que ça, une mobilette. Elle se lève, tu crois? Ouais, t'inquiète. Cédric a organisé ça avec. Cédric est biker, il a amené les plus gros modèle en stock. Et avec Maxime qu'on remercie aussi et Maël aussi qui organise des gars de l'équipe. Et donc on va faire la petite surprise là. Ouais, donc tes passions c'est vraiment ça quoi. Ouais. Très bien. Eh ben ça tombe bien. Attends, dégoûté. Je suis pas sûr que oui. Bon, on va voir. J'ai encore envie d'en faire après, mais bon. On a envie de te faire plaisir. Où est mon micro là? Parce qu'on va descendre. Alors on va descendre devant la radio. Là. T'es prêt? Ouais. Ouais. Devant la radio, la surprise t'attend. Bah allez-y, descendez tous. Moi je vous retrouve le temps qu'on me filme mes appareils, mon casque, mon micro. Assistant Cédric. Là. Surprise de Joule déclenchée. C'est parti. Cédric action là. Ça y est. Cédric staff là. Tu m'entends Romano? Vas-y, branche-moi. Si, t'es là, on t'entend là. Ouais, attends. On t'entend pas. Ouais, il est censé être branché où? Sur Planète Rap. Vas-y, monte-moi. Non, c'est branché où, Cédric? Journaliste sportif? Non, c'est pas ça non plus. Cédric! Attends deux secondes! Je suis branché où? Ah, très bien. Je suis branché. Ah, je suis pas branché. Ah, d'accord, donc c'est normal. Je suis pas branché, le câble est par terre. Voilà. Très bien. Donc c'est normal que vous m'entendiez pas et moi non plus. Non, parce que vous savez. C'est sûr. Vous savez sans doute, vous, il y a des trucs sans fil qui existent, mais nous, on reste au fil. Ouais. Halte à la discrimination des fils. On a des câbles de 3 km. Vive les fils, vive les câbles. Halte à la discrimination des fils. Et ouais, Skyrock contre toutes les discriminations. Sauvons les câbles. Sauvons les câbles. Tu m'entends là, Romano? Ah là, c'est parfait. Voilà, mais bien. Mais bon. Quelle voix d'ange. Maintenant, il faut me filer un casque. Oh le relou. Ah bah, le relou. C'est pour vous entendre. Merci, Karim. Ne perds pas le casque, c'est à moi. Attention, j'ai une tendinite, je te le rappelle, Karim. Il faut être. Alors attention, dis avec moi. Tu filmes? Dis full dans le couloir, vas-y doucement, parce qu'il faut que le câble suive. Très bien. Alors j'y vais doucement, parce qu'il faut que le câble suive. Très bien. Bon, Joule, ça y est, je suis équipé, putain. On y arrive. Tu viens avec nous, Romano? Attends, j'attends que tu sois en bas pour vérifier que tout marche bien. Allez, c'est bien. Bon, là, on est dans les couleurs. J'arriverai en courant. Ah, t'as vu, il y a un gars qui nous filme. Toi, tu fais le signe de Joule, moi, je fais le signe du fuck. Bah, voilà, le con s'est pris une porte dans la gueule, t'as vu? C'est Romain des réseaux sociaux. T'avais l'air intelligent, dommage que tu ne sois pas filmé, Romain. Wesh alors. Vas-y, alors là, descends les escaliers à l'envers. Bon, là, je m'entends plus, mais je pense que vous m'entendez encore. C'est bon, on t'entend encore. On est dans les escaliers. Dans les coulisses de Skyrock. Oh là, magnifique. On va cabrer, on va essayer de lever. Je sais pas ce qu'ils vont me donner. Alors, on va voir. Surprise pour toi. Alors, on arrive dans le hall. Notre tout nouveau hall. T'as vu comme c'est joli? Ouais, c'est joli. Ah, faut que je m'arrête. Pourquoi? Parce que le câble il est bloqué, gros. Ah, parce que le câble il est bloqué. Je t'avais dit de pas aller trop vite. Et voilà. Et alors il y a plus. Ah, ça y est. Il y en a plus rien encore. T'as vu, on a des assistances. On est comme deux, je sais pas, deux mariés et on nous tient notre robe derrière, regarde. Allez, déroulez le câble. Bon, Romano, je t'entends plus, mais bon. Moi, je suis toujours. Allez, c'est parti. C'est bon. Ah, attendez, faut que je m'arrête un peu. Voilà. C'est vrai, et pour l'année prochaine, je vous l'annonce, Romano, tu vas être content. On va acheter des trucs sans fil. Non, c'est pas vrai. Là, je suis bloqué, les gars. Exclu total. Je prends mon téléphone. Tu m'as Samy au téléphone ? Rappelle-moi, Samy. Alors, attention, du changement de matériel. On y arrive presque. Eh, mais c'est quoi ces branquignoles là, c'est pas possible. Ça y est. Bon, Romano. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je lâche le micro. Tu lâches le micro. Bon, tiens, je lâche le micro. Appelle mon téléphone. On t'entend bien là. Que je vous réponde, que je vous réponde en direct. Je suis juste en bas. Non, mais là, on t'entend. Et je vous retrouve en direct. Mais on t'entend, bordel de merde. Mais nous, il nous entend pas. Ah, nous avec la surprise de Jules. Ouais, avec la surprise de Jules. C'est ça qu'il faut filmer et mettre sur Facebook Live. Parce que là, vous allez être mort de rire. C'est-à-dire que moi, je suis comme un con au bout du micro. Avec Fabio. Avec Fabio. Et là on est en train de tirer sur le câble. Ah, me voici. Attention, c'est parti. Alors, t'es où Jules? Alors Jules. Ah bah il est déjà sur sa surprise. Viens voir, avance. C'est fou le matin avec nous. Ouais. Alors comment t'es sur ta surprise? Ah, je suis bien là sur mon zip. Donc tu voulais une grosse moto et on t'a ramené. Hein? Et on t'a ramené quoi? Un petit zip là, tranquillement, on va tout péter avec, on va cabrer, on va le mettre en Y. Donc tu vas le mettre en Y. Alors c'est très bien parce que c'est Cédric qui a payé la caution. Eh vas-y Jules. C'est pas bon pour lui alors. Hein. Tu peux le plier. Tu veux que je monte derrière? Eh ouais, mais faut que je garde le micro et j'ai une tendinite. Non mais il y aura pas. Moi j'arrive, je veux monter. Non mais le casque. Ouais, c'est bon. Voilà, Jifoule derrière Jules, un scooter. Romano, prends le contrôle. Moi je m'en vais, salut. Voilà. Salut, bonne soirée. Allez. Et là on va entendre en direct de la rue avec Baby Boy. En direct de la rue. Voilà. Et Doula Y avec Jifoule. Et Jifoule, voilà. Il est toujours en train de faire des tours de scooter lui. Il est dans un mur ou pas encore? Est-ce qu'il est dans un mur? Est-ce que quelqu'un nous entend? Voilà. Non, on nous entend pas a priori. Ah bah là, ça a carrément coupé. Ah bah là, on les a plus du tout. Ah bah là, on les a plus du tout là. Allô. C'est peut-être le cap. J'essaye d'appeler Cédric sur son téléphone. Dans la ruelle. Ouais. En pleine ruelle. En pleine ruelle, attention, mais Jules et Jifoule, ils sont partis où en fait? Ils se promènent. Et Cédric, où est-ce qu'il est? Jifoule. Ah, Cédric, tu es là. Jifoule en Y sur un scooter. On arrive, les amis, hein, le scooter arrive là. Eh, beau le voir, la tête du père. Mais il est tout. Mais le scooter est toujours entier? Ouais, t'inquiète. Ah, ils arrivent là, ils arrivent, allez. Jifoule, il va dégueuler. Ah ouais, voilà. Et Jifoule, là, à nouveau, sa tendinite. Et il lui fait chier pendant 15 jours. Ouais. Il va flipper, il aime pas les dos. Il le soulève. Ah, il arrive pas, hein. Ah, il arrive plus, Jifoule est trop lourd. Jifoule, il a l'impression derrière. Là, je le dis tout le public là. Jifoule derrière, il a l'impression. Attends, mais il est pas content. Les Piaggio Jeep ne sont pas contents. Ouais. Voilà, je vous le dis, on est en direct de la rue. Elle, hein. C'est chaud. Ah, 35-0. C'est chaud là. Hein. Eh, Cédric. Voilà. Ils sont tombés. Voilà, dans le mur, voilà. Voilà, bim. Bravo. Ah, voilà, il faudrait que Jifoule il revienne quand même à un moment donné. Il va revenir. Ah, il a. Bah, le Jules, il veut plus le lâcher là. Mais il est dans quel état, Jifoule? Il est blanc, non? Il est blanc, il est tout blanc, Jifoule. Moi, je découvre. C'est rare, pas de contrôler. Ça fait des roues arrière et il est en panique, s'il te plaît. Jifoule, tiens, Jifoule. Tu sais, il a accroché comme une meuf. Au secours. Jifoule, reviens. Comment ça va? Ah bah ça va, et toi? Eh ben écoute, ça va. Tu vas vomir? C'est possible. Ah putain, c'est vrai, moi j'ai pas essayé que tu casses le scooter. Bon, moi je descends deux secondes. Ah bah Jules est reparti tout seul. Et Jules est où? Il fait des roues. Il est en I là. T'as vu le beau cadeau? Ah ouais, franchement, t'as vu un peu. T'as vu ça? Ça c'est à Jules aussi, on a tout acheté, on a acheté deux scooters. Romano, tu fais quoi? Eh mais Jules, il s'est barré avec le scooter, moi. Je suis parti avec le scooter, l'émission est terminée, je suis désolé. C'est fini. Eh Jules, il s'est barré avec le scooter. Non mais là, il s'éclate, ouais, je regarde là en direct. M'entends? Ah bah il s'est tiré vraiment, il a tourné dans la rue, on le voit plus. Ah putain. Vous avez vu, vous avez entendu quoi la radio? Bah ça a coupé au bout d'un moment en fait. Ça a coupé quoi? On t'a entendu un petit peu crier. On a entendu le scooter. On a entendu le scooter. C'est qui? C'est qui? Vas-y, Jules. C'est Jules. Il est où, Jules? Ah ouais, d'accord. Il est où, Jules? Hop là, EY. Oh, EY, Jules. Donc en fait, ça y est, il est plus du tout en émission, Jules. Eh, le terrain, là, la cité, là. Et c'est vrai qu'il est content, il a les 5 qui pointent, Romano. Ça t'excite. Ah, t'es là, Romano, dis donc. Je t'avais pas vu. Bah, il est tout petit, hein. Bon, Romano, fais un petit tour. Non, j'ai pas de casque. T'entends ce qu'il a dit, t'avais un casque. Moi, je vais prendre un casque. Non, mais Romano, il arrive que des galères ces temps-ci, donc il faut qu'il prenne le casque. Il met un casque, j'ai pas compris, là. T'as vu, moi, j'étais sans casque, hein. Moi, je suis un pilote, bro. On est un bonhomme. Moi, là, c'est ça, le bonhomme, on va dire. Romano, à toi. Bon, filmé sur Facebook Live, Skyrock FM. Ouais, on est en train de regarder, là. Ça y est, il a son... Ah oui, ça y est, il a son casque. Il grimpe. Allez, go. Allez, c'est parti. Le micro. M'entendez dans le micro ou m'entendez à la radio? Non, on t'entend dans les deux. Ouais, dans les deux en même temps. C'est bien, c'est dans le micro, alors. Romano, il en est où? Tiens, c'est avec le compte. Je veux le suivre. Attends, moi, je reste devant la radio, je suis. Là, tu l'as soulevé, le... Les gens de la rue doivent halluciner. Ah ouais, tu m'étonnes. Attends, moi, je passe des choses. Ils ont fait se rentrer dedans, c'est con. Eh, hey, vous rentrez direct, pas dedans, il y a une caution, on est là, la rue en direct. Salut à tous ceux qui sont venus, d'ailleurs. Ah, Jules, vas-y, attention, le la team Jules est là ce soir. Allez, vas-y, Jules. Romano, pourquoi tu cries? Allez, vas-y, Romano, sur le cul. Oh là là. Eh, c'est qu'un faux trottoir, putain. Il est tombé? Non. Attention, il y a des voitures. Oh, Fabio. Fabio de la team Jules. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ils sont prêts à trottoir. Ouais. Fait Romano a fait exploser le trottoir. Pourquoi il a crié, Jules Romano? Parce qu'il a peur, il se tenait trop fort et tu vois, il m'a fait mal au corps et tout. Tu lui as fait mal au corps? Non, moi je l'ai mérité. Tenais trop fort. J'ai serré très fort, ouais. Alors, désolé, mais je n'ai pas rassuré. Il m'a séquestré, Romano. Qui est le plus courageux, alors, Romano ou moi? Non, c'est toi, la vérité. Non, du coup, il est normal. C'est un bras, c'est normal. Et en plus, c'est que j'ai une tendinite. Ouais, t'imagines? Ah putain. Bonjour ma chérie. Ça recommence. Comment ça tenait? Ah, t'as vu ça? C'était cool. C'était super. Ah, c'est bon. Fini l'émission en haut. Allez, vas-y. Allez, bon, t'es ce temps de rejeuner. On se met ton son. On se met émotion. Émotion, allez. Tu prépares, Samy? Ouais. Samy, émotion. Romano, tu viens on avec prépare. Moi. Prépare. Alors... Ouais, voilà. Je m'occupe. Oh putain, j'ai trop flippé. C'est vrai, t'as entendu? Tiens, il y a du monde autour de vous. Tu as fait. Ah! N'empêche que j'ai eu raison parce qu'on a fait exprès de trottoir. Ah non, mais je t'ai vu, oui. Il y a eu un petit dérapage à la fin. Ouais, qu'ils n'ont pas contrôlé. Non, pas trop contrôlé, mais Jules, on l'assure. Attends, le câble est coincé. C'est que c'est ah bah ça y est. Que je fais ça. Sans casque, oh, dans les rues, à Paris. Trop fort. Bon, attention au clap. Tu nous as préparé Emotion? Ah. Ouais, eh ben c'est Emotion, bon. On le balance tout de suite et on arrive en direct sur Skyrock avec une nouvelle surprise pour Jules. Nouveau réveil de star. Vas-y. La radio libre de Difool, tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. C'est Tchou sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Tchou sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune, pieds sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. Faut que je les raisonne. J'envoie des sons pour venisant la mort. Je me vois partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait les mèches, je suis parano. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse aller, j'écris n'arrive au hasard. Donc pourquoi râler? Je fais ce que je peux pour mes potos. Et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là? Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que t'as fait comme un chinois. J'envoie des sons pour venir. Ils ont la mort. Je me vois partir sous le sol. Nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul. Je suis parano. Ils ont la mort. Je me vois partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul. Je suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul. La mise est fraîche. Je suis parano. Jules frérot. Jules sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Et ouais, rappé R&B non-stop. Et l'album demain dans les bacs. Émotion, émotion, émotion. Beaucoup d'émotion sur le scooter. Ouais, alors, le petit tour en scooter. Ah, c'est tombé, ça a ouf. Ah, Romano. Ah, la vérité, Romano, tu m'as séquestré, Romano. Ouais, non, mais c'est vrai, j'étais serré très très fort. Je me suis dit, à un moment donné, il m'a plus respiré. Ah, demain, on allait mourir. Tranquille. Tu sais, j'avais l'impression que c'était mon papa, quoi. Il me dit fou le début. Tiens, papa. Il dit fou de l'attraper au début, je vais l'étrangler. Pas de Jules. Vous m'avez ramené un zip en bas. Ah bah oui. Bah on s'est dit, il faut quand même te faire plaisir. Ah bah ouais, quand même. Eh, c'est de la bécane, ça. Ah ouais, ça s'envoie, ça. Ouais, il était en rodage en plus. Hein. Ouais, il est tout neuf. Ouais. Ah bah là, il est moins neuf du coup. Là, il est moins neuf. Ouais. Ah, la caution du Belge, elle va sauter. Ouais, t'inquiète. Oui, t'inquiète, Jules, tu peux faire ce que tu veux avec. Hein, c'est Cédric qui a payé la caution. Ah, tu peux même repartir avec, c'est cadeau. Ouais, c'est cadeau. Et il y en a même deux là. Tu peux descendre en Marseille avec. Oui, tu peux descendre en Marseille avec. Il est tout neuf. Tout à fait, l'équipe aussi peut descendre. C'est bon, les gars. Oui. Tiens, bon, on voulait faire un autre plaisir. C'est vrai qu'on a passé deux réveils de stars ce matin. T'en as entendu un tout à l'heure. Faut qu'on te fasse écouter le deuxième. Faire attention au casque, quelqu'un. Et Cédric. C'est Jules, je baisse son son. Hop. Ah, Jules aime, bah oui. Ok. En freestyle, c'est normal. Eh. Écoutez bien, Eric, ce matin, tu me dis ce que t'en penses. Alors lui, il connaît un peu, tu vas voir. Ouais. Parce qu'on est tombé tout à l'heure sur un Eric et sa femme qui ne comprenaient absolument rien du tout. Non, mais rien du tout. Hein. Où va la France, ils nous ont dit. Et là, un autre Eric. C'était ce matin dans le morning, le réveil de star, et la star, c'était Jules. Eh ouais. Eh oui. Attention. Allô. Oui. Allô, tu m'entends? Ouais. Bonjour. Bah bonjour, mais c'est qui? Bonjour. Jules. C'est qui? C'est Jules. Je connais pas Jules, moi. Alors, ça va ou quoi? Toi, ça va, toi? Tranquille, ça va. C'est pépère. Bon, alors, quoi de neuf, alors? 24 juin, émotion dans les bacs, ça va péter fort. Ah, ça va tout péter, ouais. Je suis plus dans le son, moi. T'as reconnu, là. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Moi, je suis pas dans le son, je suis dans le sang, c'est différent. Ferme ta gueule, regarde pas de travers quand je suis au feu rouge. Ouais, je suis terrorisé. Et toi, le jour où tu me verras un feu rouge, fais attention à toi aussi. Les vrais, faut que je les raisonne. Ouais. Mais moi, les abrutis, je les raisonne aussi, c'est pas un problème, ça. J'ai une date en Corse, le 13 juillet. Bah, le 25 juillet, et moi, c'est Saint-Pierre. Ça veut dire quoi? Bah, tu la regarderas sur internet, t'as bien Google. Alors, si on se croise, je vais me voir, te gêne pas. Mais viens sur un ville, c'est grand, un ville, y'a pas de soucis, tu me donnes rendez-vous, t'as mon numéro de téléphone. Alors, tu vas me montrer ton album, Emotion. Je vais te montrer les Emotions aussi. J'ai plein d'émotions, moi, je suis un mec plein d'émotions. Du mal à sortir mes émotions. Bon, on va te faire un petit truc biker, t'aimes bien les bikers, tout ça? C'est tout, moi. On va te faire un petit truc biker, la balade des bikers. Oui. Eh ben, tu viendras, et quand tu verras des Harley tout ça, tu sauras que je suis dedans, et puis tu viens nous chanter Emotion, on t'attend, le 24 dans tous les bacs, on t'attend, je te prépare la scène, tout, tu vas te faire un fric fou, et puis on va bien rigoler. Bien sûr, y'a pas de soucis pour ça. Donc Eric, il est vachement sympa, donc Eric, moi c'est Eric, dans le nom c'est Yakuza, je te le dis, comme ça t'as tous les infos, t'as tout ce qu'il faut, je suis connu, donc tu cherches Yakuza, je te fais ton bordel pour que tu viennes nous chanter Emotion, d'accord, et on te paiera, on va te payer grassement. Tu me forces pas à faire les choses. Mais on te force pas non plus à faire les choses, on veut t'écouter, t'as une belle voix, tout ça, puis t'es... Donc tu vas ramener tout ça, tu vas ramener ta voix, tu vas ramener tes couilles, et puis nous on va faire la musique et puis on va t'accompagner. Souvent chez moi. Bon, bah écoute, je te laisse parce qu'apparemment t'as pas trop de couilles. Tu veux pas bouger de ta baraque. Et puis si je te vois, tu viens en face et puis on discute tous les deux, tu me chantes tes chansons, tout ça. Bon, je te dis tout net, tu vas pas me la chanter longtemps. Ton CD, tu te le gardes bien profond, tu t'assois pas trop violemment parce que ça risque de te faire mal. Il est bizarre parce qu'il t'a invité, mais il est sympathique, c'est Eric. Il t'a bien dit un truc, ouais. Ah, chez Biker. Ah, c'est pas de Biker. C'est un gros Biker, lui, à mon avis. C'est vrai, lui. Un rassemblement de Harley Davidson. Yakuza. Yakuza, ouais. N'empêche que le Biker, il connaît. Il connaît déjà Emotion. T'as vu ça un peu? On a payé un Biker comme ça au hasard et bing, il connaît. Il va te donner des Emotions. Exactement. On va faire le petit tour de table traditionnel de l'équipe avec les questions d'équipe, souvent très intéressantes. C'est pour te préparer. Je sais pas si un jour t'es invité au journal de 20h. Ouais, genre. Pose des questions, genre, oui, alors, où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Cette passion pour le rap vous est venue tôt dans votre enfance. Donc, la question de l'équipe. Romano, t'es prêt? D'ici fin 2016, tu comptes sortir encore combien d'albums? 400. C'est ça. D'ici fin 2016, oui. Il en reste encore deux après celui-là. Ah ouais, deux? Ah ouais. Encore? Ah ouais. Mais sérieux? Oh, alors, le mec ne s'arrête pas, quoi. Pour mais c'est... genre, t'as combien de titres en stock? Là, je dois en avoir 40, 50. Ah ouais, quand même. Ça, ouais, ça va, tranquille, ouais, ça fait quelques CD. C'est pas mal. Parce qu'il y a plein de titres qu'on écoute. Moi, c'est Karim qui est fan de toi, qui me fait écouter tous tes nouveaux sons dans la voiture avec la Marie. Ouais, ouais. Donc, quand on rentre le soir, on écoute Skyrock ou à un moment, on se dit tiens, on va écouter du Jul. Mais j'aime bien, moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Question de la Marie, souvent très intéressante. Bah, tu vas voir, c'est super intéressant. Je voulais savoir qui faisait la grosse voix dans Emotion. C'est moi. C'est toi, voilà, parce que je me posais la question. Ça fait grosse voix quand même. Ouais, c'est ça, j'adore. Elle aime bien les grosses voix. Ouais, j'adore les mouches. Est-ce que t'as une grosse bite? Merci Marie pour la question. Non, ça n'était pas ma question, ça. Ça aurait pu. Attention, voici maintenant une question d'un Marseillais pour un autre Marseillais, Samy de Marseille pour Jules. Non, tu as vu, je sais que les survêtes et tout à Marseille, je sais ce que c'est, mais ce soir, bon, on est à la radio, on va le dire, tu as l'ensemble de Monaco. Ah, il est vexé, ça. Non, même pas. Est-ce que c'est en hommage? Non, est-ce que c'est en hommage à Mendy, comme c'est ton collègue qui a signé à Monaco? Gros big up à Mendy, ouais. Donc voilà, j'ai trouvé. Ah, c'est ça? Ouais, Benjamin Mendy, Marseillais qui a signé à Monaco. Ça fait quoi d'ailleurs quand tu vois des footballeurs? Ouais, il y en a plein en plus. C'est pas mis pour ça, je l'ai mis parce que je mets. Ça tombe bien, tu vois. Quand tu vois les footballeurs qui font ton signe, le signe de Jules. Ah, ça, c'est une fierté, ça. T'as déjà regardé un match, tu savais pas qu'il allait le faire, le mec a marqué et il l'a fait et tu t'es dit, ah putain, c'est cool. En fait, le meilleur, c'était. Je suis allé voir Wem Paris et quand Kabela il a marqué. Kabela, ouais. Quand Kabela il a marqué. Il a fait avec Alain Sambrini. Là où il a fait le signe, c'est là où j'étais, genre, parce qu'il m'a. Ah, moi j'ai une question, elle est super, moi. Ah, une question de Karim, alors attention, il a dit elle est super, attends-toi à tout, Jul. Je vais te demander parce que l'autre fois en tribune, il y avait une affiche à Marseille, Alessandrini, ton père c'est Jul. C'est ça à cause de quoi? C'est à cause de leurs cheveux qu'il avait fait. Moi je vais t'expliquer, c'est quoi ça? C'est les gens qui croient que par exemple un rappeur et un footballeur ça va pas ensemble parce que le rappeur il est plein de fumettes, plein de trucs comme ça. Non, mais moi j'aimerais dire un mot sur ça parce que les gens un jour j'ai fait une photo le jour de mon anniversaire avec Kabela, ouais. Avec Kabela et un joint de 18 feuilles. Voilà, j'avais c'est pas parce que moi j'avais le pétard que lui il avait. Non, mais ouais. Et à chaque fois que je les vois ou quoi, je les vois pas trop souvent mais je les vois. À chaque fois personne ne fume dans la maison, je respecte. Ah bah parce qu'ils sont contrôlés, je veux dire. Ça c'est pour les gens qui croient que je sais pas quoi, que c'est le bordel. Que je déstabilise les joueurs ou je sais pas quoi. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça. En fait, c'est ta faute si Marseille sont pourris. Hein. tout se joue sur le terrain, tu vois ce que je veux dire. C'est comme moi, tout se joue dans la En musique. Plus de ça, ce que Julie côtoie, ça n'a pas été le plus pété cette année. Donc, tu aurais dû en faire fumer d'autres, peut-être. Cédric, question. Ouais, je veux savoir comment c'était venu le délire de la cabane, là où t'enregistrais l'album. C'est pas un délire, en fait. Il y avait ça dans la maison. Voilà, c'est ça. Il y avait une cabane dans le jardin. Je me suis mis dans la cabane. Ça, c'est bien, les mecs, ils vont dans des grands studios et tout, ça, tu vois, une petite cabane. C'est ça. Moi, ça me dérange pas. Genre, franchement, j'étais au top. D'ailleurs, j'ai fait un bon album avec qui a marché, My World. Et même celui-là, j'ai des sons que j'ai fait dans la cabane aussi. Et alors, vous voulez découvrir les sons de la cabane, c'est dans les bacs. Vous les avez découverts dans Planète Rap cette semaine. Ouais. Merci d'ailleurs pour tous les sons que tu nous as fait découvrir, Jul. Ouais, parce que ça me fait toujours plaisir de les découvrir avant qu'ils sortent. Demain soir, il y a le Planète Rap et c'est dans les bacs dès minuit, surtout. Dès minuit. Digital. Ouais, surtout les trucs digitaux. Et sinon, demain, dans les bacs. En physique, en CD. L'album de Jul. Eh bien, écoute, merci Jul. J'avais plein de questions de Charlène Candela, tiens, justement. Vas-y. De Lauriana, de Vincent, qui nous posait des questions sur les concerts. Les questions qu'on a posées aussi, très bien. À l'histoire de la cabane, c'est revenu. T'as le temps de faire autre chose que de la musique, je sais pas. Tu vas au ciné, t'as des potes, t'as des copines, tu vas au foot. Comme je l'ai déjà dit, j'ai pas de vie. Ça. Ouais, la vérité, je suis à fond dans mes sons et je sors. Si je sors, c'est pour faire un tour vite fait. Ça. Pas plus. Et les potes, bah, ils sont toujours les là. Les potes, ils viennent me voir. Ça va les potos? On avait un message tout à l'heure, un mec de ton quartier qui disait arrête de faire du tour en Ferrari, ça le réveille. Ah oui, c'est quoi ça? J'ai vu la dernière fois. Hein. Tiens, regarde, c'est lui là-haut, Greg Lucci. S'il vous plaît, dites à Jul qu'il arrête de zoner en Ferrari le soir. Saint-Jean, mort de rire, réveille tout le quartier. Et ouais, non, mais en fait, je fais pas ça pour vous, les gars. Je fais ça juste, vous savez pour qui? Pour les gens qui avant, tu sais, ils appelaient les flics et tout, toute la journée, parce que rien qu'on jouait au foot ou on faisait des trucs, voilà. ça c'est pour cela que je le réveille. J'aime bien le réveiller un peu. Tu as vu, sinon le reste, désolé. La meilleure chance. Réveillé à coup de Ferrari. Tu trouvais que en plus, les flics, ils m'ont arrêté, les flics. Et j'ai vu la photo. Ils m'ont dit. Fais-nous des dédicaces quand tu passes sur Sky. Vous faites trop de bruit avec le moteur et tu peux te prendre une amende parce que tu fais trop de bruit. Ah, si, ouais, tu peux, ouais. Bah écoute, c'est pour tous ceux qui se plaignaient quand ça faisait du bruit avec le foot. Maintenant, tu fais du bruit avec la Ferrari. Ils doivent regretter la période foot, je crois. Bah, en tout cas, merci Jules pour cette visite dans l'émission. Ça nous a fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. Merci. Tu nous appelles quand tu veux. Si t'as envie de faire écouter un son, tu sais qu'on est là. De toute façon, on est là tous les soirs. Exact. On partira un peu en vacances, pas toi. Moi oui, je crois que je vais partir là. Ah, tu vas partir quand même. Après là, je sais pas quand, dans l'été, je vais partir. Vacances à Marseille. Mais t'as pas besoin de ça pour trouver l'inspiration, pour trouver des trucs, pour trouver des sons, pour trouver des. La vérité, peut-être que ça va m'inspirer, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Non, pour l'instant, ça tourne. Là, j'en profite. Et on aussi, on en profite. Émotion dans les bacs, l'album demain soir. Bon, on te retrouve demain en direct en plus. Ah bah ouais. Avec un gros freestyle et l'album spécial Planète Rap que t'offrira aux auditeurs en plus. C'est ça. C'était Jules sur Skyrock. Merci. Allez, merci à tous. Merci. Tu repars avec les scouts, hein, Cédric qui régale. Prends le zip et le liberté. Ciao, à demain. Fais gaffe, il te vole ton téléphone, Cédric. Allez, petite photo. Petite photo de l'équipe. En speed, on vous met toutes les vidéos, les photos et tout ça d'ici minuit sur le net. Ça va bosser du côté des réseaux sociaux de Sky. Attends, fais une photo. Ciao. Je suis à côté du sosie de Jules. Tu as vu comme il lui ressemble, ça. Fais une photo avec les deux. Toi, t'es la doublure de Jules. C'est le cousin, mais c'est la doublure. Fais une photo tous les trois. Le cousin. T'as mis du full au milieu. Allez, hop là. Excusez-nous, on s'installe et on revient. C'est ça. L'émission continue. Et moi, je fais le boss. Jules, il fait la photo là. Quelle carrure au milieu. c'est impressionnant. La gueule de merde que j'ai sur la photo, celle-ci, il faudra pas la louper. Elle va faire le tour du net. T'es juste un peu gringalé à côté des deux autres. Tu vois. Ouais, beau gosse. Beau gosse, je vous la conseille celle-ci. Merci Joe. Merci à vous, merci. On en fait une autre. Moi j'avais la mienne, je suis content. La team et tout là, allez. Allez, avec la team Jules. Voilà, vous verrez la photo qu'on est en train de prendre dans un instant à la radio. Je vais refaire ma pose de boss, là, j'aime bien. Attends, fais-la bien, attends, on est là. On est là. Allez, venez, les gars. Hop là. Allez, où est Marie ? Celui-là. Je suis sous la table. Qu'est-ce que tu fais sous la table ? Je voyais pas la Marie, je sais pas où elle était. C'est bon, les photos ? Allez, un peu. Voilà. C'est reparti. Je pense qu'on est bon, là. Merci, les gars. Demain. À demain. Et on est loin, je me disais. Ah, tu vois, sur Vêtements de la Cour. Salut, mesdemoiselles. Ciao, merci à vous. Ciao. Bon, alors, que d'émotion ce soir. C'est le cas de le dire. Ça, je vais m'asseoir là un peu, moi. Ça, c'est la place de Samy. Viens côté de moi, Romain. Prends la place de Samy. Bien, là, non ? Ouais, c'est pas mal. Pourquoi tu ne mets pas sur la chaise de Cédric ? Alors, non, ça va, le soir, il perd l'us dessus. Parce que là, c'est Samy et Cédric qui sont sortis accompagnés de Jules. Donc, on est là, Marie, Karim, moi et Romano. Oui, à la place de Samy. Il n'y a personne à la table de mixage, la radio marche toute seule. Karim, si admettons Difool, il te donne 10 euros, est-ce que t'es capable de renifler le siège du Belge? Ah, je le renifle, gros. Donne-moi 10 balles, gros, je le renifle. De le lécher, gratos. Ah non, gratos. Ah non, gratos, ouais. On est potos entre nous. Mais Difool, de lui 10 balles. Non, pas d'histoire d'argent. Ah, dégueulasse. Non, mais franchement, moi, ça me fait. Non, mais je suis sûr que t'es pas capable, gros. Mais quoi, moi, je le lèche. Tu me donnes 10 balles, mais est-ce que tu sais qu'il perlouse dessus quand même? Ouais, à longueur d'année, à longueur de soirée. Ça, non, mais donne-lui 10 balles, sérieux. Je vais pas lui donner 10 balles. Non, mais attends, vas-y. Non, mais je te donne 10 balles. Tiens, prends les 10 balles. Ah, attends, bouge pas. 5, c'est bon, 5. Non, bah non. Allez, 5. Allez, Karim, c'est les soldes. Allez, c'est les soldes. C'est les soldes, Rouillard. Moi, 50. Bon, tu lèches, hein. 2 fois 5. Allez, faut filmer, tu filmes. Ah ouais. Ah non, mais faut filmer ça. Et Karim va nous quitter. C'est bon, tu peux manger, le tour est passé. C'est bon. Tu vas te régaler, mon pote. Attention, Karim sera-t-il capable ce soir en direct sur Skyrock? Faut filmer. Et nous, on a pris des risques, Romano, sur le scoot de Jules. T'as flippé pour de vrai, hein? Ah ouais. Non, c'est un ouf. Moi, j'aime pas trop. Quoi, j'ai pas eu peur un instant. Bah, mais ça m'étonne pas. Non, mais c'est dingue. Évidemment, en plus, on s'est entendu. Non, franchement, j'avais pas peur. Non, mais t'étais terrorisé. Ah, pas du tout. Je sais pas ce que ça donnait à la radio. Je sais pas si vous avez bien entendu. Ah, non, t'as entendu ça. Des cris de qui? Bah, je sais pas. Alors, si c'est pas toi, c'était sans doute Jules. En effet, c'était Jules, oui. Bon, alors, on y va. Attention, le pari, c'est bon, ça filme. Ça alors, filme. Attention, oui. 10 balles. 10 balles, c'est des vrais billets. Des vrais, des vrais. Attends, je peux les toucher? Non, toi, tu vas me les voler. Non, mais je les touche. Non, toi, tu vas me les voler. Mais il est malade. Lâche. Non, mais. Lâche. Non, mais. Il y a des billets, il faut qu'il les touche, tu sais. Tu touches, mais tu les prends pas. Mais donne, mais putain, mais donne, mais c'est un truc de ouf. Malade. Ah, ah voilà, putain, tu l'as déchiré, j'en étais sûr. Il est encore valable, il est encore valable. Mais non, ah ouais. Ben, tu mets un bout de scotch, il est valable. Il va te le scotcher. Non, mais t'avais qu'à les lâcher aussi. Mais non, tu veux pas les lâcher, c'est mes billets. Non, mais bon. Non, c'est les miens. Alors, vas-y. Vas-y, lèche. Non, mais donne-moi l'argent. Tiens. Si merde. Je t'ai couillé. Non, mais de quoi? Tu veux que je le lèche pour de vrai? Bah oui. Je le garde, les 10 balles. Bah oui. Vas-y. Ah non, mais pour 10 balles. On va même peut-être le lâcher un pourboire après. Non, non, toi, t'es complètement con, Romain. Le mec, Romain des réseaux sociaux qui filme, mais il s'assoit sur la chaise. Il va lécher la chaise. Attends. Lécher la chaise. Avant de lécher la chaise, je vais la sentir, gros, parce qu'on sait jamais. Si ça fouette, je te rends les 10 balles. Gros, si ça pue la merde, ça, c'est ton problème. Non, plus fort. Oh putain. Oh putain, mais il pue du cul, déjà. Eh, genre, non, par contre, attends, pour lécher, gros, il faut lécher en diagonale. Tu lèches la diagonale. Pourquoi tu veux qu'il lèche en diagonale? Non, mais tu sais, genre longtemps, pas genre un petit coup de langue. Ah. Tu prends le siège. Attends, j'ai payé quand même. Hein. Tu me crois, ça pue la merde un peu quand même. Ah, hein. C'est normal, c'est la chaise de Cédric. Ouais, c'est de lumière. C'est bon, t'es prêt? Attends, attends, la lumière est. Je rajoute de la lumière. T'es prêt? Attention, c'est parti. Là, va-t-il survivre? Demain, il est pas là, vous allez voir, demain, il est malade. Tu dégoûtes, mais. Non, non, franchement, par contre, mais... respect Rouya. Ah ouais, respect Rouya, mais il y en a un derrière de merde. Tu vas attraper respect Rouya, Choukran. Attends, non. Là, le nombre de fois qu'il a pété, gros, sur sa chaise. Ah ouais, c'est terrible. Ah ouais, tiens, il y a même des sécrétions. Hein. Non, mais attends, ouais. Cédric, tu sais, il fait des pets foireux. Dis-toi, il y a de la matière fécale là-dessus. Autrement dit, de la merde. Et ouais. Hey, t'as mangé de la merde, ça y est, gros. T'es quoi? Ah, donne-moi 10 balles, je te mange ta merde. Donne-moi 10 balles, y'a pas qu'à être prêt à tout maintenant. Non, mais invité, je vous le dis à vous qui nous écoutez, si vous faites une teuf dans pas longtemps, des teufs de fin d'année, des teufs pendant l'été, invitez Karim. Ah ouais? Vous lui sortez des billets, vous faites n'importe quoi. 10 balles, moi, y'a pas de problème. Ah bon, on s'amuse, hein? Genre, pour combien tu lèches la moquette? La moquette, c'est moins pire que le siège. Ah ouais, je pense que la moquette, c'est moins pire que le siège. Je pense qu'il Il a fait quoi? 50 euros. Ouais, va te faire enculer. Ça va. C'est pour le délire. Ouais, pour le délire. Est-ce que t'as laissé un peu de bave? Parce que comme il est pas courant, Cédric. Ouais, j'ai bavé un peu dessus. Bah, ça lui lavera les fesses. Ça, c'est pas mal. Bravo, Karim. C'est pas lui. Alors maintenant, la question est, survivra-t-il jusqu'à minuit? Et sera-t-il encore là parmi nous demain soir? Ça, c'est pas sûr. Ah là là. Ouais. Et il y a Blue qui demande, Karim, c'est combien la pipe, s'il te plaît? J'ai mon anniversaire bientôt. Ah bah tiens, tu peux balancer tes tarifs. Hein. Ouais, 100 balles, donne-moi 100 balles, il n'y a pas de problème. Regardez les tarifs du menu du jour. Bon, est-ce que t'es prêt pour le problème du mois, Romano? Toujours prêt. Bon, le problème du mois, on va aller faire un tour sur le net et t'as repéré des gens qui étaient un petit peu bizarres, qui avaient des questions à poser, qui étaient, comment dire, pas comme nous et pas comme nous. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Ils sont pas comme nous. Be different. Be different. Be yourself. Voilà. C'est ce que l'on voulait vous dire et vous en avez la preuve dans un instant. On a Célian aussi qu'on va prendre au téléphone avec nous. C'est qu'il est Célian dans le 59. Salut Célian. Ouais, Célian. Pareil qu'il y a eu des orages de ouf dans le 59. Ouais, il y a eu là-bas. Ouais. Ah, ils ont pris la flotte, t'es méchant dans des coins. T'es là, Célian? Ouais, je suis là. Eh ben, bienvenue à toi. T'as entendu cette belle soirée? Oui, on a failli mourir avec Romano tous les deux. Ouais, j'ai entendu. T'as été très courageux d'ailleurs. Ah, t'as vu, Jules l'a dit lui-même quand même. Que le plus courageux des deux. Eh, Romano, mais comment ça se fait que t'es pas courageux? Parce que moi, le scout, j'aime pas ça. Non, ça, on le sait, ouais. Ah, parce que j'ai. Truc en deux roues, c'est pas ton truc. Je préfère la Ferrari, la Formule 1. Bien sûr. Le truc qui déchire, quoi. Tout simplement. Mais ouais, je pensais que tu serais plus courageux que moi sur le scout de Jules. Et moi, je lui faisais confiance. Je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que tu fais? Non, mais il a fait une roue déjà direct. Ouais, non mais bon. Ouais. Au final, c'est la vie. Oui, non mais bon, oui, c'est. Tu tombes. C'est bien, t'es dans un bon délire. Non mais. Pour prendre des choses comme ça, Romano. Non ben ouais, mais bon. Be yourself and live your life. Non. Oh, oh, oh. Mais tu sais, moi, sur ce genre d'engin, j'ai plus confiance en moi qu'en les autres. C'est-à-dire que je préfère conduire moi, j'aime pas. C'est comme en bagnole. En voiture, oui. En bagnole, maintenant, moto, c'est pareil, tu vois. Bon, quand j'avais pas le permis, je m'en battais les couilles. Parce que de toute façon, dans tous les cas, je conduisais jamais. C'est ça. Mais... si, j'étais content quand je montais devant. Ça tombe bien parce qu'il va nous parler tu vas nous parler de permis, je crois, Célian, ce soir. Permis, ouais, voiture, tout ça. Tiens, en voiture, maintenant, j'ai du mal à monter à côté de quelqu'un. Et derrière, encore pire. Mais moi, je conduis derrière, bien. Derrière, moi, ça me fait mal à la tête. Non, mais je monte. Avec moi, t'aurais pas peur. Non, avec toi, je suis déjà monté, ça va. Mais quand je suis à côté, j'aime pas de derrière. Avec Karim, t'aurais peur? Non, moi, je conduis bien, carrément. Je sais pas, je crois que je suis jamais monté avec toi en bagnole. Si, t'as dû monter une ou deux fois, mais t'as pas. Non, mais ça va. Conduis tranquille. Cédric, c'est un dingue. Ah non, Cédric, c'est dangereux. T'as 14 accidents. Trop vite, t'as déjà eu un accident, toi, Célian? Justement, c'est ça que, c'est ça que je vais vous parler. Bah, ça tombe bien, Cédric en a eu 14 ou 15. Cédric, ou 16 ou 17. Cédric, c'est le genre de mec dans une petite rue où il y a un stop au bout, il tape une bête d'accélération pour après s'arrêter au stop. Ouais, non, mais ça, non, mais il fait pire. Moi, je l'ai vu un jour, mais ce jour-là, il reste, c'est dommage, j'avais pas de téléphone pour le filmer, mais c'était exceptionnel. Un jour, en fait, avec Difool et Cédric, on avait rendez-vous quelque part. Ouais. Une boîte à partout. Non, c'était il y a longtemps, mais vous étiez là aussi. Mais en fait, nous, on partait de l'appart. Donc, et Cédric savait pas où c'était. Et je me souviens, il m'avait suivi. Et le mec, dans sa voiture, arrivait à faire la circulation. C'est-à-dire. Oh là là, passe à droite. Oh putain. Non, mais le mec, il était derrière. Tu sais, pour arriver à me suivre continuellement, c'est-à-dire que le mec derrière, je le voyais, tu sais, il avait la moitié du corps qui sortait. Ouais, il y avait la grosse tête qui sortait. Et tu sais, je l'entends. J'avais ouvert les vides parce que non, mais c'était phénoménal. Les gens étaient là. À filmer. Les connards. Voilà, laisse-moi passer. Je suis. Tu sais, il s'est énervé. Il était là. Voilà, tu sais, je faisais déjà. Voilà, laisse-moi passer. Je suis avec le mec de devant. Là. Moi, j'avais honte. Bâtard race. C'est lui qui... Le mec, il t'affiche devant tout le monde. Mais ce qui était exceptionnel, c'est que le mec, il faisait ça à côté conducteur où il était. Et il arrivait aussi également à sortir son corps côté passager. Non, mais je vais pas, il devait escalader dans sa bagnole. Ah ouais, c'est con cool que t'es pas filmé ça. Voilà, il était là. Tu sais, moi, j'étais. Dans la bagnole, mais j'en pouvais plus. J'étais mort de rire. Tu sais, quand je suis arrivé, j'étais aux toilettes, j'avais trop envie de me pisser dessus. Tu sais, je le voyais, mais. Imaginez le corps de Cédric qui sort de la voiture, qui est en train de rouler, et il fait la circulation. À droite, allez à droite, va pour vous. Non, mais en plus, à Paris, tu sais, c'est chacun pour sa gueule. Donc, des fois, il demandait au mec, ouais, laisse-moi passer, mais le mec, il s'en battait les couilles, tu vois. Il calculait pas. Ouais, il calculait pas, et le mec, il s'énervait, tu sais, il s'en. Voilà. Voilà. Ah, terrible. Donc, tu fais, tu as tapé à la bonne porte en un plan ici à Skyrock ce soir, saignant, parce que. On est quand même des spécialistes, enfin on a un spécialiste des accidents de la route. Ah bah ouais. Mais il est où d'ailleurs Cédric? Je sais pas, il est avec Jules je crois. Ah d'accord. Du scooter, ils sont allés dîner ou quoi? Parce qu'il est parti depuis 20 minutes. Je sais pas, il a peut-être un petit creux. Non, en fait, non, Cédric est en train de courir après Jules qui s'est barré avec le scooter. Ouais, c'est vrai, c'est pas cool. Oh là, reviens. Oh, Jules, j'ai payé la caution. Rends-moi mon scooter. Allez. C'est peut-être ça en plus, hein. Sans doute, ouais. Essaye de l'appeler pour voir où il est. Vas-y, va. Pour prendre une nouvelle. Oui, parce qu'on risque d'avoir besoin de lui pour t'aider, Célian. Alors, dis-nous, Célian, qu'est-ce qui t'arrive donc avec ton histoire d'accident, d'accrochage? En plus, t'as 19 ans, donc le permis, il est tout neuf pour toi. Ouais, ça fait un an que je l'ai, là. Ah ouais, t'as quand même. Un an de conduite. Combien on garde le truc au cul, là? 3 ans, je crois. 3 ans. Là? Bah ouais. Ouais, 3 ans, ouais. C'est que moi, à l'époque, c'était le 90, parce que bon, je suis un petit peu plus âgé que toi. J'ai eu quelques. Ah, je sais ce que tu vas dire. Bah, moi, c'était le A. Moi, c'était 90, moi. Ah, bah, moi, c'était le A. Bah, je l'ai jamais mis. Je l'ai jamais mis non plus. Non, mais tiens, en plus, j'avais trop la honte pour les meufs et tout. Non, mais c'est surtout, tu vois, moi, je vois, j'avais passé le permis à Paris. Tu même, t'arrêtes pas de te faire klaxonner. Ah, bah, les premières fois à Paris, tu sais, j'ai voulu être réglementaire. Bien sûr, mon cher Watson. Normal. Respecteux de la loi. Mmh. Et je l'avais mis, laisse tomber, je me faisais klaxonner. Tu sais, genre au feu, tu démarres un peu plus lentement que la moyenne. Le mec derrière, il est au taquet parce que t'as le A au cul. Retour de Cédric, qui vient de s'asseoir sur son fauteuil. pourquoi tu regardes ton siège, Cédric? Parce que je crois qu'il y a un mec qui a gagné 10 balles grâce à toi. Il y a un mec qui a gagné 10 balles grâce à toi. Ouais. Merde, putain, je fais tomber du héros. Non. Il y a une technique. Ta technique pété on comprend pourquoi c'est pas lui qui fait les conseils pas chers. T'as entendu la méthode de merde. En plus, bon, ouais, c'est les miens. Mytho, tu sais. Bon, hey, Cédric. Il y a une vidéo bientôt sur le net. Karim, est-ce que t'as lâché une caisse aujourd'hui sur ta chaise? Bah ouais. Non, bah hamdoulah, putain. Karim, il a gagné 10 balles grâce à ta chaise et grâce à toi, quelque part. Ouais. Et tu les as pris pour de vrai, les 10 balles? Bah ouais, gros, bah attends, tu me les as donnés pour de vrai. Ah, attends, à ton avis. Hier, par contre, ouais, j'ai pété. Non, mais comment il a pu gagner 10 balles, à ton avis, avec ta chaise? Avec ma chaise. Ouais. Mais tu vas voir. La gueule qui fait. Plus, tu t'as soufflez pas sur les messages, dites pas la réponse, Cédric. Regarde pas les écrans. Vas-y. Non, mais vas-y. Alors, comment il a pu gagner 10 balles avec ta chaise? Avec ma chaise? Ouais. Je sais pas, il a volé une roue. Non. Bah non. Ouais, super. Putain, franchement, en plus, ça serait trop marrant. Non, mais je sais pas, c'est peut-être pas un truc marrant. Mais si, non, mais c'est un truc, il faut être. Il a pété dessus. Non, il faut être con pour le faire. Non. Non, mais pire que ça. Il faut être con pour le faire. Il a pissé dessus. Non, mais il a pas pissé dessus, mais t'es pas loin, il a chié. Il a chié dessus? Dedans. Mais non. Et là, tu t'es assis dessus. Et t'as le cul plein de merde. Et t'as le cul plein de merde. Non, Cédric. C'est pas ça. Je peux la péter dessus. Mais non. Non. Je te dis, écoute. Elle est à la dose, la chaise. Écoute-moi, Cédric. Écoute-moi, regarde-moi. Tu vois, je suis hypnotisé. Secoue-le, il me regarde. Vas-y, je suis hypnotisé. mec, il a fait. Voilà, je vais me mettre toute nue et je vais me mettre à danser sur la table. Non, non, calme-toi. Attends, je suis pas Messner. Oh, je pense que je vais me mettre un micro dans le cou. Et la caméra, on peut. Vas-y, accouche. Non, écoute ce que je te dis. C'est un indice précieux dans ce que je te dis. C'est un truc con, mais qu'il a fait. Un truc con qu'il a fait. Mais ça lui a permis de gagner 10 balles. Il a frotté sa bite dessus. Non. Ah putain, j'aurais dû faire ça. On aurait dû faire ça. Ah, mais il n'y a pas pensé. On aurait dû faire ça. Donc, non, bah, non, mes couilles. Faut du pauvre sexe. Je sais pas, tu l'as léché. J'ai pété tout à l'heure dessus, gros. Il est content. Parce que je voulais pas le dire, mais j'ai pété tout à l'heure. J'avais envie de péter. Il y avait trop de gens dessus, je pouvais pas sortir. Super, merci. Je te jure, gros. Mais de toute façon, moi, je te le dis. Je regrette pas d'avoir investi 10 balles. C'est con, mais c'est marrant. C'est très con. L'autre, il a léché mon PC. Non, mais, dis-toi que là, sur la langue, gros, t'as de la merde du bel. Ah, bah oui, t'as des bactéries de merde. Ah, non, mais tu mets pas des bactéries. Tu Marie, sur toi j'ai ma brosse à dents. Parce que pour non, mais moi, je pense. Non, j'ai un tampon, si tu veux. Non, lève-toi la langue, gros. Ouais, demain, je vais avoir une main, je crois. Amenez-nous les ciseaux. Pour 20 euros, Karim se fait couper la langue en direct. Ouais, super. Alors, Célian, dis-nous de quoi on va parler. On va te filer un coup de main quand même, parce qu'on parle, mais. Alors, attention, le roi des accidents est parmi nous. Cédric est revenu, là. Il est revenu, donc c'est bon, t'as toute l'équipe et surtout le roi des accidents. Je suis là. Tu disais le meilleur. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, un an de permis, 19 ans. Ouais. Donc, ce matin, en fait, comme t'as dit, il y avait beaucoup plu. Ah oui, dans le nord, il y a eu plein de messages. Mais même ce soir, il y a eu des inondations. Ce soir, il y avait des messages, il y avait des orages. Il y avait un orage même ce matin. Ouais. Du coup, j'étais dans une route et tout, je conduis. Et arrivé à un stop, en fait, je freine et j'ai fait de l'aquaplanning. Ah, ça, c'est du pas coup, bon, l'aquaplanning. Moi, j'ai fait une tuée en aquaplanning sur le périph' à Paris. Ouais, mais c'est. Mais fait. Oh, ah ouais, Difool, t'as failli te tuer. J'ai failli me tuer en faisant de l'aquaplanning à c'est Paris. C'est pas vrai. Sur le périph. Ah ouais, trop doux. Ouais, quoi, c'est comme ta tendinite, quoi. Ouais, c'est ça. Une histoire de merde. Non, c'est comme ma tendinite, oui, j'ai failli. Oui, c'est vrai. Donc tu fais aquaplanning, dérapage. Je suis à aquaplanning, donc ouais, je continue, j'arrive pas à m'arrêter au stop, donc je fonce dans une voiture. Ah bah bien joué, bravo. Donc la voiture, elle passe. Ah, moi, je t'insulte. Non mais je suis désolé, moi le mec qui rentre dedans, ou que ce soit un mec ou une meuf d'ailleurs, je pense que peut-être une meuf, je l'insulte plus. Ouais, Non mais je pense que je lui dis mais t'es vraiment une connasse, quoi. Une fille, Non mais après, même tu vois. Tu le fais pas exprès. Non mais dans un premier temps, c'est un réflexe. Ça sort tout seul, c'est un réflexe. Après, voilà, et si la meuf elle est cool, je vais pas m'embrouiller avec. Tu sais, la pression va redescendre. Au début, c'est vrai, t'es énervé. Non mais sur le moment, on te rentre dedans, t'as envie de dire, mais quel connard, quoi, tu vois. Bon, je pas fait exprès. Et quand même qu'en train de se brosser la langue, mais. Je crois que tu vas plus avoir de langue dans pas longtemps. Non mais vas-y à fond, hein. Frotte bien. Ouais, oui. Ah ouais. Au fond. Vas-y, mais il va tomber malade, Karim. Ça fait 10 minutes qu'il se brosse la langue. Imagine demain, il vient, il s'est transformé, son visage, c'est Cédric. Il a 4 mentons. C'est bouh. Non, mais en plus, c'est chaud parce que GLP vénère en ce moment. C'est chelou qu'il est pas senti. GLP vénère en ce moment, vous en donnez quand même. Non, mais de toute façon, sur les années, gros, je suis sûr, moi, comme je disais tout à l'heure, il y a de la merde. Ah oui, obligé. Ouais, forcément. On peut redéraper parce que là, on a dérapé dans le trou du cul de Cédric. Est-ce qu'on peut retourner? Oui. Ouais, donc t'as tamponné une première bagnole. Ouais, donc mais ça ne t'a pas suffi. Non, donc il y en a une deuxième qui est arrivée juste derrière et là c'est elle qui m'a tamponné. Tu sais que j'ai fait ça une fois. Il est content. Je crois, j'ai niqué 6 voitures, je crois. Ouais, Cédric, il a fait un bowling de bagnole. Non, mais il pleuvait. Strike. Il y avait une petite pente en fait, j'avais accéléré et dans la descente, j'avais pas vu qu'il y avait des voitures, elles étaient toutes freinées et j'arrive, j'en tape une, quand tape une autre, qui tape un poteau, qui tape les voitures de l'autre côté. Et ouais, tout ça, tout seul, il le fait. 6 voitures, gros. Voilà, il te bousille 6 voitures. Ouais. La voiture, elle a tapé dans l'immeuble, bam, l'immeuble, il s'est écroulé. T'as dû te faire insulter. Si, voiture. Ah ouais, c'est tous vénères. Oh là, et à ce moment-là. Parce que j'ai touché les deux voies, en fait. Non, moi, ce qui m'est arrivé une fois, c'est que j'ai dérapé derrière une bonne femme, et j'ai descendu une pare-choc arrière, tu sais, c'était une vieille bagnole un peu pourrave, et la meuf, elle descend, hein, putain, elle était enceinte, quoi. J'étais mal, mais mal. Ah ouais. Et là, t'as pas gueulé. Et là, elle accouche. Et là, Romano se barre, au courant. Non, mais j'étais trop mal. Je fais, ouais, vous voulez que je vous emmène à l'hôpital et tout. Elle me fait, non, ça va. Mais tu sais, si ça m'a mis trop mal, quoi. J'étais tout bas d'eux après. Émotion. Ouais, Et après, bon, par contre, je lui ai rien donné pour le pare-choc. Elle m'a dit, c'est pas grave, elle est pourrie. Je fais, bah oui. Oh, bah j'ai bien vu. Allez, on vous rentre dedans, il y a le pare-choc qui tombe. Attends, c'est vraiment de la merde. C'est la câblette de votre bagnole. Ah ouais, vraiment. C'est pas prudent de rouler avec ça. Donc, toi, t'as un accrochage, la meuf de derrière te rentre dedans aussi. Et bah ouais, mais t'es dans la merde. Donc ouais, voilà, donc je me suis garé après. Les deux voitures elles se sont garées à côté. Donc la première c'était une voiture de Foxio, elle avait pas le temps, donc elle a juste pris mon numéro. Et ouais. Là ce soir elle m'a pas rappelé, donc tu penses qu'il te le fait à l'envers? Non. T'as pris la plaque du mec? Non, j'ai rien pris, elle est partie. Mais moi j'ai rien en fait. Je suis sorti de ma voiture, j'ai regardé, j'avais rien du tout. Ah bah écoute, tant mieux si t'appelles pas. Moi à la limite, ouais, donc, oui, voilà, à la limite si t'appelles. Est-ce que je le dis à l'assurance ou pas? Oh non. Bah tant qu'il t'a pas appelé, non. Non, dis rien. Moi tant qu'il m'a pas appelé, moi je dis rien, moi. C'est par rapport à la deuxième, parce que la deuxième, c'était une Audi A1 et elle avait un petit peu une petite griffure. Ah ouais, mais l'autre, la deuxième, c'est celle qui t'est rentrée dedans. Ouais, voilà, c'est, bah, c'est elle qui. En général, elle a une griffure. Non, mais c'est lui qui responsable. Les dernières voitures qui sont. Non, c'est le dernier. Le mec qui a tapé ta caisse, là. Qui est derrière toi, ouais. L'Audi A1, c'est lui qui prend tout. Il doit être maître de son véhicule. Il prend tout, c'est l'assurance. Normalement, ouais, c'est ça. Normalement, c'est l'assurance, quoi. Il prend tout chez électrique. C'est elle qui est en tort. Non, mais non, il prend. Chez électrique. En gros, c'est lui. Il va aller en prison. Selon le code de la route, le mec qui rentre dedans qui est en tort. Le mec, il doit être maître de son véhicule. Bien sûr. Qui est derrière et qui rentre dans quelqu'un, c'est. Même si le mec a freiné comme un con devant. C'est toi, ouais, c'est. Tu dois être maître de ton véhicule, ouais. Tu dois tout faire pour l'éviter. Ce qui, a priori, n'était pas le cas de la dame dans l'Audi A1. Voilà, c'est ça. Donc, on m'a dit ça. Oui. Sauf que le problème, c'est que pendant le constat, pendant le dessin, en fait, elle a marqué que c'est moi qui lui ai rentré dedans. Et ça, je l'avais pas vu. Ouais, mais elle est débile parce que si en plus elle est griffée sur le devant. Donc, la meuf est en train d'expliquer que tu l'es rentré dedans par derrière. Donc, elle est con. C'est logique. Donc, je pense qu'elle va se faire baiser, elle. Du coup, le constat est fait, là. Et je sais pas comment faire, vu que. Non, mais de toute façon, si la meuf est. En fait, c'est quoi? Toi, la meuf, t'es rentrée dedans. Oui. Là, ouais. Elle est rentrée dedans par l'avant, j'imagine. Elle est pas rentrée dedans reculant. Ouais. Oui. Et elle a mis quoi sur le dessin? En fait, sur le dessin, vu que c'était notre premier constat tous les deux, on savait pas qu'il fallait mettre au mois du choc. On a mis au mois. Moi, j'ai dessiné une petite maison et un soleil. Non, mais c'est que le dessin, c'est pas le plus important. Hein. Non, mais. Hein? Ah ouais, c'est pas le dessin qui est important. Non, mais après, c'est les croix. Ouais. C'est d'abord les croix, en fait. Si les croix, vous êtes à égalité, l'air regarde le dessin. Mais si, par exemple, elle a plus de croix cochées que toi. Ben c'est elle qui a parce qu'en fait t'as des croix, est-ce que vous avez c'était leur véhicule A, véhicule B. Moi j'ai niqué un mec comme ça une fois. Voilà, je l'ai bien niqué. C'est que le mec qui vient et qui était vénère, je fais je suis en tort, c'est bon, t'inquiète pas, y a pas de problème. Le mec qui fait ses croix, moi je mets zéro croix, hop, je l'ai baisé. Et ça, voilà. Ah ouais, bien sûr. Voilà, j'ai fini au tribunal. Non, je lui ai donné 10 000 E. Ah, tu l'as bien baisé, Cédric. Non, le mec, il a signé. Bien joué. Voilà, mais je l'ai bien baisé sur le constat. Ah, le mec, il a signé le constat, tranquille, j'ai signé mon constat. Non, mais le mec, c'est un mongol, lui. Bah, t'as eu ta chance. Le mec, c'est un débile profond. Bah oui. Je sais pas, tu lis, tu sais, il y a plein de. Bon, c'est chiant à faire, mais tu lis. Ah, mais il a lu, hein. Non, mais ouais, c'est un débile. Non, mais en fait, pour toi, Célian, je pense que c'est moins grave que tu le pensais, puisque bon, l'autre, il te rappelle pas. Bon, tout va bien, ta voiture, elle a rien. Tout va bien. Et l'autre, et l'autre, c'est elle qui est responsable. Elle est responsable, donc pas de soucis. Logiquement, ça va. Non, mais de toute façon, et puis après. Y a celui dans lequel t'es rentré, qui peut te. Ouais, ouais, c'est ça, bon. Si lui, t'as pas de nouvelles. Si t'as fondé dans le cul. Donc, ça, ouais. Je la. Et de toute façon, la meuf avec son A1, elle va pas. Il y a un expert qui va venir, elle va tout de suite voir où a eu l'impact. Ouais. Il voit directement. À moins qu'elle explique, elle roule à reculons. Oui, là, donc c'est. Oui. Dans ce cas-là, je pense pas. Bon, bah écoute, merci Célian. Si vous avez 2-3 coups de fil à. Juste, tiens, si on s'est trompé sur un truc, dites-nous. Hein, le premier, là, si le mec il t'appelle pas dans les 48 heures, c'est trop tard. Ah ouais, c'est pas. Ah ouais non, c'est 5 jours. Ah, bah là, on nous dit. Non, t'as 48 heures pour envoyer le constat. Non, t'as 5 jours. 5 jours? Ah bah moi, je ferais plutôt confiance aux auditeurs. Ah, moi. Écoute, 3 jours au maximum. La fausse sceptique. Non, qu'il se taise. L'autre a 48 heures pour déclarer son accident. Il faut qu'il mette un commentaire sur son constat. Non, moi, j'ai 5 jours. J'en ai rendu un lundi, là encore. Ah, bah tiens. Mardi. T'as encore eu l'accident. Là, il y a un mec qui met. En fait, j'ai fait le marchage. En plus, c'était qu'il ne dit pas tout. On était pas con. Non, mais c'est vite fait. En fait, je faisais une manœuvre. Non, mais c'est vite fait. Non, mais c'est accident ton permis, quoi. Non, mais pour toi, c'est normal. Tu me dis ça. Je suis vite fait. Un petit accident, vite fait. Non, mais rien de méchant. En fait, je faisais demi-tour. Je faisais une manœuvre. Conduire, en fait. Et il y avait personne derrière moi, donc je fais une marche arrière, j'enclenche la marche arrière, et le mec, je sais pas d'où il est apparu, ce connard, et je fais une marche arrière, bam! Et le mec, il me rentre dedans. Mais tu sais pas quoi. Mais c'est quoi, c'était le mec, c'était un piéton? Non, c'est ah ouais. Le grand, c'est quand tu racontes le truc, bam, il est mort. Connard, voilà, voiture. Hop, oh bah là, j'ai coupé constat, les jambes. Tu sais, le mec, il a mis qu'il m'a heurté par l'arrière, parce qu'en fait, il m'a tapé dans l'arrière. Mais en fait, c'est moi qui j'ai. J'adorais. Dans le pot. Et moi, j'ai pas mis que j'ai fait une marche arrière, donc du coup, au niveau des croix, j'avais zéro, lui, il avait une et il a perdu son constat. D'accord. Mais alors, en fait, ta passion, c'est d'escroquer les gens. Ah ouais, non, les bons automobilistes qui t'ont rien demandé, sauf qui ont pas eu la chance de. Enfin, qui ont eu la malchance de te croiser. Sur la vie de ma mère, je juge de c'est le Belge, il fait le malin. Je lui dis qu'un jour ou l'autre, il va se faire attraper, ce connard. Attraper quoi? Le mec, il fait 150 euros. Peut-être le mec qui nous écoute ce soir, hein, d'ailleurs. Non, mais sa voiture toute pétée. Il m'a rappelé. Il y a forcément un mec. Non, mais il y a forcément un mec que tu vas, que t'as niqué. Un jour, tu vas avoir une bricole qui va t'arriver. Non, mais le mec, en plus, t'as pas de bol dans la vie. Déjà, physiquement, t'en as pas eu. Non mais le mec en plus j'étais cool avec lui, j'ai dit je te donne 150 euros pour réparer ta voiture. Voilà, je te suis son cadeau. Voilà, je te suis et je te laisse trop de balles. Non, sa voiture elle avait rien, le mec il m'a dit non 150 balles, je te les donne, je te pompe dans la caisse. Allez, casse-toi. Ils ont fait le constat, c'est lui qui a rempli son constat. Voilà, j'ai... finition à la bouche. Maintenant le mec il sait pas remplir un constat, c'est pas ma faute. Voilà, hein. Tu m'envoies tout dans la gueule, 150 balles. Après il m'a rappelé 6 fois, j'ai dit que j'avais plus le constat. Voilà, c'est un prendre ou à lécher. Bon, si t'as un à lécher. Si t'as un autre problème de voiture, n'hésite pas à nous rappeler, Célian, quand tu veux, Cédric est là tous les soirs. Merci Célian. Ouais, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison, c'est parti. En tout cas, ce qui est sympa avec Cédric, c'est le mec qui est content avec toi, c'est ton garagiste. Ouais. Vous avez des problèmes de scooter, de pièces, tout ça, appelez-nous, 41759 pour les messages, l'appli Skyrock. Hallucinant. Et le 01 53 40 30 20, hallucinant. Ah, mais le mec, voilà. Il va m'arranger, il va me faire une portière gratuite. Une portière. Ah, bah, c'est quoi, tu vas la mettre où, sur le toit, parce que si t'en as déjà deux. Mais non, il va me la refaire, parce que la mienne, elle a un peu griffée. La mienne, elle est griffée, il va me la refaire un cadeau, il m'a dit, ah, je te fais cadeau. Eh ben magnifique. Tu sais, il va te faire une blague, il va te la plein de roses. Non, c'est le mec qui va écrire voter Romano. Rose bonbon. Ouais, ok, ouais. Faut pas dire. Ouais, très bien. Allez, Romano. Ouais. T'inquiète pas, ouais. Eh ben, tu vas avoir une super caisse, Cédric. Ouais, franchement, tuné. La classe. On se balance SCH, on écoutera du Drake tout à l'heure. MHD aussi. On a passé un super moment avec Jules, mais attention, la soirée n'est pas finie. Dans un instant, Capucine arrive du 78 pour les réactions par un sujet dont on a parlé juste avant Jules tout à l'heure, le BDSM. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pour ceux qui savent pas, on en reparle tout de suite. Bandage, domination, sadomasochisme. Absolument, oui. Vas-y. Et puis le problème du mois, je pense que la fin d'émission va être chaude ce soir. Hein. Absolument. Allez, allô maman, on sort SCH tout de suite sur Sky. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Morning show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le Foot Champion, mon frère! Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Conjuring 2, Luca Enfield. Ils appellent ça l'Amityville Angle. Le retour du film d'horreur le plus marquant de la décennie. Allez-vous-en tout de suite. La voix sur cet enregistrement est celle d'une petite fille de 11 ans. Ne pas y croire, ne vous sauvera pas. Tout va bien, Janet? Ne m'appelez pas, Janet. Oserez-vous venir? Conjuring 2, Luca Enfield, le 29 juin au cinéma. Avec Skyrock. Hit it, Skyrock. Hey Steph, tu connais la différence entre les deux? T'en as pas marre des blagues, sérieux? Bah je m'entraîne, c'est pour le concours Yax. Le concours Yax? Bah ouais, il y a 2 séjours au Maroc à gagner pour le Yax le plus marrant. Sérieux? Non mais je vais aller télécharger Yax, moi aussi je veux partir au soleil. En plus, vu le niveau de tes blagues... Vas-y, promis, si je gagne, je t'offre le deuxième billet. Télécharge Yax, publie un Yax vraiment drôle et pars en vacances avec Yax, YAX. Concert. Skyrock. Yeah, yo. Bitch, but I have my money. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice, le 19 au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les premières places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Et attention, c'est reparti sur Sky. Il est quelle heure? Il est 23h. Non, c'était les pubs de 22h18 qu'on vient de passer. Ah merde, on a un peu de retard. Oh, c'est à peu près les mêmes qui devaient passer à cette heure-là. Ouais, on mettra les pubs de 23h à 23h30. Je les mettrai demain matin, celle-là. C'est ça. Ah, d'accord. Je les cale pour demain, celle-là. Très bien. Non, mais on récupérera les pubs. Non, mais je crois qu'il y a. En l'occurrence, c'était. Ouais, bon, je vais faire le point. Ouais, c'est pas grave. Voilà, je vais faire le point. T'as préparé CH? Ouais, c'est bon, il est là. C'est parti. On n'a pas mis les pubs tout à l'heure. Non. Ah, bah c'est pour ça. Voilà, on avait un peu de retard. Bah, vous avez une heure sans pub, comme ça, gratos, sur Sky, offert pour la maison. Eh ouais, c'est super. SCH, allô, maman. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. J'pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, j'serai partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. J'reviendrai, tu seras distante, mais j'sais toujours te faire rire. J'saurais toujours te faire crier, j'saurais toujours te faire pire. Non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, j'me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, t'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo. Ça va pas fort, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. T'aurais pas, allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, j'me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. Ouais, maman, ça va. Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Pardon. Allô maman, sur Skyrock, c'était le son de SCH. Come on! 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Faites marrant avec vos questions. Vous demandez si on se prend parfois la tête dans l'équipe, mais bien sûr que oui. Là, par exemple, la Romano vient d'être désagréable avec moi. Vraiment une merde. Je lui demande une feuille parce que j'ai envie d'écrire. Oui, t'as j'aime écrire. J'aime écrire pendant l'émission, pendant que vous nous parlez. J'écris sur ce que vous nous dites. J'écris. C'est ça, ouais. Et donc, je lui demande une feuille. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ouais, bah ouais, après, tu me suces la bite. Voilà, après, non, ça. Je te suce la bite. Voilà, c'est ça. Non, mais t'as pas gratté qu'une feuille. Genre, non, un stylo. Ouais, parce qu'il voulait écrire aussi. Ouais, c'est ça. Tous les matins, il me pique 10 clopes. Je dis rien. Tous les soirs, je lui demande une feuille. Le mec me casse les couilles. 10 clopes, exagère pas. Mais si, gros. Ah. C'est le kit d'oeil, t'en donnes 4 et t'en voles 6 en scred. Espèce de mytho. Ah ouais. Allô, merci Cédric de balancer. Non, c'est même pas vrai. Et Cédric, tu ferais bien te regarder ton stock de canettes parce qu'il y a de la fauche. Je te le dis, c'est entre nous. Non, mais t'inquiète pas, je mets de l'enquête. De toute façon, il y a une clé sur le frigo, je vais fermer maintenant. Ah, voilà. À 9h, je vais fermer. Bienvenue chez les dingues. Non, ça tombe bien, on est jeudi soir, il y a le problème du mois qui arrive. Tu nous prépares le problème du mois, le sommaire, on vous le fait tout de suite. Il est encore 11h05, on aura rien à vous offrir avant minuit. Ouais. C'est évidemment sur Skyrock que ça se passe. Concert Skyrock, ça approche, ça y est. Dans moins d'un mois, elle est là, elle est en France. Et Rihanna, vous la gagnez. Dans la roulette. Elle commence par Nice. Ouais. 15 juillet. Et après, elle file à Lyon. Et après, elle file à Lille. Et elle termine par Paris. Vos places à gagner pour toutes les dates. Ce sera d'ici minuit dans l'émission. Mais d'ici là, il va se passer plein de choses. On a Capucine au téléphone avec nous, qu'on va prendre en direct. Et juste après, on fait donc le sommaire du problème du mois que vous attendez tous. On va parler de plein de choses. Bon, tu nous dis dans un instant. Je vais te demander le sommaire. Mais le sommaire, on le fait dans deux minutes. Là. Salut Capucine. Excuse-nous de t'avoir fait attendre. Mais il y a eu Jules. On a fait plein de choses depuis le début de l'émission. Et t'as été patiente. Mais ouais, carrément, mais il n'y a pas de soucis. Ah ouais, t'as été patient, toi. Oui, tu. Ça fait au moins bien. Bah, à la limite, t'écoutais l'émission au téléphone. Bah voilà, mais ça fait. Ça change. J'ai 1h28 et 24, j'ai quitté. Très bien. Bon, mets-toi, je sais pas, enlève le kit main libre ou mets-toi un endroit où t'entends bien, fais quelque chose. pour qu'on profite à fond de ton histoire BDSM. Absolument, ouais. Bondage, domination, sadomasochisme. Et on en parle parce qu'on a eu tout à l'heure au téléphone un Stéphanois. Stéphanois qui avait découvert une nouvelle passion, le BDSM. Donc lui, il s'était fait cravacher le cul, c'est ça qu'il nous avait dit. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Et c'est crazy qu'on a eu tout à l'heure en début d'émission. Mmh. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Marie, le BDSM, tout ça. Non, pas du tout, non. Non, pas du tout, toi aussi. Moi, j'aime bien qu'on s'y câlin un peu. Oui, non, mais c'est bien aussi. Il y a un petit peu de temps en temps, mais bon, sans forcément se prendre des coups de fouet ou tu vois, genre alors, de conneries, quoi. C'est bien que t'appelles Capucine. Ah, une bonne fessée, Marie. Une bonne fessée, tiens, voilà, c'est parti. Non, t'aimes pas? Putain, non, pas fan. Faire tirer les cheveux. Non, mais en levrette, on attend. En levrette, tu. Non. Jamais un mec te tape sur le cul en levrette. On l'a déjà fait, mais. Quand même. Mais c'est pas un truc qui me fait kiffer plus que ça. Te faire stranguler. Hein? Non, mais pas Karim, Karim, quand il baisse, c'est un serial killer. Tu l'as entendu ou quoi? Le mec est complètement. Non, mais ouais, malade. Genre, tu sais, il te ken et il t'étrangle en même temps, quoi. Ah, non. Jamais. Non, mais tirer les cheveux, non, Marie, non, ouais, tu vois. Mais si, ça m'est déjà arrivé. Ah, je suis entouré par des tarés, Capucine. Mais. Non, moi, j'ai les trucs qui font mal. Ah, non, mais. Ah non, mais moi, tirer les cheveux, c'est juste le rêve. Hein. Ah, tu vois, tu tires les cheveux ou tu te fais tirer les cheveux? Non, moi, je suis si pas tu tires les cheveux, par exemple, tu pourrais pas coucher avec Romano. Non. Il lui a arraché le skin les derniers. Non, mais attends, merde. Non, mais attends, je comprends plus rien là. Oh. Non, mais toi, t'aimes bien te faire tirer les cheveux, concrètement. Ouais, carrément. Voilà, ouais. Ouais, t'aimes bien quand c'est un peu. Quand c'est un petit peu. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est agréable, ça, tu vois. Tu veux que je te les tire? Non, mais moi j'en ai plus, mais. mais j'avais. Tu veux pas qu'on fasse semblant, je te prends les vrais. Non, mais ça, il fallait avec Cédric. Ça va aller. Oh, s'il te plaît. Et toi, t'as 19 ans, j'ai l'impression qu'on découvre ça un peu plus tard, moi, dans l'âge. Mais bon, pas oui, forcément. Mais en fait, pour tout vous dire là, j'ai commencé à 13 ans. Donc la première relation sexuelle que t'as eue avec un garçon, t'avais 13 ans. Voilà. D'accord. Mais le mec était plus vieux. Quoi? Le mec était plus vieux que toi? Oh là, non, il avait mon âge. Ah non, ouais. Donc, okay. Ouais, c'était une relation normale avec un mec de ton âge. Voilà, après, j'ai eu que des relations pas sérieuses. Ouais. Et là, toujours ça avec... fait deux. Comment? Toujours avec des mecs de ton âge, du bahut, du quartier. Ah non, pas du tout, non. pas du tout. La trentaine, 20 ans. Mais quoi, entre 20 et 30 ans. T'avais quel âge quand tu sortais avec des mecs de 20, 30 ans? J'avais 14-15 ans. Oh là, dis rien. Ah, non. Chut, Capucine. Oh là, dis rien, s'il te plaît. On va être grillé. Oh là, je vais avoir des soucis. T'en avais parlé, je sais pas, tes copines. Bon, évidemment, t'as dû en parler à quelques copines. Comment elles ont réagi quand elles ont vu que tu sortais avec des mecs de 30 ans? Elles disaient, ah putain, t'as trop de la chance. Ou alors elles te faisaient, les mecs sont pas un peu pédos? Absolument. Non, pas du tout. Non, en fait, je le gardais pour moi. Mais tu sais, plus vieille que ton âge. Comment? Tu faisais quand même plus vieille que ton âge. Est-ce que tu faisais plus vieille que ton âge? Oui, putain, absolument. Très belle question, Zifou. Toi, Romano, tu me dis, la prochaine fois, tu m'écris. Je dis, ok, on ne parle pas, moi, en fait. Ouais, je fais plus vieille que mon âge. Ouais, parce que sinon, ça fait vraiment pédo, en l'occurrence. Bah oui. Et ils savaient que t'avais 14 ans ou pas? Non. D'accord, tu leur disais pas, tu te faisais passer pour plus vieille. Voilà, exactement, mais je m'en foutais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le cul. Voilà. Ah ouais, déjà, à 14 ans, t'étais comme ça. Ah ouais, déjà direct. Tu cherchais pas l'amour, tu cherchais pas le prince charmant, comme plein de meufs. Bah non, il existe pas. Peut-être qu'il se pointera à 25 ans, hein, qui sait, on sait pas. D'accord, ouais, tu trouveras, tu te casses pas la tête. Ouais, tu te prends pas la tête, ouais. Et donc, les relations un peu sadomaso, tout ça, t'as découvert ça quand? Eh bah, j'ai découvert ça avec mon copain Yanis, que j'embrasse très fort. Salut Yanis. Qui est pas avec moi là. Quel âge il a, lui? 70 ans? Non, il a 21 ans et en fait, 19 maintenant, donc c'est vrai. Ouais. Voilà, donc je me suis assagie un petit peu et en fait, ça fait 2 ans qu'on est en couple et au début, je n'osais pas trop on faisait l'amour et tout, mais il me faisait pas trop. C'était pas trop kiffer, bestial, enfin. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et du coup, je m'entends en écho. Ah, bah coupe la radio. Ah, mais c'est peut-être dans le téléphone que fois ça arrive, ça. Ah, alors ne coupe pas le téléphone parce que sinon on s'entend plus, ouais. Ça, c'est désagréable, ouais. Et j'en étais où? Tu en étais que t'étais avec ton mec Yanis. Non, mais complètement. Que Yanis, il était super, qu'au début tu couchais avec lui, mais c'était pas. Il te regarde pas trop au lit. Voilà, et qu'à un moment, il s'était passé un truc et on en était là. Voilà, il m'a dit, écoute, voilà, moi, c'est le SM que j'aime. C'est le SM que j'aime. Waouh, c'est un bête de slogan, ça. Ah ouais, c'est le SM, j'aime. C'est ce que j'aime. Et là, il t'a pas fait flipper, t'as réagi comment? Bah non, j'ai pas flippé parce qu'en fait, moi je t'explique, depuis mes 8 ans, ouais, je regarde des films de cul. Qu'est-ce que tu veux... Ouais. En fait, t'aurais dû les regarder un petit peu plus tard. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Je pense. C'est quand même spécial, t'es tombé. Ah ouais, parce que toi, t'es allé... Non, en fait, pour tout vous dire, à 8 ans, j'ai eu un abus sexuel. Et en fait, j'ai connu, du coup, le sexe comme ça. Et je voulais me renseigner sur ce qu'était vraiment le sexe. Et t'as eu un abus sexuel par qui? Par mon beau-père. Et tu en avais parlé à l'époque ou alors t'avais gardé ça? Non, pour toi, ma mère ou... est toujours pas au courant et je veux pas qu'elle soit au courant. Et pourquoi? Je veux la préserver. Parce que le beau-père, exactement, je veux la préserver. Mais parce que... toujours avec elle? Non, du tout. Ah, c'est pas eu votre vie, ouais, bah, ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux non, s'il était encore avec elle, je lui aurais dit. Hein. Ah oui, quand même, parce que tu vois, ah, oui, c'est vrai ouais, quand même depuis, non, un, fait, depuis un petit moment avec taré, quoi. Bah ouais, carrément. Et bref, et un jour, ça, en fait, j'étais sur un... C'est juste une petite parenthèse pour ça, parce que bon, t'en as parlé à personne, t'as gardé ça pour toi, comment t'as fait? Ouais, il y a Yannick qui est au courant, et voilà, c'est tout. Mais t'as jamais eu besoin d'en parler à quelqu'un, non? Bah, oh là là, je suis névrosée, hein, si vous saviez. Non, mais c'est-à-dire, aujourd'hui, t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton, dans ta vie avec les autres, avec les mecs, le cul, tout ouais, ça. Ouais, carrément. Si tu pratiques le SM aujourd'hui et que t'aimes bien ça, tout ça. Ouais, c'est, bon, que, t'es, bon. Oui, c'est que tu t'es ouais, par rapport à ça. Pas, hein. C'est ta vie, après, ça peut laisser des traces. C'est pour ça que je te demandais ça, en fait. Ouais, voilà. Mais bon, bref, moi, je suis solide, donc, y a pas de souci. Et, donc, j'ai commencé à regarder des films de cul à 8 ans. Et j'ai mis mes règles à 9 ans. Si vous checkez mon Facebook, j'avais les formes à 12 ans que j'ai aujourd'hui. Ah ouais, putain. Ah oui, t'étais formé vite. Voilà. Ah, mais ce qui t'est arrivé, à mon avis, ça a joué sur tout ça. Non, je pense, je sais pas comment ça marche, mais il est possible que ça ait changé, en tout cas, ta vie sexuelle, le fait que tu sortais avec des mecs plus âgés, parce que c'est vrai que de sortir à 14 ans avec un mec de 30 ans, le mec, il est dangereux quand même. Ah ouais, quand même. Et puis pour toi, ça peut être dangereux aussi, on sait jamais. Oui, on sait jamais. Ah ouais, ça, il y a des tarés. Tu peux tomber sur des tarés. Et avec ton Yanis, là, maintenant, c'est bien, vous êtes ensemble, comment ça se passe? Ouais, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Tu lui as raconté ton histoire ou pas? Je vais raconter mon histoire, mais j'ai une très longue histoire d'adolescence que je peux pas raconter à la radio. Non, mais je sais pas pourquoi tu me la racontes, c'est juste pour savoir si tu lui avais dit, si lui il était au courant de ce qui t'était arrivé à l'époque, tout ça. Ouais, il est au courant et voilà. Et ça t'a fait du bien d'en parler d'avoir quelqu'un qui t'avait confiance et à qui t'en parle. Je dis ça pour les nanas qui s'est arrivé, ou les mecs d'ailleurs à qui s'est arrivé. Hein. Ouais, c'est bien dans, ouais, si bah, vous n'allez pas bien. Moi, très clairement, je suis suivie par un psychiatre à Paris. C'est mieux. C'est bien, ouais. C'était ma prochaine question, tu sais, ça. Tu m'as grillé ma prochaine question. Et bim. Et oui, j'ai un 6e sens aussi. D'accord, c'est bien. Bravo, Capucine. Donc, donc aujourd'hui, ça va. Et donc, et vous habitez ensemble avec ton copain? Non, on n'habite pas ensemble. On habite juste à côté. Moi, je suis à Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Et lui, il a monté son. Oui, donc ça va. Ouais, vous êtes pas très loin. Oui, donc vous voyez souvent, oui. Et alors, pour revenir au BDSM aujourd'hui, vous allez jusqu'où? C'est quoi le truc le plus chaud que t'aies fait? Pas forcément le plus hard, hein, mais le plus chaud qui t'a le plus excité? Alors, ouais, ça peut passer dans les problèmes du mois quand même. Ah, ça tombe bien. Ça va, trop de vie, c'est bien, tu vois. Écoute-moi, ce qui m'a fait le. Ah, c'est l'écho encore. C'est l'écho dans. Tu nous dis que le suspense, on est bouillant. Ah ouais, vas-y, Il y a l'écho dans le téléphone. C'est que mon mec me pisse dans le cul. D'accord, très bien. En effet, ça peut rentrer dans un problème du mois, tout à fait. Ah ben, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Donc très bien. Ah ouais, Romano, il est heureux là. Noir, quoi. Très bien. Je sais pas que j'étais un peu excité juste avant, mais là c'est retombé d'un coup comme ça. Ça calme, voilà. Tu veux, je peux t'exciter, Romano. Non, ça va. Je te remercie. Non, mais moi ça va, ça m'excite déjà. Bon, en tout cas, merci Capucine. Tu feras une bise à ton Yannis. C'est vrai, quand ça se passe dans le couple, chacun fait ce qu'il veut. En même temps, quand on a pas de toilette. Ça dépanne. C'est pratique. T'es sur la route. Non, mais c'est rassurant que tu sois suivi par quelqu'un, que tu puisses parler de tes problèmes, que ton mec soit au courant, c'est bien aussi. On te fait une bise. En tout cas, tu as beaucoup excité Samy. Non, je dis vous mieux. Ah, j'adore. Ouais, voilà. Je vais le faire dans le cul d'un Parisien. Non. Viens voir, Karim. On écarte ton cul. Laisse-moi entendre ça. Samy, 10 balles. 10 balles. C'est la soirée, Karim. Vas-y, 10 balles, tu me pisses dans le cul. Allez, c'est parti. Pourquoi pas moi? Moi, je fais gratos. Non, ça va aller. Bon, Capucine, merci du coup de fil. En tout cas, merci de ton témoignage qui était étonnant parce que on s'attendait pas à ça. Ouais. Bon, en tout cas, t'es suivi, tu te sens mieux aujourd'hui, t'as un mec qui t'aime. Avec ta maman, ça va? Avec ma maman, ça va super bien. Je l'embrasse très fort. Elle m'écoute pas, mais vive la Corse et vive l'Italie. Vive la Corse et vive l'Italie. Et heureusement, heureusement que ta maman ne nous écoute pas. Elle serait trop bien. Mais là, sinon, tu vois, elle sera en malaise. Donc. Voilà. Faut garder ça pour toi. On t'embrasse, Capucine. Bisous et quitte pas. Bisous, Capucine. On t'en prend tout de suite. Tu bouges pas. Et le problème du mois, bah, tiens, c'était une belle introduction. La barre a été bisous. Je crois que les problèmes du mois vont sembler soft ce soir. Ouais, putain, ouais. Vous avez vu la photo ou pas? Qui? La photo. Avec Jules, de l'équipe avec Jules, là, sur l'escalade. Ah, là, je vais voir. Romano, t'as une de tête de violeur, gros. Tu vois? Ah ouais. Voilà, la tête de Romano. Ah ouais, ouais. Salut mon petit blanc. En fait, le pauvre, il a les lampes qui sont qui sont vraiment. Mais non, mais on dirait que tu t'es incrusté ou quoi. On a des lampes hôpital. Vous m'avez pas laissé de place. Alors, tu peux aller sur Insta. Va sur Insta. Je suis tout en tout petit, moi. Mais regarde la tête de pointeur qu'il a. Non, j'avoue, on dirait un vieux, tu sais, qui s'est incrusté comme ça. La gueule. Tu peux remercier Romain des réseaux sociaux. C'est lui-même qui l'a fait. Non, mais tiens, en même temps, bon, formé par Momo. C'est vrai. Sacré reste, quoi. C'est vrai, c'est bien. Il perpétue une tradition et merci, Romain. Merci, Romain. Elle est en gros, là. Mais t'es vraiment complètement con. Ah, ce mec-là, il a un problème. Déjà, par soir. Il a pris 25 photos en plus. Hein. Ah, mais ouais. Non, mais t'as sans doute mis la meilleure. Attendez, vous êtes 11 sur la photo. On peut pas réussir une photo avec 11 personnes sur une même photo. Bah, écoute, je vais te répondre, quelqu'un de compétent, si. Bravo. Bravo. Bon, on fait le problème du mois, c'est parti. Bon, allez, c'est parti, là. Alors, votre problème du mois. Vas-y, tu veux pas me masquer mon visage? Je préfère limiter sur la photo. Non, mais ça prend encore plus violeur, gros. Ah ouais, on a caché sa tête. Alors, problème du mois. Bon, on explique le problème du mois. Qu'est-ce que c'est? C'est tous les jeudis soirs. Bon, alors, ouais, on a été voir sur internet. Oui. Il y a des forums. Les gens écrivent, ils ont des problèmes. Et tu m'as pas donné ma feuille pour écrire? Ah non, parce que je me suis fait couiller. Karim, il m'en a pris une. Alors, vous démerdez, vous la partagez. Ah, bon, ça y est, j'ai écrit gros dessus. Franchement, maintenant, tu me donnes, je te donne 10 balles par jour. C'est 10 balles. Hein? Je te donne 10 clopes par jour. Non, mais ça, c'est pas vrai, hein. Mais si, c'est vrai. Mais si, c'est vrai. Non, mais alors, je vais t'expliquer. Avec Cariole, le matin, on vient avec 3 clopes chacun. Voilà. En ce moment, on est très excités, donc on fume un peu plus. Donc, on tape dans ton paquet. Ouais. Mais moi je me disais mais putain c'est la folie, je fume 2 paquets par jour. Non je fume pas 2 paquets par jour. Non mais déjà je fume 10 clopes par jour. Moi je comprends pas, c'est pourquoi tu prends pas des paquets de 20 au lieu des paquets de 10, quoi. Parce qu'il y a des cons qui me volent mes cigarettes et quand j'ai un paquet de 10, ils m'en volent moins. Prends des paquets de 20 demain, mais un paquet de 20. À chaque fois que tu te fais un café, ouais, prends ton paquet avec toi, tu vois. Je jure quand tu vas faire un café. Alors là, vas-y, tu sais quoi, bah je jure sur le mec qui fait tout du studio, pas toujours. Ça, c'est les conseils pas chers. Comment faire pour voler les cigarettes à des amis? Mais tu vas pas croire, c'est enculé. Et quand c'est pas lui, c'est Cariole, gros. Je te jure. Non, mais je le fais devant toi. Non, pas tout le temps. Ouais. Deux fois, tu lui demandes devant lui et tout le reste, tu les prends. Non, mais ça va, j'en prends pas. Cédric, du matin, je te nomme balance d'or de la soirée. Non, mais t'es vraiment une grosse pute. Alors, vous entendez, Cédric est une grosse balance et en plus, un spoiler de fin de série. Ça se fait pas de voler ses amis. Eh ben, demain, votez Romano. Je sais pas, je vole pas mes amis. On l'encule à sec. Regardez, Romano, c'est un voleur, même ses amis, il les vole. Tiens, tu me dégoûtes. Des cigarettes, quoi, t'as pas honte. T'as pas honte, hein. Franchement. Bon, allez, problème du mois. J'ai une clope, hein. Je suis pas non plus en train de vider son appart. Hein. Je sais pas, gros. Pas c'est pas aimable. Ça sera la dernière. Hein. Ah, merci, Romano. Il a été... C'est pour écrire les problèmes du mois, parce que je note les problèmes du mois. Attends, t'as revendu une clope. Ah, t'as vu, regarde, j'étais. 5 problèmes du mois, vous notez comme moi et vous votez pour le problème du mois. Demain, un paquet de 20. Demain, je vais lui amener un paquet vite. J'en ai un paquet de 20. Tu sais quoi? Demain matin, je t'envoie un message au réveil. Pas de problème. Ah, ouais, ça, j'ai un paquet. Il reste deux clubs dedans. Il a un autre paquet qui est plein, par contre. Non, mais je sais, c'est dans la poche avant de son sac. Si vous avez des amis escrocs, des amis voleurs, bah écoutez, je compatis avec vous. Je connais ce gris qui te les ça aussi. Alors, c'est parti. Bon, tu peux fermer ta gueule, merci. Comment tu parles à Dieu? Non, c'est à toi que je parle, c'est à toi. Je vais me lever, je vais t'en coller une, moi. Alors, t'arrives même plus à te lever, moi. Ouais, t'inquiète pas, je suis arrivé à me lever. T'es pas monté sur le scout, Cédric? Non. Il aurait dégonflé. Le scout, il voulait pas, je suis désolé. Ils sont encore là, les scouts? Ouais, ils sont en bas, ouais. C'est vrai qu'il fait une démo avant minuit. Ou avant, ou arrière, moi, mon pote. Bon, alors. Ou avant, ou arrière? En W, pas en Y, moi. En W, il va claquer le sol. Les deux jambes écartées. Mais vas-y, saut de l'ange. Tu veux pas le faire? Moi, le moment où je rigole le plus, c'est quand tu tombes. Et là, je penserai à la caution qui s'envole. Tu sais qu'à un moment, t'as fait être niqué avec lui. Vous avez fait vous manger le trottoir. Ah, mais j'ai bien vu. C'est à ce moment-là que j'ai dit qu'on arrêtait. Il y a les vidéos qui sont déjà sur les réseaux ou pas encore? Bah, nous, on a vu le direct là. que Karim filmait. Sur le Facebook. Ouais, il y a une vidéo de freestyle sur K2000. On peut la remater, ouais. Ah, il y a déjà le freestyle de K2000, on vous mettra les scouts. Non, mais les scouts, ça y est, sur Facebook Live, en fait, tu peux la regarder. Et puis, il y a aussi la vidéo de la langue de Karim qui caresse la chaise de Cédric. Ah, ça, j'aimerais bien l'avoir. Magnifique. Ah, magnifique, ouais. J'ai gagné 10 balles. Alors. Je pense que j'ai pété dessus le On passe au problème du mois. Il y en a 5. Commence par le premier. Désiré. Désiré, quoi? C'est son prénom. Ah. Il a 27 ans, il est de Nancy. Désiré, il a écrit à Doctissimo, rubrique fantasme. Oui. Alors en fait, lui, il se masturbe chez les gens. Oui, hein, mais par exemple, tu l'invites chez toi, le mec va se masturber. Bon, pas devant toi. Hein. Ouais, genre aux toilettes. Là, il est quand même un minimum c'est pudique. C'est au moins ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il a dormi chez un pote et il a pas pu s'empêcher, il s'est branlé dans le caleçon du pote. Pourquoi? Bah parce que ça l'excitait. Et maintenant, à chaque fois qu'il va chez quelqu'un, il se branle dans les sous-vêtements ou les habits ou les un peu dans ce qu'il trouve, mais un truc vestimentaire quoi. T'imagines, Cédric, t'as un super pote qui vient chez toi et puis je sais pas, il vient plusieurs reprises, tu remarques que tu prends tes fringues, elles sont un peu humides. Et puis un jour, tu le chopes en train de se branler, je ne sais pas, par exemple, dans ton T-shirt Louis Vuitton à 250 €. Non, 400. Ah, pardon. 400 €. Putain, c'est pire en pire. 400 un T-shirt. En coton. Ouais. Mais 400 balles, putain, t'es ouf. T'es complètement taré. 400 balles. Bah, j'achète 6 paires de pompes. Ouais, 5 clair. Paires de pompes. Mais c'est l'argent que tu fous dans tes clubs, gros. Mais moi, j'ai pas. Je me passe ça par moi. Non, mais en... Voilà, tu trouves le mec, il se branle. Ah, je le défonce, dans ton t-shirt Louis Vuitton à 400 €. Ah, sur la vie de ma mère, je le défonce. Voilà, bah pourquoi tu m'as pas demandé que je te suce? Voilà, voilà. Je m'attache au t-shirt. J'avale tout. Ah, c'est gros, quoi, je te défonce, hein. Hein? Ah, tu fais ça, je te défonce. Non, mais pourquoi tu veux que Romano, il s'appelle? Non, mais un pote, je m'appelle pas Désiré, tu sais. Ouais, je l'imagine. Je suis pas le mec, non, mais ça va, je suis pas tordu à ce point-là. Pour moi, c'est quand même. Si, t'es tordu. Non, mais oui, peut-être, mais pas à ce niveau-là. Donc lui, il se branle dans les fringues des potes, c'est problème du mois numéro 1. Et aussi, alors, ça a déjà arrivé. Bon là, il y a chez un mec, ça s'est mal passé parce qu'en fait, il a dormi chez un pote qui avait une meuf et le pote l'a surpris en train de se branler dans les sous-vêtements de sa meuf. Ah d'accord, donc garçon, fille, prends. Ouais, bon là, par contre, il raconte que ça s'est extrêmement mal passé. Ah, ben, ça, j'imagine. Je peux même vous dire qu'il y a eu de la violence. Ouais. Bon, à savoir plus. Et pas seulement verbal. Eh bien, il faudra choisir le numéro 1. Numéro 1. Donc, c'est l'autre qui se branle, voilà. Voilà. Bon, numéro 2, c'est Julien de Paris, les créateurs de Doxissimo. Je voudrais m'adresser aux gens de Doxissimo qui ont inventé le nom Doxissimo, c'est trop long. Ouais. C'est dur à prononcer, il faut réduire Dox, ça fait un truc, ou Docto. C'est. Doctissimo. C'est Julien. Attends, j'étais en train de réfléchir. Julien, donc. Ouais, Julien. Donc, de Paris, il a écrit à Doctissimo, là, rubrique addiction sexuelle. Ah, ben, Marie est contente, tu vois. Non, mais t'as réussi à le dire. Ah, ouais. Il a réussi à dire le mot. Eh ouais. Bon, alors lui, il est accro au hentai. Ah. Les films de cul, les mangas en fait. Les mangas de cul. Ouais. Les mangas de cul. Et donc il est devenu complètement accro à ça, donc il passe des heures à se branler et il s'habille par exemple en Dragon Ball. Hein, il a investi dans un costume. Il a investi dans un costume et il fait des trucs, tu sais, genre il traîne sur les sites genre de chatroulette et il se masturbe à la cam. Il sort sa queue de son costume de Dragon Ball. Ouais, c'est ça, et il se masturbe comme ça et maintenant il essaie de faire des rencontres avec des filles. Bon, il arrive à rencontrer, c'est souvent au moment où il aborde ce truc ou alors quand elles viennent chez lui et qu'il est habillé comme ça, il y a des fois souvent même un blocage. Oui, ils comprennent pas. Ouais, c'est ça. Elles se barrent souvent. Ils comprennent pas sa passion. Et donc il aimerait essayer de faire accepter ça plus par les gens et surtout par les meufs qui l'essaient. Bien sûr. C'est Julien, c'est le problème du mois numéro 2. Alors, numéro 3, c'est Solène d'Annecy. Alors là, elle est désespérée. La pauvre. Bon, alors... avant de se marier. Ok. Avant de se marier, elle arrive à se faire baiser. Depuis la nuit de noces, elle a la chatte, mais ça n'entre plus. Gros, ça se fait. Mais la chatte s'est refermée au mariage. Ah non, mais elle a été voir des médecins. Alors, elle pensait qu'elle était victime de vaginisme. Vaginisme, c'est en gros la chatte. La chatte qui se ferme. Ouais, la chatte, elle se ferme à l'arrivée de la bite. Oui. Eh ben, le médecin, bon, alors, par contre, le médecin lui a donné des exercices à faire. Il faut qu'elle se doite sous la douche, par exemple. Bien sûr. Ah ouais? Mais c'est clair, c'est évident. Sous la douche? C'est chelou, son médecin. C'est pas le même médecin qui soignait les mal de dos en léchant des chattes, là? Oui. De Nice, ouais, là, ouais, c'est lui. Lui, il y a eu son procès la semaine dernière. Donc elle a été voir son gynécologue, il lui a donné plein de méthodes. Pour le moment rien ne fonctionne, son mec commence à plus en pouvoir. Bon, elle se fait sodomiser de temps en temps, ah, mais quand même, quand même. Ah bah c'est le par son médecin, c'est sur ordonnance. Mais elle est c'est le gynécologue qui s'en occupe. Ouais, c'est ça. Attendez madame, je vous décoincer la chatte en vous enculant. Et c'est médical. Hein. Du coup, elle aimerait bien trouver des solutions, elle se demande si les techniques du gynéco sont bonnes. Elle est très inquiète et surtout elle aimerait bien réussir à se faire niquer quoi. Mais bien sûr, c'est le problème de Solène. Elle en peut plus. Solène et sa chatte fermée. C'est noté après le mariage. Alors attention, ensuite nous passons dans la rubrique un peu télé-shopping. Ah. C'est Laurence de Favernet dans le 70. Merci pour la musique, le jingle. De rien. Elle écrit au forum Pandodépendance. C'est comment Florence ? Ouais, Florence. Alors Laurence, pardon, Laurence. Florence. Alors elle a un problème, c'est que son mec il veut baiser que dans le noir. Mais elle, quand elle suce, elle veut voir sa queue, tu vois. Elle est débile, elle n'a pas des yeux au fond de la gorge. Non mais quoi, ouais mais elle veut voir, tu vois, elle veut voir ce qu'elle fait quoi. Elle veut voir ce qu'elle fait et tout ça quoi. Alors elle a trouvé sur internet l'Oral Sex Light. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un genre un petit casque que tu installes avec une loupiote LED quand même. Et mais LED comment? LED comme Cédric évidemment. Et en fait ça éclaire le sexe ou alors par exemple quand tu souhaites explorer l'anus. Ça peut aussi éclairer l'anus. C'est quoi? C'est comme une lampe de spéléo. Un petit peu mais tu vois, voyez les casques, les micros qu'ont les animateurs la télé, les micros, tu sais, vers le visage, là, le petit truc. Oui, qui parle, là, oui. Ouais, bah, c'est un peu la même chose, sauf qu'au bout, c'est une loupiote. Ah, pas mal. LED. LED, mais LED comme comment Et donc, elle adore ça, son mec, lui, il bloque, il trouve ça. Il peut pas, il y arrive pas. C'est bizarre, oui. Ah bah... Il y arrive pas. Et elle, elle veut voir sa queue, et l'autre, il veut absolument pas baiser dans le jour. Donc, ils font chier aussi, les deux. Quel beau couple. Ah ouais, sacré couple de merde. Ah bah, ouais. C'est ça. Alors donc c'est Laurence avec son Oral Sex Light. Numéro 4, on passe au 5 maintenant. Si le dernier problème du mois est un peu choisi. Bon c'est le problème du mois boîte à caca, c'est le classique. Eh oui, évidemment. C'est Guy Emmanuel. C'est vrai que t'as pas de chance parce que le mec a un nom composé avec un nom. Guy Manuel. Ah Guy Manuel, Manuel comme Manuel Valls. C'est ça, et Guy comme Giroud. Et Guy comme Giroud, très bien. Guy Georges. Aussi comme Guy Georges. C'est ça. Super. La référence mon gars. C'est mieux. Et alors, qu'est-ce qu'il veut, Guy Manuel? Alors, il est dans le 03, lui. Mmh. Il a écrit sur le forum Palais de la Soumission. Ah. Alors, je connais, j'y vais souvent. Ça promet. J'adore. Alors, c'est un peu le truc pour l'euro, tu vois. Il adore jouer avec les ballons et son anus. Alors là, il s'est trouvé un super ballon, lui aussi, un objet du net. Le Bouncing Ball Fucker. Alors en fait c'est un gros ballon, tu sais, un gros ballon gonflable et sur plein d'endroits il y a des bites. La gueule du truc quoi. Et donc il le pose par terre et il le met dans l'euro ça. Et il s'assoit dessus sur des gags comme ça et donc ça lui fait extrêmement plaisir. Et extrêmement mal non? Ouais, et extrêmement mal au cul également. Bon alors le problème c'est que justement là-bas c'est des godes de plein de tailles différentes. Ouais. Et en fait le problème qu'il y a c'est qu'un jour le truc a roulé anormalement et en fait ça lui a déchiré le cul parce que le god en fait est parti de travers. Ah bah oui, c'est con. Ah ouais, c'est con. Et il n'ose pas aller voir le médecin mais depuis il est extrêmement mal à la. Il ne sait pas comment faire, c'est un peu le problème du mois Euro 2016. Est-ce qu'on pourrait avoir une photo de l'objet? Ouais, il y a une photo, ouais. Oui, parce que l'objet. Mais il est pas. Ouais. Attends, je vais t'en trouver une mieux. Je vais t'en trouver une mieux, Romain. Romain qui est déjà arrivé en courant, lui. Les objets sexuels, ça a l'air d'être intéressant. Ouais, il est bien le problème du mois. À chaque fois que ça parle de cul, truc bizarre, il est là. Direct. C'est bien. Je vois que tu es réactif, c'est bien. Donc, on va vous mettre ça et pendant ce temps, vous allez choisir parmi les 5 problèmes du mois celui que vous préférez. Le 1, donc, je fais un petit rappel rapide. Désiré qui se branche dans les fringues de potes ou de meufs ou de. Ou de meufs de potes. Il se branche chez les autres. Cédric, tiens, on t'a posé la question. Admettons, Karim dort chez toi. Ta meuf. Il a bien du courage. T'as une meuf. Ouais, déjà. T'as une meuf. Bon, alors, il faut aller vraiment être dans l'imaginaire. Bonjour, je suis éganté. Je dis des meufs, hein. T'as une meuf, elle laisse des affaires chez toi. Ouais. Et genre, la nuit, tu te réveilles et tu te trouves Karim en train de se branler, genre dans un string de ta meuf. Ah, je lui fous la gueule dans le mur. Mais pourquoi? Bah parce que tu te prends pas sur les affaires de ma meuf, t'as un foot. T'es violent quand même. Attends, normal. Bah, après, tu viens, branle-toi à côté de moi. Ah, bah non. Non, ça va pas être possible, mon gars. Bon, donc, 1, Désiré se branle dans les fringues de ses potes. 2, c'est l'accro au hentai, c'est Julien. Ouais, c'est ça, il se déguise aussi, hein. Voilà, en Dragon Ball, bien sûr. En 3, c'est Solène qui, a une chatte fermée depuis qu'elle s'est mariée. En 4, c'est Laurence avec l'Oral Sex Light. Son mec veut pas baiser dans le noir. Elle lui a trouvé l'Oral Sex Light. Ouais, avec son casque, là. Et en 5, c'est Guy Emmanuel et son ballon à bite. Oui, c'est ça, le ballon à bite. Qui c'est que vous choisissez? Eh bien, faut choisir, oui, 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est à vous de choisir, à vous de voter.

Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock, on écoute One Dance. Allez, c'est reparti. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Non, mais attends, c'est un truc de ouf. On vient encore essayer de me gratter une feuille. Bah ouais, c'est parce que tout le monde a beaucoup écrit. Vous écrivez vraiment des romans ou quoi? Ouais, ouais. Apparemment. Ouais, gros, moi, je note les problèmes du mois. Je sais qu'il y a Désiré, Julien, Solène, Laurence et Guy Manuel. Non, mais c'est bon, t'inquiète. J'ai calmé les ardeurs, j'ai annoncé le tarif maintenant. Ouais, ça y est. Le mec normal. Allez. Bon, le problème du mois, la réponse à la question qu'on se pose tous, lequel on a choisi. C'est dans quelques instants, faut vite speeder parce qu'il est quand même 23h37. On a plein de choses à faire. D'ailleurs, si vous voulez nous appeler, c'est au 01 53 40 30 20. Le 41 759 et l'appli Skyrock, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Non, mais on essaye encore de me gratter. Mais j'ai mal tombé. Je t'ai dit, t'arrives, gros. Moi, c'est la feuille, elle est là. Elle est prête à être sortie, mais tu connais le tarif. Il les vend 3 euros maintenant, les feuilles. Une feuille comme ça. 3 euros. 3 balles, pas mal. Normal, quoi. Ça fait pas chier, le mec. Normal. Bon, ça vote pour le 2, pour le 5, pour le 1. Le 1, sans hésitation. Ah, c'est Désiré qui se branle, enfin, qui se branle dans les affaires de ses potes. Ah ouais, dégueulasse. Je vote pour le ballon beat, trop cool comme objet. Ça plaît beaucoup à Ben du 24. Lise vote pour le numéro 3, Alex pour le numéro 5. Ils auraient dû faire c'est le ballon beat. Ils auraient dû faire ça en mascotte de l'Euro. Mais oui, un ballon beat. C'est clair. Ça aurait cartonné, ça. Ah bah, ça aurait cartonné, sûr. Team Romano, 63, 20 ans. Je vote pour le premier numéro 5. Le 3. Putain, il n'y a pas beaucoup de votes pour Mentai, d'après ce que je vois là depuis tout à l'heure. Le 1, ah si, le 2, pour Soso, 18 ans. Allez, full, pour 50 balles, je te le fais en privé. Non, c'est bon, ça va. J'ai déjà dépensé 10 euros à Karim tout à l'heure. Si le numéro 2, pour Flix, je vote le Barcelonais pour numéro 5. On va voir. Les comptes, on les fait et on en reparle dans un instant. Problème du mois. On fait le journal des Bleus, de l'Euro, de la Coupe du Monde. Allez, avant les pronostics de la chatte de Marie demain. Oui, c'est l'animal qui va pronostiquer. Marie, il y a intérêt à assurer. Hein. Pour moi, les seuls qu'on peut assurer, c'est. Non, ils n'avaient pas fait bon, les cafards. C'est les cafards qui ont passé. Les cafards, ils ont fait de la merde. Non, mais j'espère qu'elle va pas se. Parce que c'est une grosse, hein. C'est une grosse chatte. Mais elle bouge au moins. Oui, elle bouge, mais elle est bien capable de s'allonger comme une vieille merde pour se faire caresser sur le dos. Hein. Très bien. Je te le dis. Ça va être simple demain, tiens. Demain, dernière du morning en direct, à ne pas louper, entre 6h et 9h avec vos places justement pour la finale de l'Euro. Les pronostics de Kawa, la chatte de la Marie, les pronostics de Nénette, le chien de Romano et de Carriole. Après les pronostics de Blatard, le cafard. Ah, ouais. Et c'est tout ce qu'on a. Et la poule. Eh bah oui, la poule. Et oui. Cote la poule. Le cote la poule. Qui a chié partout dans le studio. Qui a chié partout, mais qui a fait des bons pronostics. Ah, c'est ça le prix. Donc, demain, vous connaîtrez avant 9h du matin les résultats du match des Bleus dimanche contre l'Irlande. Et c'est parti pour le journal des Bleus de l'Euro de la radio libre de Skyrock. Allez, c'est parti. L'Euro 2016. Journal des Bleus. Wouh. Samy sur Skyrock. Alors, les nouvelles du journal des Bleus. Alors, une rumeur a circulé toute la journée. Aha. Mais on va tout de suite rassurer, ça ne concernait aucun joueur de l'équipe de France. En fait, il y a des joueurs qui se sont fait attraper parce qu'ils ont parié sur des sites de paris sportifs. Ah ouais. Et c'est interdit, en fait, quand t'es professionnel, tu signes un truc. Comme quoi, t'as pas le droit, toi, ou ta comme famille. Karabatic. Exactement, les handballeurs. Ah oui, ce qui t'est arrivé au handball, ouais. Mais voilà, t'as pas le droit de jouer sur des sites, parier sur tes matchs, ou même sur d'autres matchs, t'as pas le droit. Et donc là, aujourd'hui, il y a des joueurs qui étaient convoqués, donc à la Ligue, à la France, parce qu'ils ont été cramés sur des sites de Paris. Donc on pensait qu'il allait avoir des bleus, tout ça. En fait, il y a aucun joueur de l'équipe de France. Bah, les journalistes ont dû être déçus. Aucun membre du staff de l'équipe de France. Non, mais tant mieux. Tant mieux, moi aussi, je suis content. Ouais. En fait, ça encore une nouvelle merde. Ouais, il y a un problème autour de l'équipe de France, tout va bien. Ça va, on a eu notre dose pendant quelques années. C'est clair. En fait, rien à voir avec l'équipe de France, c'est uniquement des joueurs de Nice et de Bordeaux, donc il y a une petite dizaine de joueurs et quelques membres du staff de Toulouse qui ont été convoqués. Donc en fait, ils vont prendre juste une petite amende de 1500 euros et deux matchs de suspension pour la nouvelle saison. C'est-à-dire que si tes joueurs ont été passionnés par les paris sportifs, tu peux pas jouer. T'as pas le droit, ouais, interdit. Et même ta famille, ta femme, machin, tes gosses, ils ont pas le droit. Personne n'a le droit. Ah ouais. Voilà. Bah en fait, sinon, imagine. Ouais, sinon, tu peux truquer. Tu fais exprès de perdre le match, t'encaisses l'argent, ça veut plus rien dire après. Tu vois. Donc c'est pas des bleus, rassurez-vous. Sinon, les bleus aujourd'hui sont entraînés à 15h. En fait, ils vont s'entraîner à 15h tous les jours jusqu'à dimanche pour être réglés sur l'heure du match de dimanche. C'est pas con. S'ils s'entraînent à 20h et qu'ils font la sieste à 15h, ils vont arriver dimanche, ils vont dormir sur le terrain. Allez, les gars, on fait l'entraînement à 2h du matin. Ouais, voilà, et voilà, c'est une blague. Et voilà. Allez, levez-vous, on fait un match. Bon, c'est un peu le bordel parce que du coup, ils doivent décaler les repas et donc les bleus se retrouvent pour bouffer à 11h30 pile le matin. Donc 11h30. Ah ouais, ça fait à 11h30, à eux, bah, c'est l'heure du dîner. Et voilà. Une petite blague. Et voilà. Après, on va se coucher. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'était entraînement à huis clos, donc il y a très peu d'informations qu'on filtrait. On sait juste que Didier Deschamps a travaillé les centres avec les deux latéraux. Evra et Sagna, donc peut-être pour travailler les centres, les buts de la tête pour Giroud. Giroud qui est complètement rétabli, qui s'est entraîné normalement. Ah, ça y est. Et attention, pour dimanche, il y a 4 joueurs qui risqueraient, en cas de qualification de la France, s'ils prennent un carton jaune contre l'Irlande, d'être suspendus le match d'après. Donc c'est Koscielny, Rami, Kanté et Giroud. Comme ils avaient déjà pris un carton jaune, si dimanche ils prennent un autre carton jaune, ils ratent automatiquement le match d'après si la France se qualifie. Et s'ils prennent un autre carton jaune, ça fait pas rouge. Non. D'accord. C'est juste s'ils ont un match parce que tu as pris comme ça plusieurs cartons dans la phase de groupe, plus en 8e, et hop, tu sautes un match. Une petite précision bien utile pour suivre le match de dimanche. Moi, j'en ai encore une bien bonne à vous dire, tiens. Juste à propos de Cédric, vous savez, on est filmé sur Facebook Live. Oui. La première image qu'on a vue sur le Facebook Live, c'est Samy qui démarre et Cédric derrière qui scure le nez. Oui, c'est assez phénoménal. Ah, tu cliques mon journal des deux. Attends, je veux voir ça. Merci Jérém du 69006 qui m'a envoyé le message personnellement. Romano, moi Cédric se curait le nez quand c'est comment ce journal des bleus. Ah ouais, il y a plein de messages. Voilà. Est-ce qu'on me voit quand je la mange? Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dommage. Bien joué Cédric. Mais quel porc. Faut que je voie ça, moi. Faut que je voie ça. Faut que t'apprennes à parler aussi. En Y. Voilà. Il y a un truc qui est pas mal, c'est l'école. C'est quoi ça? Alors, excuse-moi de l'interruption momentanée du programme. On parlait des cartons jaunes, des futures suspensions, tout ça. Bon, Giroud. Mais ils vont jouer quand même, tu vois. Non, là, bien sûr, ils vont jouer. Par contre, ils vont devoir faire vachement gaffe. Donc, pas de faute. Giroud et Kanté, bon, en général, ça va. Mais par contre, les deux défenseurs. Ah, Evra, il fait des fautes à la con, lui. Ouais, Evra, il fait souvent beaucoup de fautes. Mais lui, il n'est pas concerné par les suspensions. Mais les défenseurs qui seraient concernés, donc c'est Rami et Koscielny. S'ils prennent un carton jaune, ils ratent le match d'après. C'est emmerdant, comme c'est la défense centrale, il y a déjà plein de blessés. Ouais. Si en plus, un des deux titulaires, tu les enlèves. Ça risque d'être déstabilisant pour les quarts de finale. Attention, les gars. Donc, ils vont jouer un peu avec la retenue. Ouais, faire gaffe pour les défenseurs. Sinon, aujourd'hui, il y a l'équipe type de l'Euro qui est sortie. Donc, ça a été fait avec les meilleures notes dans la presse, tout ça, la moyenne des joueurs. Je sais qu'il y a Payet. Non, il n'y a même pas Payet, figure-toi. Moi aussi, je pensais que c'est qui a fait ça. C'est en fait tous les notes dans les journaux, quoi. Ah ouais. Donc, il y a les 11 meilleurs joueurs. Donc, on retrouve un Français, N'Golo Kanté. C'est vrai qu'il a été régulier, il a fait son match. Payet, en fait, quand il a marqué son deuxième but, là, il était rentré, tu vois, il a pas fait tout le match. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est logique en quelque sorte. Sinon, on retrouve un Hongrois, un Polonais, un Nord-Irlandais, un Allemand, un Suisse, un Gallois, deux Croates et deux Belges, c'est vrai. Un fou dans l'équipe type, il y a deux Belges, quoi. Bah oui, ah ouais, putain. On est là en tout. Alors qu'il y a qu'un seul Français. Ça, il comprend rien, ouais. Belge. Bah, c'est non, ouais, c'est pas vraiment les Belges. Je comprends pas. Pas grave, Cédric, le journal des Bleus, c'est bientôt fini. Oh là, les Belges, ils sont beaux, de toute façon, on le sait. Non, les Belges, ils sont forts. Est-ce que t'as vu d'ailleurs Kevin De Bruyne, un des joueurs, tu vois, type de la Belgique? Il répondait hier à une interview d'un journaliste, avant-hier, et il lui a dit, ouais, comment ça se fait que la Belgique soit qualifiée, mais vous jouez très mal et tout. Lui, il a regardé, il fait, je m'en bats les couilles, je sais pas. Que je rajouterais même, va te faire reculer. J'ai pas vu, voilà, si, j'ai vu, ouais. Normal, le mec, il a dit, je m'en bats les couilles, ouais, je sais pas. Ouais, il a dit, tant qu'on se qualifie, même si on gagne 15-0. Le journaliste, il était choqué. Oui, que tu vas te faire reculer. Qu'est-ce que c'est que ça, ouais. Espèce de pourriture de journaliste avec ton micro de merde. Sérieux. Voilà pour le journal des Bleus. Demain, pas de match, c'est repos. Ouais, repos. Bon, demain, on sera là en direct avec un nouveau journal des Bleus, évidemment, dans la Bien Radio sûr. Libre, à ne pas louper. Et il n'y a pas Payet, on me dit, il y a Payet dans l'équipe type, il n'y a pas Payet, c'est sûr et certain. Et demain, c'est pas la dernière de la Radio Libre de la saison. Hein. Sera là en direct encore, je crois, jusqu'au 14 juillet, enfin, en gros. Et donc, soyez là pour suivre tout l'Euro sur Skyrock, évidemment, tous les soirs, la Radio Libre. On nous dit De Bruyne, celui qui a dit, je m'en bats les couilles, il est tout rouge, c'est vrai qu'il est rougeau, le mec. Oui, que je suis tout rouge, oui. Il est roux un peu. Ouais, t'as vu. Que j'ai mis la tête dans une friteuse. Que j'y étais un peu fort sur la température de l'huile. C'était trop fort, Louis. Bon, problème du mois, j'ai le résultat du problème du mois. Les voici, les voilà. Vous avez voté et vous avez voté à 26%. Attendez, je vais les faire dans l'ordre. Celui qui a le moins, c'est lequel? C'est l'oral sex light. Désolé pour Laurence. Ah, l'autre avec sa loupiote pour sucer, là. Ouais, ça vous embranlait, elle a fait 5%. Elle a pas fait beaucoup de pourcents. 5%, la pauvre. 15% pour l'achat de fermier après le mariage. 17% pour les hentai. 26% pour Désiré qui se branle dans les fringues de ses potes. Oh, ouais. Et 37% pour Guy Manuel et son ballon à bite. Vous avez choisi le ballon à bite. On va découvrir le bordel, là, tout de suite. Attention, c'est C'est parti. C'est parti. Mon kiki. Donc tu nous lis la en voiture, Simone. Ce que Guy Manuel a envoyé. Comme dirait l'autre. Comme problème sur le net. Comme dirait l'autre. C'est ça, Marie. Comme voiture dirait l'autre. Simone, quoi. Alors, ça, Marie, tu dis en voiture Simone. Ok, et vous réagissez. Tu veux quoi? Tu veux quoi comme réaction? Dis déjà les réactions et tu lis le truc après. Bah, si vous êtes déjà mis les trucs dans le cul. Voilà, donc voilà, c'est parti. C'est clair. C'est l'heure. Hein, il est quoi? Il est minuit moins quart. La question est claire. L'heure voilà. Du Ricard. L'heure du Ricard. C'est vrai aussi, ouais. Bon, alors. Ça Marie, c'est vrai. Ah, connais toutes les expressions, quoi. Alors, ah oui. Eh ben il faut lire. C'est Guy Manuel. Oui. Du 03. Donc il a écrit. C'est dommage qu'on l'ait pas fait hier, le problème du mois, parce que on aurait pu faire une dictée. Que Romano vous fait une dictée, je parle pour ceux qui ont le brevet. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Une petite dictée du brevet. Ah, Romano aurait lu et vous auriez écrit ce qu'il écrit, ce qu'il dit. Qui dit. Alors là, vous auriez écrit qui dit. Ça s'écrit K-I-K-I-D-I. Voilà, tout simplement. Qui dit. Bonjour, moi c'est Guy Manuel. Oui. Je vous contacte car dans mon entourage, personne n'est capable d'entendre mon problème sans se moquer de moi. Alors, POBEM, ça s'écrit tout simple. P-O-B-E, accent circonflexe, M. Ouais, mais il faudra arrêter de m'interrompre. Mais non, mais pour ceux, c'est les dictées. Bah, c'est fini la dictée. Oui, mais pour l'année prochaine. Il y a la réforme du brevet, ce qui rend encore la dictée. Oh, ça. Rien n'est moins sûr. Hein. Rien n'est moins sûr, mon bon mon monsieur Bédo. Ouais. Ah, peut-être pas d'enchaînement d'expression, Marie, mais. Marie, est-ce qu'on Marie, est-ce qu'on est au café du commerce, quoi. C'est parti, là. C'est, elle est au comptoir. Allez, Jeannot, serre-moi un petit blanc. Serre-moi un Jeannot. Ouais, c'est ça. Bon, alors, on recommence. Oh non. On continue. T'en étais à Pobem ou je sais pas quoi. Bah, bonjour, moi c'est Guy Emmanuel. Oui. Je vous contacte car dans mon entourage, personne n'est capable d'entendre mon problème sans se moquer de moi. En effet, j'ai expliqué à toute ma bande d'amis que j'adorais les pratiques anales. C'est bien. T'as un pote, il arrive. Ouais. Putain, qu'est-ce que j'aime bien prendre dans le cul. C'est un truc de ouf. Au début, ils ont pris ça à la rigolade. Mais j'ai commencé à leur expliquer que régulièrement, je m'introduisais des doigts dans l'anus. Moi aussi. Et... Ah bah écoute, tu vois, c'est bien. T'as un copain, Marie. Les mains aussi. Non, non plus, ouais, le bras. Ouais, évidemment, compris. Adam. Ça va être soi. François. François. Alors attends, parce qu'il faut que je m'y retrouve dans mes trucs. Oui. Ah voilà. J'ai dit à mes amis que je m'introduisais des doigts dans l'anus. Ils ont d'abord pris ça à la rigolade. Ah oui, ils ont juste foutu de ta gueule. Ouais. Comme ça. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais quand ils ont vu que j'étais extrêmement sérieux, ils ont ri jaune. Oui, ils ont dit ça. Ah ben ça, ouais, forcément. Après qu'ils rigolaient, mais ils rigolent pas. Ensuite, il venait de lui serrer la main aussi. Ensuite, hein, c'est peut-être là que j'ai dépassé les bornes. Je me suis offert le bouncing ball fucker. Ah, le bouncing ball fucker. Le fameux. Et depuis un mois, j'ai déjà manqué 2 jours de travail pour m'amuser avec cet appareil fantastique. C'est une boule géante. Ouais. Avec des sexes en plastique qui dépassent de cette boule. À moi de choisir lequel j'ai envie de me mettre dans l'anus. Il y en a combien sur ta boule que t'as mis en photo? Il y a, on l'a pas encore mis la photo. Ah. On est en recherche de la bonne photo. Ah, d'accord. Mais il y a beaucoup de bits. Non, modèle. Parce que là, pour le moment, j'ai trouvé le modèle, mais pour le moment, il y en a qu'une qui est grosse. Et tu vois, c'est genre ça, quoi, tu vois. Ah, c'est joli. Ah ouais, putain, mais. Non, mais alors, je sais pas. Elle est grosse, en effet. Non, mais je sais pas si vous voyez, tu sais, il y a des trucs pour gosses, les gros ballons là où t'as une poignée, les gosses, ils font ch'tong, ch'tong, ch'tong. Eh ben, c'est de la même taille avec des bites dessus. C'est mignon. Voilà, c'est ça. Tu mets ça dans ton salon. Ah, c'est magnifique. Devant la télé pour t'asseoir. Non, mais c'est déco, c'est objet design. C'est charmant, ouais, c'est ça. En plus, quand t'es assis dessus, t'es sûr de pas tomber. C'est dommage que Valérie D'Amido a arrêté déco, tu vois, c'est un truc qu'elle aurait pu mettre dans une chambre d'enfant. Certainement. Alors, j'adore utiliser ma boule. Par exemple, le soir, devant la télé, au lieu de m'asseoir sur mon canapé, je m'introduis à des sexes dans mon cul. Il choisit. Pourquoi pas? Et je me gode comme ça toute la soirée. Je rebondis, t'es la petite kangourou. C'est bien pour regarder le rose ballon. Ah bah c'est parfait. Bah là, t'es à fond dans le concept. Oui. J'adore, parfois, je pousse des petits soupirs. J'augmente le son de la télé pour ne pas me. Pour ne pas être entendu ou surpris par des voisins. Je me demande vraiment ce que je dois faire. Je ne peux bien sûr pas dire toute la vérité à mes amis que je passe mon temps à me fourrer ce truc-là dans l'anus. Et vu que je suis célibataire, Je ne peux pas raconter ça à une rencontre. J'ai peur que la fille parte en courant. Oui. Je suis un peu perdu. Ma vie sexuelle, en fait, se résume à m'introduire une débite dans ma boule. Heureusement qu'il y en a plusieurs, c'est pas monotone, moi. Je passe parfois des week-ends entiers avec ce truc dans l'anus. Ah ouais. Ça me fait extrêmement kiffer. Je travaille également beaucoup la semaine, mais j'arrive toujours à trouver un moment pour m'introduire ce truc. Ma vie sexuelle, c'est ma boule. Que dois-je faire avec ma bouncing ball fucker? Qu'est-ce qu'il doit faire avec son bouncing ball fucker? Continuer à jouer avec elle, essayer de trouver une femme, je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, peut-être trouver une femme et jouer aussi avec ma bossing ball fucker. Je ne sais plus quoi faire. Merci de votre aide, à bientôt. Non mais il y a bien un site pour les tarés du cul où il doit y avoir des meufs qui traînent, faut qu'il se trouve quelqu'un qui soit comme lui. C'est-à-dire pas bien. Qu'à sa boule aussi. Pas bien. Dans sa tête, je veux dire. Son ballon. Et sa boule peut-être aussi. Oui, non mais vrai. Le problème c'est qu'il faut un concours, ils se mettent chacun sur leur boule, ils sautent, ils sont ils font une course de boule, de course de boule à la maison. J'imagine la vision. Il y a qui me laissait une adresse sur le net, pornodingue.com, jouer avec le God Balloon, c'est ça? Ça doit être ça, c'est peut-être l'autre nom, moi, ça s'appelle le Bouncing Ball Fucker. Merci Jérém, 69006, salut Jérém. Non mais admettons Marie, tu vois, je sais pas, ton mec il t'amène ça un soir, il dit ouais, on va acheté un Bouncing Ball Fucker. J'ai acheté le Bouncing Ball Fucker. Et il dit ouais, ça te dirait pas de t'asseoir dessus, moi. Bah je lui dirais d'essayer avant moi. Qui s'éclate. Je suis sûr que vous finissez les deux assis dessus, quoi. Vous vous battez. Non, laisse-moi. Viens, mon chéri, on va s'asseoir sur le Bouncing Ball Fucker pour boire une bière. C'est génial à deux, quoi. Non, mais Marie, tu le ferais. Si t'es amoureuse. Si je suis amoureuse. Non, mais en même temps, c'est un god qui est relié à un ballon. Ouais, non, mais voilà, oui. Bah, sans problème. C'est des gods sur un ballon. Ouais. Bah, après, c'est des gods sur un ballon. Oui, bon, tu t'en mets à la fois. Ou même deux, si t'es gourmande. Pour toi, Marie. Non, mais ils sont assez. Ah non, mais c'est, regarde, c'est une bonne taille, quand même. Mais là, c'est un modèle où il y en a qu'une dessus, là. Il y en a une, mais elle est bien. Ah, bah, elle est bien. C'est une pomme, en fait. Bien, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est marrant. Avec la queue. Ça ressemble à une boule de bowling géante. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Bon, vous aurez la photo. Gros ballon gonflable que tu utilises sur la plage, sauf qu'il y a des bites dessus, quoi. Dès qu'on vous la trouve, on vous la met sur tous les réseaux de Skyrock. Sur la plage. Bon, on a la réponse dans un instant. Ouais, c'est ça. Et si vous avez déjà joué avec des sextoys étranges, ou si vous avez vu sur le net des trucs originaux, vous savez, des sextoys originaux. Venez nous proposer ces magnifiques objets. Ouais, et envoyez-nous les photos d'ailleurs. Tiens, bon, puisqu'on peut recevoir les photos, vous allez sur l'appli Skyrock et vous nous envoyez ça. Bonjour Lorenzo, qui nous envoie une belle photo. À la limite, on peut même récupérer les objets et demain soir, Pamela peut nous faire un petit radio achat. Ou les essayer. Elle fera un radio achat. Ce serait bien que les essais. Ce serait mieux que les essais, ouais. Bah oui, ce serait mieux. Elle fera un radio achat. Parles-en lui, Romano. Ouais, je vais lui en parler. Lui en jeter deux mots ce soir. Bon, allez-y, 41759, skyrock.fm. Et donc, l'appli Skyrock pour nous envoyer des super objets sexuels. On en reparle tout de suite. Colonel Charlie, moi je suis pas comme lui, mais j'adore foutre des doigts dans l'anus à ma meuf pendant que je la galoche. Tu lui fais un bisou à ta chérie. C'est mignon. Tu la galoches. C'est mignon comme tout. Allez, un bisou à ta chérie. Et là, on prépare Afrotrap. Tout de suite. Et juste avant, eh bien, je vais lancer la roulette. Je vous avais promis avant minuit. Eh bien, c'est parti. Vous vous inscrivez sur le 41759, sur l'appli aussi, l'appli Skyrock. Je vous disais, vous pouvez envoyer des photos, mais vous pouvez également vous inscrire. Vous laissez bien vos numéros de téléphone. Vous voulez aller voir Rihanna. Eh bien, c'est maintenant. C'est parti. Rihanna en concert à Nice, à Lyon, à Lille, à Paris. Et les places à gagner, évidemment, sur Skyrock. C'est parti. Concert Skyrock de Rihanna à gagner. Top inscription. Faites tout péter. Laissez-nous vos numéros. Marie tire au sort. Ouais. Allez. Et Afrotrap, partie 5 maintenant sur Sky. C'est bon ça, hein? MHD. Pa. Qui lui aussi est passé dans l'émission. On reconnaît les pas, vous reconnaît les pas, qui partent que par intérêt. On paraît tout penser de temps, après des marchés, il est tout derrière. Qui veut la bataille? On fuit ta tenue, mon gars, place au combat. On chie pas de fatigue, paye, j'en caisse, ou mon bon qui va gérer, mais fais moi. MHD, ça tue pas les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, que bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Bali. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je dis ça avant même. Gardez, appétit, quand je pars, j'ai la boule à du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit, gardez, appétit, appétit. Gardez, appétit, gardez, appétit, appétit. Tout ça, les quais éphémères, pas les prix, si je te plais pas. Mais m'épuiser, mes gars, font mes prévages. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le check, c'est la rue, la vraie. Avec du lard, connais pas la porte claire. On se tue l'air, que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus de cellulaire quand la ligne est restreinte. Ngadje, appétit, quand je me barre, je la moula du Brésil. Imbécile, je veux barre loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngadje, appétit, Ngadje, appétit, appétit. Ngadje, appétit. appétit, appétit, appétit. Gâté, appétit. On se marche la boule à du Brésil. Imbécile, vu par moi d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. HD sur Skyrock affrontera partie 5. Come on! 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Alors, il y a les résultats pour le truc du Brexit de la Grande-Bretagne. Alors, a priori, il y a Blue. C'est dingue, j'adore cette émission parce qu'on parle de plein de choses. Il y a un instant, on était sur un ballon à God. Et là, on va se renseigner sur le Brexit de l'euro. Parce que bon, on vit ça de loin, mais c'est quand même vachement important, cette histoire. Bah, c'est assez proche. Non, on aimerait bien ce matin, on s'est mobilisé. Même si les Anglais sont un petit peu bizarres, parfois, ils roulent à gauche. C'est vrai, ils sont bizarres, les Anglais. Ils boivent beaucoup de bière. Ils bouffent de la merde. Ouais, ils calculent pas en kilomètres. Oui, on a fait la liste de tout ce qu'ils bouffaient ce matin, quand même. Ouais, mais ce matin, vous savez qu'il y en a quand même eu la visite de la reine d'Angleterre. Alors ce matin, on a décidé de défendre, d'inciter nos amis anglais à rester là. Et donc on a lancé un grand appel et elle est venue nous rendre visite. La reine d'Angleterre était là dans le morning ce matin. Et ça, c'était assez exceptionnel. Il y avait Mr. Smith. Elle est venue avec un chapeau pointu. Tous les correspondants. Ah, elle était magnifique. Magnifique. Et donc il y avait donc la sortie de la Grande-Bretagne de l'euro, de l'Europe. Le référendum. Ou pas. Ça serait tellement triste qu'on se retrouve tous chacun chez soi, comme ça, pour faire attention aux autres. Alors, apparemment, c'est bon là. C'est bon quoi. Bah c'est bon, le Royaume-Uni reste. Ah c'est bon, ils sortent. Oh, ils se barrent les Rosobis. Ah jamais, tu veux, c'est provisoire. Ils restent. Non, ça y est là, apparemment c'est les résultats définitifs. 52% de oui et pour rester et 48% de non. Ah, pour l'instant c'est c'est Blue, notre correspondant en direct. Ah ouais, le passionné des Blues de Donc Chelsea. Si Blue il dit ça, je pense que c'est une info sûre. Si Blue le dit, on va vous dire provisoire bordel. Ah, provisoire, bordel. Parce qu'à 21h, c'était 51-49, donc c'est vachement serré. Définitif sera demain matin. Ok. Allez, donc demain matin, dans le morning, on saura. Bon. Ouais, voilà, c'est ça. On aura les résultats du Brexit. Vous avez vu, on n'a pas eu de match de l'Euro, mais on a quand même des résultats à vous donner. Et ça, c'est magnifique. Tiens, il y a Cole qui confirme, qui dit... ouais, dites-nous si vous en savez un peu plus. Hein. Cole qui nous dit... Normalement, la Grande-Bretagne reste dans l'Union Européenne. Eh ben, écoutez, tant mieux. On est mieux ensemble que les uns contre les autres. Hein. Carrément. Ouais. Bon. Karim, est-ce que tu me regardes en te mangeant les doigts? Je t'excite. Ah, attendez, excusez-moi, la reine d'Angleterre est là, bonjour. C'est la deuxième guerre mondiale. Non, elle est passée. C'est fini. Elle est finie. Oui, excusez-la, la reine d'Angleterre n'est pas toute jeune, elle a 90 ans, je crois. Ah ouais. Salut, Mum. Yeah. Skyrock. C'est bien. Je suis la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre est complètement pétée. Hein. Eh bien, tu resterais avec nous donc en Europe et ça fait bien plaisir. Ah, je n'en sais rien, je suis pété, j'ai bu de la bière sur mon trône. Et ce qui est faux, c'est qu'il y a 48% des gens qui aient voté alors que ça va ruiner leur pays s'ils sortent. Il y a quand même 48% des Anglais qui ont voté pour ruiner leur pays, perdre de la thune, passer en décroissance, rajouter des frontières, s'emmerder pour sortir chez eux. Comment tu peux vouloir perdre un passeport européen? Ça, c'est un truc. Alors que le passeport avec le passeport américain qui vaut le plus. Excusez-moi. Ah oui, la reine d'Angleterre. C'est ma bière. Ah, bah c'est ça, c'est la Guinness. Ah, j'ai mis mon chapeau pointu, tu en es tipi. Tu chapeau pointu. Je crois qu'elle est pétée à la bière, je crois qu'elle a fêté le Remain, donc la Grande-Bretagne. Remain. Oh yeah. Yeah. Remain. Yeah. Remain. Oh, j'ai vu. Vous avez un pudding au fond du studio. On a un pudding au fond du studio. Non, je crois qu'elle parle de toi. Oui, un pudding. Non, pudding, c'est toi. What is? Cédric, je crois qu'elle te regarde. Non, c'est bien, ma belle. C'est son ventre. Horrible. Bon, eh bien, écoute, merci la reine d'Angleterre. Voilà, allez, pour la renvoie chez elle. Nous, on va faire tourner la roulette. Mais d'abord, le problème du mois. Alors, vous en pensez quoi? Il y a des objets hallucinants. Il y a une espèce de truc que vous nous avez envoyé là en photo. C'est ça là? Non, moi, c'était pas ça. C'était toi, c'est une espèce de croix. Spécial, ouais. Oui, c'est spécial. Non, mais c'est un espèce de truc, vous savez, qui comme un ressort avec un gland au bout. Ah mais c'est genre, mais non, c'est les queues de cochon. Oui mais c'est plus gros quand même la photo que non, mais parce que nous envoyé. Non mais la boule, attends. Tu te la mets dans le cul. Et t'as le truc en tire-bouchon qui ressort, ça fait une queue de cochon. Sergent X qui nous a envoyé ça. Il y a la même chose version chien par exemple, mais t'as une queue de cheval aussi. Ah. Et ça fait comme ah, non, c'est non, joli, là, ça, là c'est vraiment un ressort avec un gland au bout. Ah ouais, c'est spécial hein. Il y a des trucs originaux. Il existe des trucs exceptionnels quand même. Ah bah la preuve. Exceptionnel. Bon, qu'est-ce que vous nous avez montré? Bon, ça c'est un code plus classique. C'est vrai qu'il est assez gros, on dirait un bras le machin. J'adore. Oui, je vois ça, Marie. Merci pour les photos que vous envoyez. J'adore. Sur l'appli Skyrock, pas mal. Bon, on fait la réponse du problème du mois. Allez, c'est parti la réponse. Pendant que je continue de mater les belles photos que nous. Ah, ça c'est le canard coin-coin, ça. Le canard coin-coin, c'est le. Canard c'est, vivant, là. C'est l'objet sexuel, je crois, le plus vendu. Ouais, ah ouais, c'est. C'est un best-seller. C'est le blockbuster des objets que tu te mets dans les orifices, que tu choisis après, bien sûr. Bah, tu te mets pas dedans, non, le ah, canard. Sophie. Non, le canard, tu te mets pas dedans. Bah, non, tu te rentres pas le canard, Marie. Bah, non. Ah bon? Donc, bah, non, tu rentres. Mais non, c'est un vibreur. Non, mais ça vibre, c'est pour le clito, pardon. Tout ça. Ah, moi, je crois que ça se c'est ça. Ah, bah, non. Mais non, mais tu rentres pas le canard. J'ai jamais eu, mais. Pas mal. C'est ça, hein. Et là, c'est le double god que nous envoie Sophie, là. Double god magnifique. Ah ouais, et puis là, on nous envoyait le cockring, là. Tu sais, le truc, la cage pour la bite, là. Avec le cadenas. Ah, un cadenas, ça te fait une cage à bite. Ouais, c'est mignon. C'est pas, comment. Genre, si ta meuf fait les parano, elle te met ça avant de sortir, tu vois. Voilà, comme ça, elle est sûre que tu vas pas baiser. Super, puis ça doit être agréable. C'est une ceinture de chasteté à bite. Alors, que répond, c'est qui répond d'ailleurs? Eh bien, c'est un internaute. Que répond-on à Guy Emmanuel? Un internaute qui s'appelle? Godeuse. Ah, une internaute. Ouais, alors. C'est même une internaute, oui. Excusez-moi. Godeuse répond donc sur le net. C'est magnifique le net parce qu'on a la réponse à tout. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame Godeuse? Alors, elle n'a aucune compétence, hein. Bien sûr, elle est complètement incompétente et un peu tarée, j'imagine, pour traîner sur ce site. Tu fais bien de le dire. Bonjour, Guy Manuel. Oui. J'ai lu ton message avec intérêt sur le forum. Et crois-moi, je vais directement aller acheter cet objet. Ouais, comme vraiment, je disais qu'ils étaient bizarres sur le site. Vraiment, je ne connaissais pas, mais quelle originalité. Quelle originalité. Oui, on a compris. Puis-je te contacter? Insta, t'es tout excité. Puis-je te contacter? Non, mais non, je lis. Puis-je te contacter en MP pour que tu me donnes l'adresse du site où tu l'as trouvé? Je le veux absolument. En tout cas, il ne faut pas que ta vie sexuelle se résume à ta boule à god. Il faut quand même essayer de rencontrer des gens. Ce n'est pas avec elle que tu vas communiquer. Hein? Tu peux lui parler, certes, mais elle ne te répondra jamais. Ah, voilà. Elle n'est pas con, cette vidéo. Alors, ils sont tous dans cet état, sur ce site. Ah, ben c'est quand même le palais de la soumission. Ah, ouais, c'est ça. Alors que, avec une personne compréhensive, tu arriveras peut-être même à faire des soirées boule à god avec elle. Sympa, les soirées boule à god. J'y avais jamais pensé. C'est quoi ce soir du film? Si vous voulez fêter la fin des examens, une petite soirée boule à god. Eh ben, c'est sympa comme sous. C'est sympa comme tout. Je vous rassure, l'émission, il reste 5 minutes, c'est bon, et après, c'est fini. Ouais, il y a une salle, là. Peut-être me coucher, là, moi, d'ailleurs. Ça ne peut pas le dire. Alors. Avec une vraie personne, vous pourrez peut-être faire des soirées pour la god. Ça me donne envie d'essayer avec mon mari. Ah. Je te tiendrai au courant dans mes messages que je t'enverrai en MP. En tout cas, essaye de rencontrer quelqu'un, c'est vraiment très important. À bientôt, l'échange, c'est la base de la vie. À bientôt sur le forum. N'hésite pas à revenir si tu as d'autres objets foufous comme ça à me présenter. Un petit objet foufou. Bah, bien sûr. Bisous, amicalement vôtre. Amicalement vôtre. C'est voilà. Marie, elle aurait dû dire ça à la fin. Amicalement vôtre. Ouais. Et bien voilà pour la réponse. Eh ben voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, ça a rendu une heureuse, c'est Godeuse. Très bien, bah Godeuse est contente, nous aussi, tout va bien. Et là, c'est l'heure de la roulette. Ah bah oui, c'est l'heure de la roulette. Il y a Mitch qui est au téléphone en direct avec nous. Il est où? Dans le 93 à Tremblay. Salut Mitch. Mitch, es-tu là? Mitch, es-tu là? Oui, je suis là. Et ben nous aussi. Ça tombe bien. Ça va, Mitch? Ça va bien, vous allez bien, l'équipe? Et écoute, ça va. Tu m'as vu un Y tout à l'heure sur le scoot avec Jules. Avec Jules. T'as entendu quand même ce qu'avait dit Jules, que j'étais très courageux? Dis-le, Romano, qu'il a dit que j'étais plus courageux que toi. J'ai pas entendu. Bah, c'est Tifou le plus courageux. C'est vrai. Et je vous rappelle quand même que j'ai toujours une tendinite. Et donc, malgré ma souffrance, ça mérite. Même en tendinite. Et il est toujours relou. Bon, allez, les places pour la roulette, c'est parti, on fait tourner, Mitch. 400 places de concert Rihanna à gagner sur Skyrock. T'as 22 ans, tu fais quoi dans la vie, Mitch, toi? Moi, je suis chauffeur. Ça chauffe. Eh bien, c'est attention, ça. On a fait chauffer la roulette, ça. C'est parti, elle tourne. Rihanna en concert. Partout en France avec Skyrock. Stop, tout le 24. Eh, c'est aujourd'hui, ça y est, c'est maintenant, il est sorti. On le Jul. Aujourd'hui, tout précommenté. On va le mettre là, Jul, d'ailleurs. On terminera avec Jul. Ouais, très bien. Et tu viens de gagner Rihanna, Mitch. Oui. Et oui, tu as gagné tes deux places pour Riri. Bah écoutez, merci, c'est gentil. Et bah, c'est fait ça fait plaisir, on vous écoute tous les jours. Et bah super, bonne ambiance, bon délire. Romano, on va voter pour toi. Ah, merci mon pote, c'est cool. La balle. Ah, bah, écoutez, moi c'est merci à vous. Et bah merci Mitch, et bon concert, tu vas y aller avec qui au concert? Moi, c'est avec ma copine. Très bien, bah tu lui fais une bise à ta copine, Mitch. Ah bah oui. Bisous à vous. Et bah bise à toi. Dédicace vite fait. Vas-y, vas-y. Dédicace à la famille Ovis, Tremblay en France. Dédicace à l'équipe Kairos. Dédicace à Jules. Aïe, 93. N'hésitez pas à vous et merci encore. Eh ben merci Mitch, raccroche pas. Et d'autres places à gagner demain matin dans le morning, dernier morning de la saison à pas louper. Dès lundi, vous retrouverez le morning, le best du morning, le morning best. Eh voilà. Ouais. C'est vrai. On a mis ça au menu de votre été sur Skyrock, en tout cas pour ce début d'été. Vous retrouverez les meilleurs moments, mais il y aura aussi les pires, Romano. Il y aura tout. Bah, oui, mais bon, demain en direct, n'oubliez pas le rendez-vous du morning, c'est de 6h à 9h. C'est le bouquet final. Avec la venue de la Marie, de sa chatte. De Karim aussi. Ouais. Genre, on va voir s'ils arrivent à se lever. Marie, ça chatte demain pour le morning. Ouais, c'est je serai là, c'est la folie. Les pronostics de l'Euro pour le match des Bleus contre l'Irlande de dimanche. Les places pour la finale de l'Euro demain matin. C'est la finale qu'on vous offre à ne pas louper. Vos conseils pas chers, le réveil de star et tout le reste aussi. Hein, demain matin, entre 6h et 9h, on vous retrouve. Et demain soir, on est en direct. Donc soyez là pour bien terminer la semaine. Le vendredi, c'est super en plus. Vendredi soir, juste après le dernier Planet Trap de Jules pour cette semaine. Ouais. Jules dans les bacs, Jules l'a écouté sur Skyrock et Jules sur tous les réseaux pour aller mater les vidéos. Allez-y, ouais. Allez-y, les vidéos, les photos et tout le reste. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Salut, bonne nuit. À demain soir, à demain matin et puis pour le terminer, bah, Jules. Ouais. Bah oui, Prisca juste Emotion, derrière. La version Skyrock. Ouais, et Prisca arrive juste derrière. Urban Music non-stop toute la nuit. Bonne nuit. Ciao. À tout à l'heure. Après t'avoir offert plus de 200 places pour l'Euro 2016, Skyrock et le Crédit Agricole continuent d'offrir des places pour assister aux demi et finales de l'Euro 2016. Skyrock! Rendez-vous tous les matins entre 6h et 9h. Morning show. Et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Skyrock! Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr! Champion, mon frère! C'est Tchou sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Tchou sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune puis sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bactères qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère. Comme mes potes qu'on incarcère. Pour le stress j'y mets du mien. Je vous attends devant la mer. Trop souvent je me questionne. Les vrais, faut que je les raisonne. J'envoie des sons pour venisant la mort. Je me vois partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Ne me laissez pas seul, parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos. Et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là? Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta vie comme un chinois. J'envoie des sons. Je me vois partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Parano, parano. Du mal à sortir mes émotions. Je roule en bolide 4 motion. Du mal à sortir mes émotions. Emotion. Je roule en bolide 4 motion. Faut pas qu'on me laisse.

laisses tomber ta robe par terre. T'es nu, je reconnais mes torts. J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort. Pas brasser l'air. Achetons une grande ville sans TVA. On finit sur une île au large. Toi deux, nous deux, bah ouais, je t'emmène. Je sais qu'ils voudront ma peau bientôt bébé, mais je crois en nous deux. Regarde-moi dans les yeux, tu vois. Je te mens pas, beauté. Je te parle d'une merde, tu dans ma tête, ça fait. Je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Car je la connais. Non.